Bienvenue dans la fucking kermesse. C'est au mois d'août 2017 que je fus confronté aux terribles événements qui me poussent aujourd'hui à prendre le microphone. J'aurais préféré les taire à tout jamais et épargner au monde l'insondable horreur que ne manquera pas de faire naître ce récit. Mais j'ai peur que le poids terrible de ce dont j'ai été témoin ne m'entraîne peu à peu vers les abysses sans fond de la folie. Voilà des mois que j'enquêtais sur un culte démoniaque et oublié qui se réunissait de manière aléatoire aux confins des métropoles françaises. Un culte qui aurait pu s'appeler l'appel de Cthulhu, mais on n'a pas besoin de pelle quand on a déjà touché le fond. Ces serviteurs dévoyés aux mœurs décadentes, inspirés par les écrits blasphématoires de l'arabe fou Abdul Al-Azred, tentaient d'invoquer les grands anciens, Yog-Sothoth, Nyarlathotep et autres paatriques, divinités païennes, noyées depuis des âges immémoriaux sous les vagues anisées. Le nombre exact des serviteurs de cette immonde secte était impossible à estimer, malgré mes recherches intensives sur leurs coutumes. J'ai pu néanmoins, au prix d'innombrables sacrifices que je passerai le restant de mes jours à regretter, acquérir quelques informations sur leurs principaux membres. Steven, un véritable ansculfusien pseudo-aristocratique, dont les délires orgiaques étaient contenus dans une sombre mallette qu'il ne quittait jamais. Stavrogin, un être à peine humain, vagabond pourchassé par les autorités, dont le corps tout entier semblait suinté d'une étrange substance orangeâtre et pimentée dont il semblait ne pas pouvoir se passer, en mélange impie qu'il réclamait dans d'infâmes bruits. Sauce samouraï, sauce samouraï. Alexis, un bureaucrate inquisiteur, allergique à la modernité, qui n'avait d'amour que pour les heures les plus sombres de notre histoire. Zinsa, un métis dévergondé qui pratiquait d'étranges rites, seul dans son insalubre demeure, lors de journées de sabbat qu'il appelait lui-même Mardi Fou. Et puis il y avait Jde, dont je n'ose à peine parler. Aucun mot ne saurait assez retranscrire l'horreur qu'inspire cet être hors de tout temps, dont l'essence même est une contradiction des lois les plus élémentaires de la nature. Que recherchait cette communauté d'êtres insondables ? Je ne sais pas même si un simple esprit humain est à même de comprendre ce qui les motive. Par une nuit maudite, je les entendis néanmoins prononcer ces quelques mots, cette incantation impie qui restera à jamais ancrée dans ma mémoire, que je le veuille ou non. Et bah bonsoir! Bonsoir tout le monde, c'est la fucking kermesse numéro 26. Yes, yeah. Vous l'aurez rapidement deviné, c'est sur Lovecraft. Ouais. J'ai essayé de pasticher comme j'ai pu. Ah, c'était très beau. Bravo. Et bien merci. Ah, c'est la première fois qu'une intro de la FK est aussi préparée. C'est vrai. Plus que le reste de l'émission, mais en tout cas ça c'était bien préparé. Merci pour ce beau portrait. Ouais, c'était, ouais, c'était stylé. Je suis assez content d'être un être indicible qu'on peut même pas expliquer, dont l'essence est contradictoire. Parce qu'il faut te vivre. C'était Jean-Sébastien Bachenflour au piano. Exactement. C'était le concerto en la mineur. C'est 88. Très bien. 87. Ah pardon. Non, non mais si moi, on prend la version chez Blue Note. Alors Stavro, outre une émission fort préparée sur Lovecraft, qu'est-ce qui nous attend pendant cette... Il nous attend le petit gros plateau. Il nous attend le petit gros plateau habituel où chacun va deviser allègrement sur un truc culturel qu'il a bien aimé ou pas. Il nous attend une chronique de JD qui fait son retour. Yes. Finkel. Ali Finkelkraut revient. Il y a aussi une vie Patrick faite par Alexis. Et oui. Et oui. Une vie Patrick surprise. Peut-être. Non. Comme vous voulez, je peux le dire maintenant. Le... C'est quoi ? C'est sur l'armée. C'est Patrick intègre l'armée. Ah, on a quelques conseils pour qu'il intègre l'armée en douceur. Ah bah, bien. Ça semble se profiler à l'horizon, hein. Je sais pas pourquoi je dis ça. il y a aussi un quiz. Par Steven et moi-même. Eh oui. Pas piquer des hannetons, vous allez voir. Et enfin, bah voilà. J'ai l'impression que c'est l'expression que tu utilises à chaque. Parce que je sais quand je sais pas quoi dire, effectivement. D'accord, c'est ça. Très bien. Bah voilà, c'est tout. Tout ça. De la bonne humeur, de la joie, du Lovecraft. Comme d'habitude. Et puis c'est tout, c'est déjà la pas mal. La contradiction entre Lovecraft et la bonne humeur était bienvenue, mais. Bah, on verra. On pourra en discuter. Qu'est-ce qu'il y a ? Peut-être qu'on pourrait parler d'une règle qu'on aura donc, pendant toute l'émission. Un petit jeu. C'est vrai. Vous pouvez jouer chez vous aussi, bien sûr, hein, si vous n'avez pas d'amis, vous êtes alcoolique. Si vous nous écoutez dans le métro ou dans les transports en commun. C'est à chaque fois que quelqu'un prononce le mot Cthulhu, il devra boire une gorgée. Tu bois. Je bois, et vu qu'on a tous chanté, on boit aussi tous ensemble. Ah d'accord. Ensemble. À Lovecraft. Mais tu bois deux fois. Allez, à Lovecraft. Salut. J'ai pas de verre. Et ben voilà, tu bois pas. Allez, donnez-moi le whisky. Eh ben le whisky arrive. J'aimerais signaler aussi quelque chose de très important. Ah oui, ça, alors c'est le seul moyen connu pour empêcher que Toulouse arrive sur Terre. Exactement. Donc, il faut tu vois. Il faut mettre 5 étoiles sur iTunes à la fucking kermesse. Eh oui. C'est important. On le dit toujours en fin d'émission quand les gens n'écoutent pas. Là, on le dit au début, donc vous avez plus d'excuses. Vous devez le faire, sinon on sera pas content. Fais une pause pour que les gens aillent le faire. On sera triste. Voilà. On arrête le podcast. On vous attend. Prenez le temps, faites pause. On attend. Voilà. En attendant une petite musique d'ascenseur. Et vous pouvez même mettre un avis. Pour dire si c'est une bien. Très bonne idée. Oui. Pour parce dire que c'est bien. Pas si c'est bien. Pour dire, oui, que, pour c'est dire bien. Que c'est bien. Parce que plus on a d'avis, plus on est connu. Plus on est connu, plus on a d'avis. Et vous pouvez même mettre 5 étoiles et mettre un avis de merde. C'est pas grave. Ouais, quand vous mettez 5 étoiles, voilà, c'est pas grave. D'idée qu'on est. Disez. Hein, c'est important. Disez-le bien, disez-le haut, disez-le fort. Qu'on est des connards, mais avec 5 étoiles. Parce qu'on est 5 et on est chacun une étoile dans notre domaine respectif. Oh, j'ai pas dit t'étais l'étoile de quoi toi, hein. Donc, voilà. Moi je suis pas l'étoile de la syntaxe. Et on va pouvoir commencer. David. Habilement. Ah. On est déjà un peu trop dans le sujet. Par le roue plateau. Alors le roue plateau, on rappelle le principe, c'est une espèce de caddie sur lequel on peut mettre des plateaux à flunch. Et comme cet agencement et cette sorte de baldaquin moderne pour mettre des plateaux, nous faisons pareil, cette sorte d'empilement perpétuel de culture. Alors, c'est presque ça. Jean-Daniel. Oui, c'est moi. Alias JD, alias J2. De quoi tu vas parler? Ouais, c'est moi qui commence. Bah, et oui. Je voulais parler, j'ai pas trop préparé, mais j'ai vu un film il y a pas très très longtemps. Ah, c'est bah bien. Merci beaucoup. Voilà. Ça s'appelle Jesus Camp. Je sais pas si ah, je l'ai vu aussi, c'est un documentaire. Ouais, c'est un documentaire qui se passe aux bien. États-Unis sur les chrétiens. La droite alternative. Non, c'est pas vraiment la droite alternative, c'est une droite genre bien c'est chrétienne. Sur les George évangélistes. Bush. C'est ça. Et en fait, c'est donc les évangélistes américains et c'est autour d'en fait des gamins qui vont dans des camps, des espèces de camps de. Je sais pas ce que t'as fait en août là. Et il y a beaucoup de gamins. Oui, oui, on peut dire qu'ils sont concentrés. Ah, effectivement, c'est. Et ils sont très concentrés quand ils écoutent en plus, donc ça marche. Mais ça, totalement. C'est assez incroyable parce qu'il y a des. Bon, bah, donc du coup, c'est ces gamins qui vont à des camps pour faire des prières, etc. Mais surtout pour se faire vraiment. Lobotomiser le cerveau. Non, mais en plus, les mecs qui le font disent clairement, bah, on s'attaque aux enfants parce qu'ils ont l'esprit malléable. Ouais, ils le disent clairement. Et il y a un truc assez intéressant, c'est la nana, elle dit, ouais, les enfants, les islamistes, eux, ils font ça avec leurs enfants, donc nous, on va faire la même chose. Ah ouais, c'est assez intéressant. Et il y a un passage. C'est l'appropriation culturelle, ça. C'est en placement des buts. Ah bah c'est le melting pot américain. Hein. On voit des trucs bien, on les reprend. Et il y a un passage assez hallucinant où ils sont tous en train de prier, et puis d'un coup il y a une meuf qui vient avec un espèce d'énorme reproduction taille réelle de George Bush. Et elle le fait parler comme ça devant les enfants et tout, en lui disant oui, merci de faire ce que vous faites pour moi. Mais en plus, les enfants se mettent en transe comme dans les trucs évangélistes où ils sont en train de pleurer, ils tremblent, ils se mettent par terre et tout. C'est vraiment incroyable. Il y a vraiment, c'est un authentique lavage de cerveau, on le voit vraiment en direct. Enfin, c'est assez intéressant parce que ce qui est assez aussi intéressant, c'est qu'il le met en contrepoint avec un espèce de chrétien aussi qui fait de la radio. Et qui arrête pas de dire, mais qu'est-ce qui nous arrive, hein, c'est pas ça exactement le christianisme, même en Amérique. C'est pas ça exactement. Ah bon. Et c'est un peu ça, mais pas trop. C'est assez intéressant parce que ça permet de voir que c'est des extrémistes, en fait, tout simplement. Mais en plus, c'est un documentaire qui date de 2006-2007, et les enfants avaient 7-8 ans à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a une génération de bolos qui nous arrive en pleine face. C'est pour ça le George Bush, en fait. C'était George Bush à l'époque, qui était vachement la droite évangéliste. En fait, c'était un born again, de toute façon. Du coup, ils suivaient les pas de leur géniteur. Et c'est dispo où? Sur Netflix. Ou sur uTorrent. Bravo. Bah, ça, c'est pas très bien, ça, monsieur. On vous félicite pas. Désolé. C'est pas avec vous que la France va rembourser sa dette. Mais voilà, c'est ça. J'ai parlé de ça, voilà. Le mec, il dit, voilà, j'ai parlé de ça. Le mec le plus convaincant du monde, ça y est, j'en ai parlé. Ça donne envie. Et toi, ça. Moi, je vais vous parler d'un jeu de plateau, pour changer, ici avec moi et auquel on pourra jouer après l'émission, d'ailleurs, si vous voulez. Ah ouais. Venez, donc c'est ça permet de voir ou pas. Minuit et demi, vous pouvez arriver sur les coups, puis on jouera. Donc ça s'appelle King of Tokyo. Il nous montre la boîte au micro, hein. Regarde. Voilà, c'est qui fait ça. C'est très radiophonique. Un très bel objet. Donc, King of Tokyo de Richard Garfield. Ah, Richard Garfield, c'est le créateur de Magic. Oui. Hey, je ne savais même pas, j'avais bien préparé. Tu vois, tu avais préparé les roules plateaux des autres à défaut de préparer le tir. Et ça, c'est cool. Ça, c'est beau. Ça, c'est stylé. Donc, c'est un jeu de plateau qui est sorti en 2012, qui a eu l'As d'or de l'année 2012, et aussi le Netherlands Spelling and Flute Contest 2013. Ah, ça, c'est un prix très convoité. Et le Netherlands Spelling and Flute, c'est vraiment le top. C'est pas un grand ancien. C'est un peu en dessous du Schmlinen, mais c'est vraiment sympa. C'est des Norvégiens en fait. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que déjà, ça a le mérite d'être un jeu qui peut jouer à 6. Et je sais pas si vous avez déjà essayé de faire des soirées jeux de plateau, mais généralement c'est super casse-couille parce qu'il y a les trois quarts des jeux qui jouent qu'à 4. Et c'est un jeu donc. Bah, la partout sinon. Qui a avec. Ça se joue autant qu'on veut. Mais le plateau est. Au-delà de 7, c'est compliqué. Adapté. Connaisseur! C'est un jeu donc où le principe est qu'on est, on représente des monstres, donc des Godzilla, des King Kong, etc., des grands monstres de la pop culture. Tu veux dire des kaijus ? Des kaijus, voilà, et qu'on vient pour casser Tokyo, on vient pour tout foutre par terre. Et on casse les noix des autres kaijus. Les noix de kaiju. Et oui ! Ah ! Humour d'apéritif. Putain, je m'en remets pas. Il faudrait. Et donc, le but étant donc de rentrer dans Tokyo pour gagner des points de victoire et les autres monstres. Allez, tu bois. Il y a l'équivalent de la chose que tu as dite. et donc le but étant de maraver les autres monstres tout en cassant soi-même la ville. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que c'est super accessible. Les règles sont simples, mais en même temps, c'est assez difficile de faire un jeu où tu comprends vite les règles et qui est suffisamment tactique pour que t'aies envie de faire assez de parties après, parce que il y a des cartes qui vont te permettre d'augmenter tes capacités, mais que une fois que tu connais le jeu, tu peux miser sur l'apparition de telle ou telle carte. Il y a donc une forte rejouabilité. Voilà, ce que tu es en train de dire. Très forte rejouabilité, mais qui est accessible tout de suite. Et c'est très très fun parce que il y a un côté aléatoire mais qui est pas trop présent, mais qui te permet de varier un petit peu l'équivalent carapace bleue, voilà, où et tu prends dans la gueule. Et la sensation de casse de la ville, elle est matérialisée. Bah, alors en quand fait, tu poses la carte, t'as l'impression de casser des immeubles, c'est incroyable. Ouais. Tu joues avec des cartes bonus, mais pain, donc... pour faire tes actions, tu joues des dés, donc il y a un côté aléatoire où tu peux pas faire toujours exactement ce que tu veux, mais tu peux te prémunir contre l'aléa de façon assez intelligente et c'est vraiment fun. Voilà, c'est un jeu où tu retrouves les sensations du Uno, où tu jouer te mets sur la gueule. Bien vénère. Les sensations du Uno. Mais oui, le mec qui sort a sa carte. Les sensations au Uno, quoi. Putain, c'est le Uno, ça a détruit des familles, ça a détruit des amitiés. La tienne, peut-être. Tu veux nous en parler? Putain. Mes parents ont divorcé. L'accident de Uno en 97. Papy Daniel. Tu m'entends? Non, pourquoi c'est... t'as pris le plus 4? Oh, il fallait. Non, mais c'est vraiment un c'est pas sympa. Combien de temps? C'est des parties d'une petite heure. Ah, oh, c'est bien. Et mais très intense. Très intense, très sympa. On se met sur la gueule et on rigole. Et bien, on y jouera après. On et à partir si de quel âge alors? De 7 à 77 ans. Pour combien, combien tu lis la boîte pour trouver des questions? Il connaît la réponse. Très bien. Mashallah. T'as payé ça combien? Quel âge, on a dit? Je l'ai volé à un ami, donc c'est gratuit. D'accord. Et bah bravo, et bah faites ça. Faites comme volez-le. Ça. Volez-le. Hein, uTorrent, volez à un ami, les bons tips de la SK. La culture pas chère. En même temps, le podcast, c'est gratuit, donc on est dans ce domaine de la culture offerte ou volée. Exactement. Voilà. Et souvent, on est dans les deux. Et oui, parce que nous aussi, on lit ce que les gens médisent dans les livres et on dit. Ce que les gens médisent surtout. Ah, c'est beau, et nous, on médit. Voilà, à toi, Alexis. Moi, j'aurais pu vous parler du. Pourquoi t'as pas de pseudo? Bah, j'en ai un, mais tu l'utilises jamais. C'est ah oui, Landros. Landros. Ça, c'est fort de fruits. Voilà. Mais ça vient de là, tu sais. C'est vrai? Ouais. T'as dans le... ah. C'est vrai? Ah, ça vient de Star Wars. C'est un bon compote. Ça vient pas de Star Wars. Landros Cardition. Carlicien. Ouais. Kardashian. Ouais. Kardashian. C'est un frère moins connu. Bref, j'aurais pu vous parler du Déchronologue de Stéphane Beauberger, qui est un super bouquin que je vous conseille. Mais il y a deux semaines. Le mec qui fait des teasers. Ouais, j'en fais, Lovecraft, j'en fais deux d'un coup. Retrouvez-le sur Analeps bientôt. Mais il y a deux semaines, j'étais à Londres. C'est bien. Ah, et tu recommandes Londres. Voilà, c'est ça. Voler un ticket à non, un ami, je suis allé au Harry. Non, sur des camions, il paraît que ça passe. Je suis allé. Mais à la nage, ça se fait, hein. C'est part de Calais, ça. je suis allé au Harry Potter Studio Tour. Ah! Et c'est hyper cool. J'ai vu ta petite photo, t'as l'air con devant la voie 9¾. 9¾, ouais, t'as vu. Donc c'est en banlieue de Londres. Est-ce que t'as une ristourne si tu ressembles à Harry Potter avant de rentrer? Bah, c'est vrai bah moi j'en ai pas eu en tout cas. On peut le dire, Alexis ressemble un peu à Harry ouais, Potter. Et ma copine aussi, c'est et pourtant elle en a pas eu non plus. Elle ressemble à Harry Potter. C'est un problème. Elle est brune avec des lunettes aux cheveux courts. Ah, dit comme ça. Mais en fait, tu te baisses toi-même. C'est ça là. C'est sa sœur jumelle. Bref, ça a une petite demi-heure en banlieue de Londres. Ça coûte une quarantaine. En balai, c'est à combien de tonnes Ça, je sais pas. Ça coûte une quarantaine d'euros. C'est une quarantaine de livres, ouais. Et tu restes. Un beau tour de magie ouais. De te voler autant ton argent. Non, mais tu restes. Ça dure bien 4 heures. T'as l'ensemble des décors, genre la grande salle, Poudlard en reproduction Mais un 20e, tu vois, c'est les trucs qu'ils ont vraiment cool. tourné. C'est les tu vrais. Tu balades à pied ? Ouais. Ouais, ils ont même pas mis un petit train ou. Je suis deg. Bah non, mais il y a le train, etc. Enfin, non, mais ça, c'est une visite, c'est un musée. Où sont les cartes pour les gros ? C'est, ouais, c'est clair, c'est un musée, donc tu vas pas. Tu d'accord. marches. Tu balades à pied, putain, c'est question. Et bref, c'est hyper cool. Il y a pas de tapis roulant. Bref, c'est hyper cool si vous aimez déjà Harry Potter, forcément. Mais même si vous aimez pas, moi je suis pas hyper fan d'Harry Potter, mais c'est hyper intéressant parce que vous voyez l'envers du décor des réalisations de films, en fait, que, okay. qu'on voit jamais. Okay. Genre, il y a tous les animatronics qui sont expliqués comment ça fonctionne. Ah, celui d'Hermione, celui de Harry, celui de. Quoi ? Bah je sais pas. Non, c'est bon, je dis de la merde. C'est quoi un animatronics déjà ? Animatronics, c'est des automates. C'est des objets ouais oui. mécaniques. D'accord. Et t'as tous les effets spéciaux qui sont expliqués, t'as donc évidemment tous les décors que tu peux visiter, les costumes et tout, enfin. Bref, non, c'est hyper intéressant et tu te rends compte de la démence d'un truc qui a duré 10 ans et que genre rien que pour les baguettes, ils en ont fait 30 000, t'es genre ok. Il y a pas trop de fanboys relou. En fait, ce qui est cool, c'est que ils te font rentrer par heure. T'as une heure d'entrée okay. et donc du coup, il y a que 100 personnes à chaque fois qui rentrent. Ah, ça, 100 personnes. Bah, c'est sur un truc qui est gigantesque. Bah, après, t'es pendant 4 heures dans le truc. Ils s'aiment pas dans les tapis roulants, sinon après Alexandre. Donc 100 personnes, c'est pas énorme, tu vois. Donc franchement, tu visites ça tranquillou. C'est un peu comme Abercrombie, quoi. C'est cool. Chacun ses références. Donc c'est bien, tu le recommandes. Donc c'est hyper cool. Si même vous... si quand même on peut noter qu'il faut se déplacer à pied. Ouais, c'est vrai. Bon. Le petit bémol. C'est dommage. Enfin, remarque, on s'est pas renseigné. Hein. Peut-être qu'il y a des caddies à l'entrée. C'est vrai. Tu peux demander. Très bah, bien. Merci beaucoup, Alexis. Et toi, Stavro ? Stylé. Stavro, eh bien qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu Defenders, la nouvelle série Netflix. Oh. Alors dedans, il y a Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones et Daredevil. On pourrait se dire, tiens, ça fait 4 ans qu'ils nous font une série sur chaque. Là, il y a tout le monde ensemble, ça pourrait être bien. Eh bien, ce n'est pas bien. C'est attends, les séries de base, c'est étonnant nul. Que ça soit pas bien. Non, mais alors Daredevil, c'était un peu bien. Daredevil, c'était bien. Jessica Jones, c'était bien. Non, c'était pas bien. C'était non. bien les 4 premiers épisodes. C'était et encore. C'était bien, mais trop long. Ça aurait été parfait, 4 épisodes mais de c'est moins. Pas intéressant. Heureusement qu'il y a David Tennant, quoi. Comment vous avez le temps de vous infliger toutes ces conneries Dixit le mec chômage. Qui nous ah. Dixit le mec qui nous après parle le vol le chômage. C'est une autre sorte de vol. et vive la République en marche bien sûr. Mais du coup Defenders c'est de la merde. Donc vous pouvez passer votre chemin allègrement, ça vaut pas le coup. Les gens enfin le scénario c'est de la merde, les personnages, on l'a déjà fait hein. C'est des cons. Iron Fist c'est le pire enculé que la Terre a jamais porté, il est jamais intéressant. Et en plus même les dialogues et les interactions entre personnages, ce qu'on voulait voir, le fait qu'ils interagissent entre eux après tout ce temps, c'est bien mais ça vaut, c'est pas si ouf que ça. En plus on a un peu le syndrome des talking heads, un truc de narration qui fait que les dialogues ont l'air vachement pas réalistes. Ils sont au milieu dans une pièce, ils parlent et ils font rien. Du coup, ça fait vachement artificiel. Tu le vends tellement et bien. Bah oui. Et non, pardon. C'est quoi les enjeux ? Parce que du coup, moi, bah, c'est les ninjas de la saison 2 de Daredevil qui sont encore là, quoi. Ah ouais. En plus, ah oui. Ils recyclent ça. Parce que moi, ce qui avec le concept, ce qui me donne pas envie de le faire, c'est que je me dis déjà Avengers, ça me saoule. Alors que les enjeux sont planétaires et qu'ils essayent de te faire un truc super intense et tout. Et je me dis. Enfin, les Defenders, c'est un peu les Avengers du pauvre, quoi. C'est le même délire, mais peu, à l'échelle télévisée. C'est un peu ce que les maires sont au président. Ok. Non, mais je sais pas. Je dirais pas ça. Non, mais oui, mais, non, mais les enjeux, c'est pas grave. Parce que tu vois, Daredevil, les enjeux étaient moindres, mais c'était quand même bien. Et Luke Cage était intéressant dans les ce enjeux, que ça voulait faire. C'est pas grave. Bah non, mais si t'es Luke Cage. Et que t'as un pouvoir moindre que Iron Man, c'est pas grave que tu dois te défendre seulement ton quartier plutôt que la planète. Si, oui, oui. Et non, parce que tu vois, quand tu fais un héros en mode individuel et que t'as le temps de creuser vraiment sa psychologie dans sa série à lui, du coup, Daredevil, ça reste une bonne série parce que il est. Enfin, il a des conflits intérieurs sur la façon dont il gère son ouais. pouvoir, sur son rôle de vigilante et tout. Mmh. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui rend la série intéressante parce que les enjeux en soi à l'échelle du. Et le comics d'ailleurs. Une fois pareil. Que tu mets en place le Marvel Universe et les enjeux globaux. Enfin, je veux dire, moi, j'aurais du mal à regarder cette série en me disant j'en ai quelque chose à branler pendant qu'il y a des mecs qui sont en train de se battre pour le cosmos. Tu vois, genre, il est là, ouais, j'ai défendu le mec qui est en train d'agresser les vieilles dans mon quartier. Là, ils défendent New York, tu vois. Bah oui, mais on s'en branle parce que tu, en soi, Thor pour arriver et rouster la gueule de tout le monde. Comment ils justifient ça d'ailleurs ? Pendant que Thor. Ils défoncent la gueule des dieux, eux ils s'occupent des petits trucs au jour le jour. Bah super, ouais, c'est la gendarmerie de Marvel quoi. Et bah exactement. C'est de la merde. C'est les gardiens de la paix. Oui et non, enfin je trouve que ça a sa place aussi quoi, tu vois. Enfin en tout cas dans les comics, moi je regarde pas trop les séries Netflix, j'ai juste regardé Daredevil et vite fait Jessica Jones mais j'ai arrêté. Mais en tout cas dans les comics, ça justifie complètement, tu vois, au sens où bah évidemment, t'as des super-héros qui sont tous d'ailleurs américains qui vont défendre la planète, tu te poses pas la question s'il y a des héros chinois ou russes ou qui défendent de leur côté leur pays, tu vois. Et donc en fait, dans l'univers Marvel, il y a des petits héros partout, quoi. Ouais, c'est ça. Et combien de fois ils sauvent le monde? Alors, quelqu'un a s'amusé à compter parce que. Mais jusqu'à quelle échelle ça descend? Est-ce qu'il y a des héros par barre d'immeuble et tout? Mais c'est pas que sauver. Je pense que si tu creuses assez, il y a des héros dans ta rue. C'est pas que sauver le monde. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois, genre Daredevil, il se bat contre la pègre dans son quartier et je trouve ça. Les contraventionneurs. Bientôt dans votre rue. Non mais du coup, si tu recherches du comics et du super-héros un peu plus Netflix présente réaliste, justement, bah c'est vachement plus intelligent, tu vois. Réalisme dans le super-héros, c'est pas vraiment ce que je recherche. Bah oui et non, tu vois, genre moi Iron Man, ça me casse les couilles parce que il faut toujours un petit élément. Bah oui, mais Daredevil, ça l'est un peu, réaliste, tu vois. Évidemment, c'est il y a une pointe de fantasy, de enfin tu vois, de ce que tu veux. Ouais. Mais le mec, il a une échelle beaucoup plus réaliste où bah c'est la pec de son quartier, lui ça le fait chier, tu vois, il essaye de se défendre, quoi. Ouais. Alors que évidemment, quand t'as des mutants de l'espace ou je sais pas quoi qui viennent envahir ta planète, Daredevil est là, j'ai un bâton. Bon, c'est bon, ouais, on a beaucoup trop parlé. Alors c'est pas des tates avec sa canne blanche au visage. Bon, c'est de la merde, c'est pas de la merde. C'est de la merde. Bon, regardez pas, voilà. Stop alors. Et toi, Steven, le dernier. Et ben moi, je vais parler d'un jeu de plateau, même si j'ai dit que je le ferais pas. Super. Ah. Super. Et ouais. Ah, bah bon, ça tombe bien vu que c'est un rôle plateau. Ouais. Elle était préparée celle-là. Cthulhu, ouais. Je voulais boire. Après cette blague. Je vais parler du jeu de plateau, le Trône de Fer. Beaucoup connaissent ce jeu qui est... Ah, c'est vrai? Tu connais pas? T'as jamais joué? Non. Et bah, c'est un jeu qui est quand même assez magistral. Ah ouais? Voilà, on se retrouve maintenant pour la suite de l'émission. J'ai eu l'occasion de le voir en poutre en stavro à deux reprises. Oh, t'as perdu quand même. Attends, aussi. Vous avez joué à deux? À trois. Non, on était trois avec et la quatre. Compagne de Steven. Exactement. Ah. Qui nous a poutré tous les deux aussi. Oui, elle a gagné. Ah ouais. À 3, c'est quand même. Il faut vraiment jouer à 6 pour que ce jeu prenne toute son ampleur. Bah, excuse-nous de pas avoir des potes nerds dans notre game. Ah, bon, j'avais un peu peur à 3 que ce soit pas bien. Et en fait, c'était très bien. Ouais. Ça mettait beaucoup de tension. Et on se sentait tous continuellement en difficulté, ce qui était très bon. Alors, c'est quoi? C'est un espèce de risque? C'est un risque, mais en mieux. Comme si risque. Oui, il y a un truc un peu comme ça. Avait des règles. Voilà. Parce que Risk, tu dis j'attaque là et tu lances des dés. Là, tu dis j'attaque là, mais il y a des règles. Mais il y a une nouvelle version du Risk, Risk Europe, qui est super bien. Qui est justement rajoute d'accord, des règles. Non, la Game of Thrones peut-être. Alors, le Trône de Fer. Le Trône de Fer, il est vachement bien. C'est un parce peu que l'amour du risque, toi, j'ai l'impression. Précisément, il y a pas. C'est bon, merci. Il n'y a pas de hasard. Tu oui, peux c'est en ça, rajouter, mais normalement, il n'y en a pas. Et du coup, tu as vraiment l'impression de faire ta stratégie. Et si tu perds, c'est de ta faute. Quoi qu'il arrive, d'ailleurs, c'est ta chiant parce que du coup après t'as le seum. Ouais, t'as vachement le seum. Mais c'est vrai que t'as des petites cartes qui te permettent de rajouter un petit truc hasard. J'aime pas les jeux où tu peux pas dire que c'est le hasard qui t'a fait perdre. Ah ouais, bah tu pourras pas jouer à ça alors. Parce que là c'est vraiment de ta faute si tu perds. C'est pour ça qu'on aime la vie. C'est pas moi, c'est mes parents. Par contre, il faut le dire aussi, c'est un jeu qui prend extrêmement de temps. Alors ça prend pas mal de temps, ouais. Ça prend enfin à 3, je sais pas. Entre 3 et 4 heures. Ouais. Et mais j'ai jamais joué à un jeu qui donnait une telle tension. Ah ouais. Et c'est, j'avais joué chez JD. T'as jamais joué au jeu du foulard? Il y a. Et il y a pas de hasard non plus. Hein. Si tu perds, c'est de ta faute. Et ouais, j'avais joué chez JD il y a un an ou deux ans, je sais plus. Et j'avais tellement envie de ressentir cette sensation de jeu. Je sais pas si JD, tu partages aussi. Je sais que je fais cet effet. Moi, j'aime trop trahir JD en jouant au Trône de Fer. C'est super. C'est ma passion. Tu l'as fait deux fois, non? Oui, bah à chaque fois que je pouvais le faire. C'est ça. Voilà, donc en gros, on a la carte de Westeros et on contrôle une des grandes familles. Et il s'agit de se déployer avec ses armées, de contrôler des territoires et de poutrer les autres. Il faut le dire, ce qui est aussi très intéressant, c'est que t'as un metagame qui fait partie du jeu et qui consiste essentiellement à discuter un peu comme Game of Thrones, à faire des alliances, etc. Et ça fait partie vraiment du jeu. Donc c'est très roleplay. D'aller parler dans la cuisine, etc. De faire tiens, je vais te montrer des trucs. En fait, le truc le trop bien, c'est que quand tu places tes pions pour ce que tu veux faire, tu les mets face cachée et après tu les retournes tous en même temps. Du coup, tu peux dire à un pote, ok, je te soutiens. Et quand tu le retournes, tu l'attaques. Ouais, et ce moment-là, comme, il est Lord super. Lord of Xidith. Je sais pas si vous connaissez le jeu de plateau. Le quoi? Lord of Xidith. Ça vous parle? Non. Ok. Non. Nickel. Et bah c'est un peu comme ça. C'est un peu comme Lord of Xidith. Voilà. Et il y a quand même des phases où il faut s'associer parce qu'il y a les attaques des sauvageons. Donc là, il faut s'associer. Il y a un truc aussi qui est satisfaisant, c'est que comme le jeu est sorti avant la série, ouais. On n'a pas toute l'imagerie de la série. Et ça, c'est cool. Ouais. Voilà, donc c'est qu'un jeu de comment dire de baston genre entre armées ou c'est un wargame quoi. Tu peux faire des assassinats, machin, non, des c'est un wargame politique. Non, mais il y a des phases politiques un petit peu, Mais c'est avant tout un jeu, un wargame. Il y a des phases de bêtes en fait de Paris. Ouais. Mais voilà, c'est un, ça coûte 50 balles. Mais c'est vite rentabilisé. Ouais. Bah, tu fais une c'est partie. Un peu la base maintenant pour un jeu de plateau qui a un vrai plateau. Ouais. Hein. Et qui a beaucoup de matériel. Ah, parce que là, il y a un vrai plateau pour le coup. Il y a vraiment beaucoup de matériel. Oui, il vous faut aussi probablement acheter une table si vous achetez ce jeu. C'est ça. Voilà. Fourni en kit avec le jeu d'ailleurs. C'est ça. Partenariat avec IKEA. Par contre, c'est chiant qu'il faut monter la table soi-même. Et il faut aller à pied jusqu'à IKEA. Donc, attention. Voilà, on a fait un petit rôle plateau. Vous avez beaucoup de choses à faire maintenant et à voler. On peut se diriger calmement. Et avec un peu d'angoisse malgré tout au fond de notre cœur, vers l'indicible Lovecraft. La chose la plus miséricordieuse qui fut jamais accordée à l'homme est son incapacité à faire le rapprochement entre toutes ses connaissances. Nous vivons sur une île d'ignorance placide, au beau milieu de mers noires et infinies, sur lesquels il n'a jamais été prévu que nous naviguions très loin. Les sciences, dont chaque branche avance péniblement et exclusivement dans son domaine propre, ne nous ont pas vraiment fait tort. Mais un jour, le puzzle reconstitué de toutes nos connaissances encore dissociées nous ouvrira de telles perspectives effroyables de la réalité et de notre terrifiante situation que cette révélation nous rendra fous ou nous fera fuir ces lumières mortelles pour replonger dans un âge des ténèbres paisibles et sûres. Alors, on va pouvoir s'intéresser au petit bonhomme Lovecraft, mais pour savoir un peu qui c'est, si vous n'avez pas lu ou si vous ne connaissez pas, Alexis s'est proposé de faire Attends, une petite... Attends, avant... rapide. Oui, quoi. On parle de quoi? Comment on fait? On a des axes? Bah, on peut faire... Alors, oui, on va faire un plan... que vous ne devez jamais faire chez vous en dissertation. On va dissocier le fond et la forme. Sachez que c'est nul. Faut pas le faire. On était cinq, on n'avait aucune idée. Comme quoi, on est vraiment mais au top. Mais si, il est très bien notre plan. Non, on a des choses à dire, mais on les organise mal. Un peu comme quand je parle, constamment. Et bien maintenant que vous savez ça, le fond, la forme et les inspirations, c'est les trois axes qu'on va faire. Maintenant, on va savoir qui c'est Howard Phillips Lovecraft. Alexis. Bonsoir. Bonsoir. Né le 20 août 1890 à Providence aux États-Unis, Howard Phillips Lovecraft est issu d'une famille aristocratique réformée ayant participé à la colonisation du Massachusetts. Alors qu'il n'a que 3 ans, son père est interné pour démence et décède 5 ans plus tard. Il est alors élevé par sa mère, ses deux tantes et son grand-père maternel. Ce dernier jouera un rôle primordial dans le développement de son imaginaire, comme nous l'évoquerons bientôt. Le jeune Lovecraft est un enfant surdoué. Il s'intéresse à la littérature, aux sciences naturelles et à l'astrologie, mais il est très fréquemment malade. Dépression, terreur nocturne, etc. À la mort de son grand-père, la famille se retrouve fauchée. Lovecraft arrête alors ses études et vit comme un ermite. Il est finalement repéré par le président de l'association des journalistes amateurs qui l'encourage à poursuivre l'écriture. Il publie ses premières fictions, en 1919 et 1923 et entretient une importante correspondance avec d'autres auteurs de son temps. Près de 100 000 lettres qui font de Lovecraft un des plus grands auteurs épistolaires du siècle. En 1924, il se marie avec Sonia Green, une commerçante juive ukrainienne. Le couple part vivre à New York, Howard Phillips ne trouve pas de travail, Sonia perd bientôt son commerce et le couple finit par se séparer. C'est le drame! Après cette catastrophique aventure amoureuse et new-yorkaise, Lovecraft revient s'installer à Providence. Cette période des 10 dernières années de sa vie est la plus prolifique. Il y publie la quasi-totalité de ses plus célèbres écrits, mais ne parvient toujours pas à gagner de l'argent. En 1936, on lui découvre un cancer de l'intestin et il décède le 15 mars de l'année suivante, à 46 ans. Quelques-uns de ses fidèles vont alors perpétuer son œuvre et sa légende, jusqu'à en faire un des écrivains les plus influents de la littérature de l'imaginaire du XXe siècle. Enfin, en août 2017, à l'occasion de son 127e anniversaire, une bande de trublions du podcast français se réunit pour répondre enfin à la question qui nous brûle tous les lèvres, Lovecraft, auteur génial ou surcoté? Ah, c'est beau, c'était une belle introduction. Donc ça va à peu près quand est-ce qu'il a fait, qui c'était et quand c'était. On va pouvoir s'intéresser à ce qu'il a écrit. C'est Vie Patrick maintenant, non, c'est ça. C'est fini. Du coup, comment commencer cette émission? Peut-être en parlant, t'as parlé d'un auteur de l'imaginaire, justement savoir la question du genre. Est-ce que c'est du fantastique? Est-ce que c'est de l'horreur? Est-ce que c'est de la science-fiction? Ou est-ce qu'on s'en bat les couilles? On s'en bat les couilles. Ah, voilà. L'autre point que je voulais apporter. C'est non, bien, mais c'est une blague qu'on vient de faire 10 fois. Je pense qu'en fait. Est-ce que l'horreur est un genre à part entière de littérature? Pas forcément. Bah, Guillaume Musso, par exemple. Je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que c'est du fantastique. Allez, il y a un genre en moins. T'es efficace, j'aime ça, mon petit pote. Moi, non, mais la question, c'est de savoir si c'est aussi de la, ça peut être aussi de la fantasy. Et je pense qu'il y a certaines de ces nouvelles qui peuvent être classées aussi dans la fantasy, c'est-à-dire science-fiction, fantasy et fantastique. Je pense que par rapport à la définition qui a été faite d'ailleurs dans une émission où j'étais pas présent, numéro 14 avec le chat, où on avait une définition très claire de la distinction entre fantastique et fantasy, on peut clairement placer ça dans le fantastique. On peut la refaire, cette définition. Parce que la fantasy, c'est l'acception. En fait, des éléments surnaturels comme faisant partie de ce que j'ai compris en écoutant cet FK, comme faisant partie du quotidien, c'est quelque chose de communément accepté. Alors, pour faire l'exemple qu'on avait repris dans la 14, donc il y a 12 émissions, si vous en venez plus, c'est pas grave. Si ton chat parle. Si tu rentres chez toi, ton chat il parle. Si tu lui réponds, tu es dans de la fantaisie. Non, si tu lui. Si tu es. Attends, si mais tu peux pas faire. Bah non, je te laisse pas faire. Ah, si tu lui réponds parce que c'est normal que ton chat il parle, c'est de la fantaisie. Voilà. Si tu lui réponds, si t'es un peu surpris parce que t'avais oublié que ton chat il avait un collier qui transformait ses miaulements en paroles, c'est de la science-fiction parce qu'il y a un truc technologique. Si tu t'évanouis parce que tu comprends pas pourquoi ton chat il parle, c'est du fantastique. Parce que normalement c'est pas normal. Mais pour moi, dans Lovecraft, on est clairement dans du fantastique. Et si ton chat a des tentacules et te saute à la gueule, c'est de l'horreur. J'ai cru que tu disais que c'était fantasy. Non. Ouais. Voilà, donc ça c'est les trois genres rapidement. Sinon, écoutez la FK14, on en parle pendant. Mais donc pour revenir, moi je suis d'accord avec cette classification, mais je pense qu'il y a certaines nouvelles, et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui le disent, qui tiennent quasiment plus de la fantasy parce qu'il a tendance à créer des univers en fait où il y a pas forcément cette dimension fantastique, pas forcément où il y a pas forcément cette dimension d'horreur ou de peur, parce que c'est aussi ça le fantastique, c'est quand même à but, il y a un but un petit peu d'effrayer dans le fantastique qu'il y a pas du tout dans la fantasy. Et bien il y a certaines de ces nouvelles qui sont pas effrayantes. Est-ce que tu peux citer parce c'est quoi le rapport avec les quatre fantastiques? Non, mais attends, parce que moi je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Enfin, j'ai aucun exemple dans ma tête de nouvelles où il y a des éléments surnaturels qui sont acceptés comme quelque chose qui est normal. Je pense qu'on a pas tout lu déjà. Peut-être dans le cycle du rêve, mais voilà, tout ce qui est cycle. Ah non, mais même dans le cycle. Alors, faudrait parler un peu des périodes là. Alors, ça, parce qu'on a parlé, on essaie de savoir à quel genre appartient Lovecraft, mais dans l'œuvre de Lovecraft, il y a plusieurs périodes aussi. Il y a les histoires macabres. Voilà, en gros, c'est le début de sa vie. Qui sont plus influencés par des auteurs comme Poe, par exemple. Ouais, c'est des trucs Edgar Allan Poe. Exactement. Un peu que gothique. Là, c'est clairement du fantastique, je pense. Ouais. On peut le dire. Et un peu de l'horreur, du coup. Mais apparemment, ça n'existe pas l'horreur, selon Zaza. Après, il y a le cycle du rêve. Avec, où, du coup, c'est des mecs qui voyagent dans leurs rêves tout le temps. Enfin, c'est le même mec, en fait. C'est Randolph Carter. Donc ça c'est plus de la science-fiction ou de la fantasy, je sais pas. Bah moi je trouve que ça serait plus fantasy, effectivement la trilogie Randolph Carter qu'il y a dans Démons et Merveilles En français, ouais. En français. C'est la quête inconnue de Cadavre par exemple. Mais après faut préciser quand même que c'est pas super fixe dans le cycle de l'horreur. On a des trucs comme le témoignage de Randolph Carter où il n'est pas question vraiment de rêve. Et là, on est plus sur des trucs où le surnaturel arrive ou un truc qui ressemble à du surnaturel. Et ça fait peur. Et voilà, c'est tout. Il y a des gens qui l'ont appelé, mais peut-être que ça tient pas, mais Dark Fantasy, en fait. Qui ont appelé Lovecraft la Dark Fantasy. C'est un genre de la science-fiction, de toute façon, la fantasy. Donc on peut dire que c'est la science-fiction, tout le monde est content. Mais en fait, là où, par exemple, ça serait pas exactement du fantastique, c'est que traditionnellement, le fantastique, c'est vraiment à base de nouvelles. Il n'y a pas forcément de cohérence de mythe. Là où Lovecraft a construit quelque chose qui est assez typique, c'est qu'il fait du fantastique, certes, mais il y a la construction d'un univers. Ah, je suis pas d'accord. Donc, mais les personnages se confrontent toujours à cet univers de façon conflictuelle. Certes, mais pour moi, c'est simple fantastique. Fait. Et il restait du coup dans les périodes de Lovecraft. Le dernier truc, c'est le cycle de Cthulhu. En gros, c'est les dernières années de sa vie, les dernières années. Je bois. Et du coup, il y a trois périodes dans sa vie. Du coup, au début, c'est vraiment du fantastique inspiré de Poe. Après, il commence à s'en détacher. Et je pense que c'est quand il s'en détache dans le cycle du rêve ou de Cthulhu que là, il devient un auteur de science-fiction. Il boit pas. Je pense, si je vais boire deux gorgées. Mais il devient vraiment un auteur de science-fiction quand il se détache un peu de ses origines fantastiques et gothiques. Bah, c'est et un auteur d'imaginaire, quoi. Pour faire un large. Oui, mais sinon, on parle C'est sûr pas. Que les catégories sont ridicules. Parce qu'il y a toujours le débat, est-ce que c'est du fantastique ou fantasy, ou est-ce que c'est de la science-fiction parce que c'est des extraterrestres. Mais qui alimente ce débat, quoi? Les connards comme sur nous. Reddit, par exemple. C'est ça. Parce qu'à mon avis, lui, il s'en battait les couilles. Ah bah oui, lui, il s'en battait les couilles. Mais les trois quarts de ce qu'on dit sur les auteurs après leur mort, ils s'en battent les couilles. Ils sont morts. Mais après, c'est peut-être pas. Il était peut-être pas insensible au fait de créer quand même quelque chose dans le sens de laisser une trace et peut-être de produire un genre. Oui. Parce qu'effectivement, il rentre dans. Ne me touche pas le genou, j'ai ça, s'il te plaît. Mais je pense que dans ce cas-là, il était plus précis, tu vois. Effectivement, je pense que dans ce cas cas-là, il pensait plus à de l'horreur ou à du gothique ou tu vois. Et je pense que les larges considérations, genre fantasy, fantastique, science-fiction, lui, ça lui passait. Vous dites qu'il s'en bat les couilles. Oui, il a quand même écrit un essai entier sur la littérature fantastique et surnaturelle. Donc il s'en bat quand même moyennement les couilles. Ouais, oui, il a écrit. Et alors il a écrit beaucoup et dans cet essai, en gros, il fait une sorte de d'état des lieux de ce qu'il a lu, de ce qu'il y a eu avant lui. Et c'est comme s'il l'a écrit genre en 1924-25. Et c'est comme s'il avait fait une synthèse de tout ce qu'il y avait eu et qu'après il était sorti du cadre. Quels sont les premiers mots de ce L'émotion la plus puissante chez l'être humain est la peur. Voilà. Ah, ça vient de là. Et le pire, c'est la peur de l'inconnu. Ouais. Exactement. C'est ça. Et du coup, ça, on peut carrément rattacher ça au fantastique parce que c'est quand même l'émotion de base qui est rattachée au fantastique. C'est la peur. Ouais, mais on pense à Maupassant, on pense à. À Poe, à Machen, à Hoffman. Pour revenir à ce que disait Steven, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui se disent que c'est de la science-fiction parce qu'il y a des extraterrestres. Mais je pense que ça, c'est un abus du terme de science-fiction. Ouais. C'est-à-dire que tu peux avoir des extraterrestres je pense aussi. En étant totalement fantastique et pas du tout science-fiction. Oui, sauf que même dans la manière d'écrire, des fois, franchement, ça s'approche vraiment de la science-fiction. Il a une description, on en parlera plus précisément quand on parlera de son style, mais il a une description quand même des événements qui sont très très loin des auteurs du 19e siècle, des fantastiques, qui sont beaucoup plus proches des auteurs de science-fiction. Il le décrit avec beaucoup de méticulosité. En fait, Il y a quand même des choses qui sont très. Qui s'alimentent les uns les autres. Pourquoi c'est chiant de le classer? C'est parce qu'il a inventé son propre style. Oui, c'est vrai que maintenant. Voilà. Vrai que maintenant on parle de d'horreur lovecraftienne pour désigner lui et ses continuateurs. Lui-même parlait de Yog-Sothoth-ri pour parler des trucs que les gens écrivaient à sa place. D'accord. Dans son univers. Donc ouais, il a créé un genre et je pense que c'est pour ça qu'il y a ce débat qui est assez prégnant. Sothoth-ri, ça serait du coup un gangbang avec des tentacules. Est-ce que ça s'appelle une Sothoth-ri? Une Yog-Sothoth-ri. Une Yog-Sothoth-ri. Donc ouais, il y a ce débat parce que précisément, je pense à pied. qu'il a une œuvre qui est un peu singulière dans la littérature de l'imaginaire. Il a cette œuvre singulière. Si on parle de Lovecraft aujourd'hui et pas de je ne sais quel connard. On t'emmerde Gilbert, tu entends? De la littérature. Pas le jeu de collard. C'est parce que Lovecraft. Le jeu du collard. Lovecraft, il a un style très particulier qui vient imprimer une marque véritablement dans la culture populaire. Et qui, comme nous le verrons dans la troisième partie, a influencé énormément de choses. Voilà. Et alors, maintenant qu'on avait vu que ce débat est un peu nul au fond et que on s'en fout, qu'est-ce qui fait cette marque de Lovecraft? Notamment au niveau de son univers et des mythes qu'il met en place. Alors, on pense quand on évoque Lovecraft? C'est ça la question. Ah, sachant que. On a un jeu basé sur ça. Bah, des tentacules et des monstres et de l'indicible. Ouais. Oui, bon, on pense à Cthulhu, vous me fatiguez à pas le dire aussi. Voulez pas jouer en fait. On fait un jeu où personne dit Cthulhu, c'est ça? Oui, je bois deux fois, je m'en bats les couilles moi. Moi, je suis là pour l'émission, je suis là pour la FK Champagne, retourner acrobatique, Cthulhu, je bois trois fois. On pense avant tout aux monstres, c'est vrai. Donc à tout le bestiaire, on va dire, lovecraftien. Et d'ailleurs dans l'essai qu'il a écrit dont on a parlé, Lovecraft dit que en gros ça suffit, les vampires et les loups-garous et compagnie, il s'agit de faire de nouveaux monstres. Ouais. Et c'est vrai que ça, on peut lui reconnaître que son bestiaire, c'est un totalement nouveau. Ouais. Ouais. Alors tu me disais que tout à l'heure quand on était à Blois. OK. Parce qu'on était à Blois. J'avais envie de le dire, les gens devraient le savoir. T'as les dessous du podcast. C'était un peu inspiré des chimères. Oui, donc les chimères, c'est des assemblages de monstres. Enfin, c'est des monstres qui sont des assemblages d'animaux connus dans l'Antiquité. Je crois que c'est aussi des rapports avec la nouvelle star. Les centaures, genre. Chimères, les centaures, genre méduses et compagnie. C'est-à-dire, on prend des divers. Ou Pégase. Le sphinx. Le minotaure. Ouais. Minotaure, en fait, ouais. Toute la mythologie grecque. Est-ce que Macron, c'est une chimère, du coup, c'est un assemblage de plusieurs trucs? Ouais. C'est de droite et de gauche. Ah oui, d'accord. Et donc c'est des assemblages. Moi je suis politique, moi je m'engage. Lovecraft, quand il décrit ses monstres, c'est toujours des assemblages de trucs. Oui, c'est vrai. C'est vrai, dans toutes les descriptions des monstres, il y a un peu dans l'assemblage de celui dont on ne parle ou pas des trop. Trucs informes. C'est genre Cthulhu, il ressemble à un dragon, à un poisson, à une pieuvre. Il a des ailes. Ouais. La particularité quand même de ça, c'est qu'en fait, il dit d'abord que c'est indicible à décrire et il utilise des catégories. Ouais, c'est indicible à décrire, attention. C'est indicible, oui, pardon. Il passe direct à la deuxième partie, quoi. Non, mais enfin, les monstres dont il rencontre, en fait, sont indescriptibles et du coup, il donne des éléments, en fait, qui sont éparses, etc. Mais ça rend jamais vraiment compte et parce que les personnages essayent de les classifier, c'est un réflexe humain d'essayer de rattacher à quelque chose de connu. Mais quand on essaie de les classifier, on est obligé de tomber sur de la chimère. C'est ça, et ça donne une chimère. Parce qu'en soi, ça n'existe pas. Voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, alors qu'est-ce que c'est que ces monstres? Dans Lovecraft, c'est une race d'extraterrestres. Plusieurs races, oui, oui. Est-ce que c'est vraiment une... Ouais. À plusieurs races d'extraterrestres. Est-ce que c'est des races en tant que telles? Bah si, oui. Bah, si, oui. Et du coup, il y a... Parce qu'elles se reproduisent en telles. Est-ce que tu as lu les Montagnes Hallucinées? Oui. Bah dedans, il fait toute une histoire. Il y a plusieurs races qui s'affrontent et qui... Ouais. Qui luttent un peu pour la domination de l'univers. En gros, dans le bestiaire, il y a notamment les plus connus du coup, Cthulhu et compagnie. C'est... Il y a que moi qui fais ce jeu de toute façon. Il y a, c'est les anciens, on les appelle en gros. Il y a exactement 5 races. Il y a les anciens qui sont arrivés 2 milliards d'années plus tôt. Ensuite, il y a les hordes de Cthulhu qui sont arrivés, je bois. Les Cthodians. 1,4 milliard d'années plus tôt. Ensuite, les polypes volants qui s'installent sur l'Australie, 750 millions d'années. Et sur tôt. Les colons. Ensuite, une espèce extraterrestre qui s'appelle la grande race de Yis qui arrive 485 millions d'années plus Ils tôt. Ils ont des fleurs, je crois. Les fleurs Et enfin, Yis. Les Migos de Yukot. De Yugoth. Ouais. De Yugoth, pardon, c'est Pluton. Dont le dernier album Donc, sortira le mois prochain. 5 races extraterrestres. Alors, il y a plus. Y a, en fait, je pense qu'il y a plus que ça parce qu'il y a des races qu'on. Ouais, aussi, il y a les races des reptiles dans la cité sans nom du désert d'Arabie. Et il y a des sous-races. Je pense qu'il y a ça qui est. Ça, on en parlera un peu plus tard. Il y a un truc qui est important à noter, c'est que. Oui, c'est des Shoggoths. Tout ça, ça a été reconstitué. Ouais, c'est ça. Un peu dans les Montagnes Hallucinées, il fait une sorte de généalogie de machin. Ouais, une fresque. Une fresque, voilà. Mais dans toutes les nouvelles de Lovecraft, tu peux trouver plein de races différentes, tu peux trouver des trucs très différents. Dans La couleur tombée du ciel, qui est une excellente nouvelle, il y a un truc extraterrestre bizarre qui est ni une race, ni on sait pas trop ce que c'est. Oui, qui est pas très identifié. C'est pas une couleur qu'on peut pas décrire, c'est quelque chose qui est absolument indicible pour le coup, qu'on ne peut pas identifier et qui est... présent que dans cette nouvelle-là. Donc en fait, il y a un bestiaire qui est assez hallucinant chez Lovecraft. Ouais. Souvent, c'est des extraterrestres. En tout quasiment cas, systématiquement. Ouais. Et après, il y a des trucs où on ne sait pas trop en fait. Même dans l'appel de Cthulhu, je sais que je bois. moi aussi. Dans l'appel de Cthulhu, il dit que c'est peut-être des extraterrestres, mais il y a une incertitude quand même. Ouais. Tu voulais dire un truc, vas-y. Je trouve que ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que là, on parle effectivement, enfin, J2 a cité des races extraterrestres qui sont sur Terre, etc., qui sont au-dessus de nous, mais qu'on connaît. Mais en fait, par cette liste d'extraterrestres, Lovecraft nous laisse imaginer qu'en fait, il y en a des milliards d'autres dans l'espace qu'on connaît pas, et que l'homme, en fait, est infiniment petit par rapport à tout ça, et que... on est écrasé en fait par une somme de monstruosité. On se fait grand remplacer par les extraterrestres. On peut le dire. C'est l'élément le fondamental et le plus intéressant de Lovecraft à la limite. C'est... Ouais. Mais avant de revenir sur ça, on va peut-être juste s'intéresser un peu plus au bestiaire parce qu'on a parlé, on a dit plein de noms. Mais du coup, Cthulhu, c'est quoi, c'est qui? Tu bois. Cthulhu, c'est un ancien. C'est un ancien. C'est un grand ancien. Un grand ancien qui dort. Dans sa cité de Herline. Voilà. De Rillier. Moi je dis Herline, mais bon. Mais. Qui, Toulou Herline. C'est une mine de sous-marin. qui correspond en fait au point. Scientifiquement, le point le plus éloigné de toute Terre sur Terre. Ouais, c'est un peu l'Atlantide en fait. De c'est le pôle. Rillier. Ouais. Ouais, c'est dans la mer. C'est un pôle qui existe sur la planète en vrai. Qui est l'endroit dans la mer qui est le plus éloigné de toute Terre existante. C'est dans le Pacifique Sud, si je ne m'abuse. C'est ça. Exactement. Et c'est un monstre, du coup, tentaculaire qui dort et qui est gigantesque. C'est le grand prêtre des anciens. Ouais. En gros, c'est un peu le concierge. C'est leur chef, clairement. Donc, c'est le père à tous. C'est le mec qui est là et qui surveille les tombeaux. Ouais, c'est le président de l'assaut, quoi. Ouais, plus que ça, c'est Saint-Pierre. Il y a un autre aspect, du coup, qu'on peut commencer à évoquer maintenant, c'est que c'est ce bestiaire, enfin ce Cthulhu, je bois, de façon générale, et comme Cthulhu, beaucoup. Cthulhu, je bois, vous aurez bien noté. Hein. il est animé par une intention malveillante. Donc Non, je pense pas. Non, il est pas malveillant. Ah bah si. Non, il est pas malveillant. Par rapport il a des intérêts antagonistes à la grande partie de l'humanité. Ah non, mais c'est juste que l'humanité n'est rien par rapport à l'existence de Cthulhu, c'est tout. Oui, c'est ça. C'est juste ça, mais il n'en veut c'est pas. C'est comme vraiment. Nous par rapport aux fourmis, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais les fourmis considèrent peut-être qu'on est des grands connards. Oui, peut-être. Mais voilà, mais on s'en bat les couilles des fourmis. Ouais, voilà, nous on n'est pas antagonistes des fourmis, nous on s'en branle. Enfin, tu vois, elles sont là, on les écrase. Tu leur arraches dessus, mais tu t'en fous quoi. Zaza va être le grand prêtre des fourmis. Non, tu vois, ouais, enfin. Elles ont droit à une défense. Mais ça, c'est assez important parce qu'en fait, effectivement, c'est pas des méchants dans le sens où ça serait comme des loups-garous, etc. C'est pas des méchants, mais c'est quasiment systématiquement les antagonistes des héros dans les histoires de Lovecraft. Oui, mais par hasard. Enfin, par. Ouais, voilà, par hasard. Bah, peu importe, par hasard. Ils cherchent la merde. Je veux dire, ils mettent jamais. Si une fourmi vient sur ta joue, elle cherche la merde. Nous, on va dans leur cité, on cherche la merde. Ils ont systématiquement des intérêts antagonistes aux protagonistes des histoires. Mais pas narrativement. Narrativement, oui, mais pas au niveau du monde. Ouais, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intérêt néfaste face à l'humanité en tant que telle, tu vois. Ils sont par-delà de fait, non, de fait alors, leurs actes. Bah non, généralement, en fait, les héros essayent toujours de contrer leurs desseins. Oui, mais parce que... Non, parce qu'ils sont antagonistes. Bah si. Bah non, mais en fait, c'est parce qu'on vient les faire chier qui nous font chier. Si on les laissait tranquilles, on vient les faire chier parce qu'on les perturbe dans leur dessein de domination de l'humanité. Ils sont en train de dormir, ils dérangent personne. Ils complotent pour revenir sur Terre et pour asseoir leur influence. Précisément, les anciens et précisément Cthulhu essaient de... De se faire réveiller par les êtres humains non, à travers les rêves. Non, mais c'est pas eux qui veulent, c'est des êtres humains qui, ayant pris conscience de l'existence de ces grands et ayant pris conscience qu'ils n'étaient rien sur Terre, essaient de les faire revenir. Dans l'appel, eux, ils s'en battent dans l'appel de Cthulhu, bien sûr que j'ai lu il y a une heure et demie pour cette émission, je l'ai relu il y a une heure et demie. Les anciens communiquent par les rêves pour se faire réveiller, et c'est dans leur dessein de se faire réveiller par les êtres humains. Mais oui! Donc il y a pour les anciens particulièrement. Après pour les autres pas trop. Mais si on reprend la couleur tombée du ciel, je suis d'accord avec Zaza, il y a une sorte de truc antagoniste. Cette couleur tombée du ciel, elle essaie d'aspirer toute forme de vie possible. Oui, mais c'est son mode de fonctionnement. Oui, c'est ça. C'est plus un mode. Ouais, c'est ça. Mais moi je trouve que c'est plus ça. C'est un peu antagoniste quand même. Oui, mais pas, c'est pas fait exprès. Mais ce serait, il tomberait d'accord, sur. D'accord, mais si je te tue, j'ai pas fait exprès. Oui, c'est juste mon mode de vie. Non, mais si tu me tues parce que tu passais par là et que. Ta présence me tue parce que je suis pas habitué à ta présence. Mais non, bah, t'as pas fait exprès. Mais non, mais la couleur tombée du ciel. Monsieur le juge, si moi, imaginons, je suis passé par ici. Imaginons, je sais pas, j'écrase une fourmi en marchant dans la rue. Bah j'ai pas fait exprès, je me déplaçais. Oui, mais si tu la tues pour la manger, parce que t'as besoin de sa vie pour te développer. Bah c'est pas exactement ça. Hein. Bah dans la ce qu'on fait avec les vaches, est-ce que tu te considères comme antagoniste envers les vaches? Bah les vaches, peuvent considérer qu'on est antagoniste. Oui, elle, mais du point dans ce cas-là, on fait non, mais moi, je suis d'accord avec Alexis. Mais dans ce cas-là, on dit la même chose des vampires. C'est pas de leur faute, ils font qu'ils mangent. Bah oui. Ah bah d'accord. Bon bah y a pas de méchant en fait. Bah si, mais ça dépend de quel point de vue tu te places, de la victime ou de oui, du tueur, tu vois. Ah, sans le mec qui aime bien Hitler. Mais non, mais. Déjà, je n'aime pas Hitler. Hein. C'est lui qui m'aime bien. Je l'admire, c'est différent. Non, mais je pense que effectivement, pour les humains, ce sont des ennemis et des antagonistes, peut-être. Mais du point de vue des anciens, eux ne veulent pas. Moi, je crois que sur les anciens, faire de la violence et. Mais je trouve que c'est d'ailleurs. Il a raison. Et je trouve que c'est d'ailleurs ce qui est aussi bien dans le mythe de Lovecraft, enfin dans ce qu'il a construit. C'est cette espèce de ces méchants sont au-delà de nos catégories en fait, c'est ça qui est intéressant, ces créatures elles sont au-delà de nos catégories, ils cessent pas de le répéter. D'ailleurs, d'abord déjà au-delà de nos catégories de perception comme on l'a un peu dit tout à l'heure, mais aussi de nos catégories morales. Et c'est ça qui les rend super fortes, c'est une espèce de force de la nature qu'on maîtrise pas. Et c'est vrai que l'exemple des fourmis, c'est un bon exemple parce que ouais, je pense que nous on s'en bat les couilles des fourmis, enfin c'est juste pas un antagoniste. Et donc on dit que c'est en l'occurrence Cthulhu, je bois, ces grands anciens dorment. Mais comment on peut peut-être parler un peu de comment ils interagissent avec les humains dans ce mythe qui est créé par Lovecraft? Oui, comment ils font ça? Bah, non mais je lançais quelque chose, je vous lançais un os, mais déjà il y a le pouvoir des rêves qui est super intéressant et super important dans l'œuvre de Lovecraft, c'est-à-dire que comme c'est des éléments qu'on peut pas se représenter, qui sont trop fantastiques et qui souvent provoquent la folie en fait des humains quand ils les voient, parce qu'ils dépassent leur concept, leur imagination du un monde. Un peu comme quand on rentrait dans mon appartement. Exactement. Ça repousse les limites de leur imaginaire. Du coup, souvent. C'est une bonne description. Ouais. Souvent, la première suggestion qu'ils s'en font, c'est via des rêves. Et on a ça notamment dans l'appel de Cthulhu. Ouais. Je bois. où la première manifestation de ce monstre se fait justement par une vague en fait de rêves bizarres qui partout, est reportée partout à travers le monde. Des personnes rêvent des anciens ou sont amenés de à faire de où il y a un artiste qui est amené à faire une sculpture qui comprend pas parce qu'il a rêvé. Ouais. Ouais. Mais alors ça, c'est aussi intéressant parce que, enfin, pour le truc de la communication des anciens, il y a aussi beaucoup de nouvelles qui sont basées sur des artistes. Il y a notamment la musique d'Eric Zahn, sur la musique. Il y a Monsieur Pickman, je crois que je sais plus comment ça s'appelle. Le modèle de Pickman qui c'est plutôt un peintre. C'est quoi ça? C'est l'histoire d'un peintre qui dessine des horreurs, et c'est un mec qui raconte la rencontre avec ce peintre, et il y a une espèce de, il se rend compte en fait qu'il ne peut pas ne pas avoir réellement vu ce qu'il peint. Le cauchemar de Zep. Pardon. Pour la BD. Ah, super. Non mais ça c'est assez intéressant parce que du coup ça fait quelque chose de particulier dans la mythologie lovecraftienne, c'est que et je trouve que ça rajoute à sa dimension, on en parlera peut-être plus quand on parlera du style, mais sa dimension immersive, c'est que il nous parle aussi de ce qu'il fait un petit peu. C'est-à-dire que il y a un côté quand il parle des, effectivement c'est accessible par le rêve, les anciens et un des vecteurs pour faire passer le rêve, ben c'est l'art tout simplement. Et donc la littérature. Merci. Ou la sculpture. Ou la sculpture, non mais enfin et tous les arts en fait. Mm. Mais ouais, le fait que les arts soient un moyen d'accès privilégié aux anciens, c'est assez intéressant. Bah oui, parce que c'est ce qui titille l'imaginaire finalement des. Bah c'est même ce qui a motivé Lovecraft à écrire, parce que il a, quand il était petit, fait des rêves récurrents où il était emmené par une race d'aliens anciens sur d'autres planètes avec des cités bizarres. Donc du coup, il s'est lui-même inspiré de ses rêves à lui pour écrire ses nouvelles. Mm. Du coup, effectivement, ce que dit JD. C'est cohérent. Donc, c'est une passerelle entre le monde qu'on ne peut pas se représenter et notre monde réel. Le rêve, c'est un peu l'interface entre les grands anciens et nous. Enfin, ouais. C'est souvent le premier contact. Oui, enfin, tu parlais du rêve et c'est assez intéressant parce que. Il a fait un cycle dessus, donc c'est bien. Il a fait le cycle du rêve et ce qui était assez bien, c'est que. Enfin, il y a aussi y a un auteur qui en parlait de son opposition radicale à Freud. Bah même lui, il le critique plusieurs fois dans ses nouvelles Freud. C'est ça. Et il faut savoir que c'est à peu près à la même époque. Enfin, il a connu Freud puisque la psychanalyse, enfin, l'interprétation du rêve. Il joue au tarot. L'interprétation du rêve est sortie en 1901, donc il était un peu jeune. Ils écrivent aux mêmes périodes, ouais. Ils écrivent un peu aux mêmes périodes. 11 ans, quoi. Et je pense qu'en fait il déteste. Lovecraft a 11 ans, il disait déjà des trucs d'astronomie, donc. Ah ouais, c'est clair. Et il déteste vraiment cette conception du rêve. Un symbolisme puéril. Voilà, le symbolisme puéril. Bah. C'est peut-être pas faux. Peut-être pas faux, mais là où c'est aussi intéressant, c'est que il y a une ligne d'interprétation psychanalytique de ce qu'a fait Lovecraft et de la manière dont il parle de son œuvre qui pourrait rencontrer des choses qui, je sais pas, assez intéressantes, son rapport à ses parents, etc. Ouais, le rapport à la folie. C'est même. Il y a des vieux partout dans ses nouvelles. Les rapports avec son grand-père, qui en parle. On sent qu'il est même d'aller vieux quand même. Ce qui se passait dans ce côté. Mais ouais, même les interprétations. Un peu freudienne de Lovecraft marche presque trop bien, quoi. Oui, c'est ça, ça marche trop bien. Il y a un peu tout. Il y a les rapports aux parents, le rapport à des monstres un peu bizarres. Des tentacules. Des tentacules du visqueux continuellement. Tentacules du grand-père. Ça marche un peu trop bien. C'est un hentai sur Marcel Pagnol, les tentacules de mon grand-père. Ah, pas par là, du con. Alors. Je disais tout à l'heure que on parlait du bestiaire à la base. Hein. Tout ce bestiaire, il est un peu difficile en fait à classifier. On l'a fait beaucoup après, mais sur le coup, quand tu lis Lovecraft, tu te rends compte que c'est un peu chancelant, c'est pas toujours très clair chez Lovecraft lui-même. Volontairement. Il y a une volonté de pas être clair. Je sais pas. Parce que pour lui, il a jamais parlé. Nous, on parle du mythe de Lovecraft et tout, mais lui, il a jamais parlé de mythe. Oui, c'est une création lui, en fait, de Derleth. C'est une sorte. Il a parlé de Yog-Sothoth et tout ça. Mais pour lui, c'est de l'esthétique. Je pense qu'il faisait des noms rigolos, des aliens bizarres. Il y a une philosophie derrière. On n'a pas parlé encore de cosmicisme. Bah ça vient après, mais là, on est sur le bestiaire. Mais sur le bestiaire. Et blanc. Un coup de conducteur dans ta gueule. Exactement. Je me retiens depuis tout à l'heure. Elle était magnifique. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, si. Tout ce bestiaire. Et même s'il y a quand même, des évocations récurrentes. Et en fait, ce qui fait l'unité de l'œuvre de Lovecraft, c'est aussi son bestiaire. Ouais. Mais tout ça, c'est un peu chancelant. Mais il y a quand même un ouvrage qui nous donne cette connaissance. C'est le Necronomicon. Le Necronomicon. Mais avant ça, je pense qu'il y a déjà une idée sous-jachante. Sous-jachante. Une idée sous-jachante. Chez Lovecraft. On les plante avec la. C'est sous les jacinthes. C'est le plan. Putain, en fait, avec Giscard. C'est le plan cosmique de l'espace, enfin de l'histoire, etc. Un des grands anciens dans Lovecraft. Ouais. Oui, oui, oui. C'est que, en fait, il y a une histoire qui se déroule au-delà de la Terre. qui est beaucoup plus importante que ce qui se passe sur la Terre. C'est ça. Et, bah c'est ouais. dans, et en fait, c'est dans cette cosmologie, dans ce plan cosmique... Dans cette cosmogonie, presque. Ouais, que s'inscrivent l'ensemble des grands anciens, des monstres, etc. Ouais, parce qu'en, et en fait, c'est une histoire beaucoup plus large. Et nous, on en entrevoit que... Enfin, ouais. on a des barrières, en fait. Voilà, tu vois, l'histoire à travers une meurtrière, finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a cette capacité à réinterpréter toute l'histoire, enfin, tous les mystères de l'histoire humaine, du type les pyramides, les trucs comme ça, dans le mythe de... dans ces mythes, en fait. Il réinvestit les mythes un petit peu de la race humaine, de l'histoire humaine, et ça donne vraiment une consistance. Ouais. Mais et ça si on peut donner des interprétations, enfin, je sais plus quel politologue disait que c'était une antéhistoire par rapport à une préhistoire. Mm-hmm. Et c'est tout à fait ça, en fait. C'est-à-dire que l'histoire est beaucoup plus vieille qu'on l'imagine. Ouais. Et ça, on voit vraiment ça dans Les Montagnes Hallucinées, où il y a des sortes de géologues qui regardent les traces qu'ont laissées les anciens dans des pierres vieilles de 15 millions d'années, et après ils trouvent une cité qui est là depuis avant nous. Quoi. Et ils disent, ok, en fait, la vie humaine, c'est de la merde. Et du point de vue des origines, faut pas oublier que tout ça naît chez Lovecraft, parce que, enfin, à mon avis en tout cas, à partir des années 20, il y a les grandes découvertes archéologiques et paléographiques qui font qu'on découvre le tombeau de Toutankhamon, etc. Et l'Antarctique Sud, par exemple, on n'avait pas mis les pieds sur l'Antarctique Sud avant l'explore en 1929 et il écrit Les Montagnes Hallucinées en 1931 en parlant de l'exploration de l'Antarctique Sud. Et on est dans une époque de grand bouillonnement intellectuel et scientifique, et à mon avis, Lovecraft, bien qu'en étant... un auteur de fiction, s'inscrit totalement en fait dans une démarche un peu scientifique de vouloir expliquer tout ça, enfin dont on parlera après dans son rapport à la connaissance. FK est revenu, on en parlera bien sûr après. Et pour finir sur le bestiaire, donc on a parlé de Cthulhu. Et donc le Necronomicon, c'est ça où on en était. C'est pas vraiment, c'est un livre, donc on peut juste. Mais, Si la mythologie, c'est un. Ouais, bah parlons du Necronomicon. Qu'est-ce que c'est le Necronomicon? J'en ai parlé dans mon intro. C'est notre fenêtre justement sur le monde, sur la cosmologie de Lovecraft. C'est notre vision, parce que systématiquement c'est un ouvrage en fait qui est écrit par le fou Abdul Azred, un prophète mahométan du 7e siècle. Voilà, qui se détourne de l'islam. Il y a un jeu de mots sur Allred. C'est quoi Allred? Comment ça? Allred, c'est Allred. En fait, celui qui a tout lu. Celui qui a tout lu. D'accord. Abdul, j'ai tout lu. Voilà. Et donc ce bouquin regrouperait une bonne partie finalement de notre connaissance de l'univers de la cosmogonie de Lovecraft. C'est le nom des morts. Enfin, Necronomicon, ça veut dire Le livre du nom des morts. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est notre fenêtre, comme je sais plus qui le disait, sur les monstres. Mais ce livre, on l'a jamais. Il est à l'université de Biscatodic. Non, il est brûlé, il est disparu. Il y a un exemplaire. Il en reste à l'université d'Arkham. Pour être très précis, il en reste 5 exemplaires à l'époque où écrit Lovecraft, selon lui. Une fuego. Il reste 5 exemplaires du Necronomicon, mais nous, on le possède pas. C'est-à-dire qu'on peut pas le lire. Moi, j'ai le souvenir que dans une nouvelle, il y a un mec qui le demande à l'université, qui dit bonjour, je pourrais avoir le Necronomicon. Il demande à François Zir. Ouais, et le mec dit disparu, brûlé, interdit, je sais pas quoi. Interdit, mais quand même systématiquement des exemplaires qui existent et qui se passent sous le manteau. Donc en gros, c'est un livre qui a été écrit, comme on le disait, au 7e siècle. Après, il a été perdu, traduit, on a perdu l'original, on en a retrouvé quelques copies. Il a commencé une nouvelle sur l'histoire du Necronomicon, il a fait 2 pages, il a dit en fait c'est chiant. Ouais, bah c'est vrai, il a pas fini. Mais finalement, la connaissance qu'on a de l'univers est systématiquement rapportée à des gens qui ont lu le Necronomicon. Ouais. C'est moi, je croyais que ça existait vraiment quand je lis. T'es pas le seul, on en reparlera après. Mais ça, c'est assez génial. On est nombreux à avoir pensé ça. Quand tu le lis jeune, en tout cas. Oui. Et pour le coup, c'est un livre qui a marqué vraiment l'imaginaire. Et c'est là qu'on connaît la puissance de Lovecraft. C'est un des fondements du mythe. Et je pense que ça a d'autant plus marqué, comme tu le disais, qu'il n'a pas écrit l'histoire dessus. Voilà. C'est-à-dire qu'il l'aurait écrit dessus, ça aurait complètement détruit le. Mais oui, on connaît des fragments. Quand on lit Lovecraft, on connaît des fragments du Necronomicon qui deviennent célèbres. Ça aurait peut-être tout gâché. En fait, ça aurait. On aurait fait un auteur de bas étage. On connaît notamment l'invocation dans l'horreur de Dunwich, l'invocation de Yog-Sothoth, qui est aussi dans Charles Lecter Howard. On peut parler du coup de ce tome-là, Yog-Sothoth. Est-ce que vous savez qui c'est? C'est un ancien. C'est un des plus puissants des dieux en fait. Ouais, en fait, c'est même pas parce que les anciens, oui, c'est des aliens qui étaient arrivés à 15 millions d'années. Ça, c'est encore. Là, c'est encore un écran. C'est un ancien, mais un autre ancien. Oui, il est encore au-dessus en fait dans dans la hiérarchie qui est établie par Lovecraft. C'est un dieu. Yogg-Sothoth, c'est un dieu. C'est comme. Je pense qu'il y a que Azathoth qui arrive à son niveau. Azathoth et Yogg-Sothoth, c'est les deux types qui sont au centre de l'univers. Qui contrôlent l'espace et le temps. Régissent un peu tout. Ouais, exactement. C'est ça. C'est une sorte de dieu. Et Azathoth, il est décrit comme. Un peu Jupiter et Cronos. De la fin des temps. C'est son surnom. Et il est aussi décrit comme un dieu stupide et aveugle. Mm-mm. C'est une sorte de force. Ce qui est très drôle, parce que dans le. Moi, c'est comme ça que j'ai connu Lovecraft, dans le jeu de plateau. Horreur Arkham, c'est sa représentation, c'est un dieu avec une trentaine de milliers de dieux en fait. Donc pour un dieu aveugle en fait, c'est un œil. Mais c'est un mec du coup au centre de l'univers où il y a toujours des sons de flûte autour de lui et des mecs qui dansent. Ouais. C'est un peu une sorte de fête médiévale à Orléans. C'est ta vie un petit peu. Non mais je pense que Yogg-Sothoth il est identifié un petit peu. Donc, parce là, que Azathoth et il y a son co-régent qui est Yogg-Sothoth. Et il l'appelle, son co-régent. Il gère les trucs à deux quoi. C'est le premier ministre en co-régent. C'est le directeur administratif de l'univers. Exactement. Azathoth c'est un peu la force brute qui comprend pas les bails. Et Yogg-Sothoth c'est le mec un peu plus malin. Il appelle le tout en un, l'un en tout, qui partage l'empire d'Azathoth et qui possède la durée du temps et l'étendue de l'univers tout entier. Voilà, le temps et l'espace. Voilà. Et du coup ce type là Yogg-Sothoth, il y a plein de gens qui veulent l'invoquer, on sait pas trop pourquoi, mais ils ont envie qu'il soit là. Ce qui est dommage parce qu'il a l'air pas sympa. Alors Zaza, tu parlais de dieu, mais est-ce qu'on peut pas vraiment parler de dieu pour les créations de Lovecraft, parce que Lovecraft était intrinsèquement lui il parle de dieux extérieurs athée. Lovecraft était très athée et oui, je pense que ça joue en tout cas dans son écriture, on verra peut-être tout à l'heure. Ouais mais c'est mais lui il parle de dieux extérieurs, il parle de dieux, hein. Oui, il utilise le terme dieu, il dit les anciens dieux oui c'est... mais oui. Est-ce que lui qui a une conception très matérialiste mais de c'est des dieux matériels, ça change pas le problème, c'est des dieux matériels et donc du coup c'est pas forcément des dieux, tu vois. Ah bah parce que alors ce sont des êtres qui ont des puissances supérieures à toutes les créatures qui créent dans sa cosmogonie et qui même créent des créatures ouais voilà ouais c'est là où on parle des dieux, mais c'est un principe qui est intrinsèquement matériel, c'est ça, c'est pas quelque chose de surnaturel, c'est pas quelque chose d'immatériel, de spirituel. C'est là où on change des religions type christianisme et compagnie, où on a une puissance qui est en dehors de l'univers puisque non matérielle. Yogg-Sothoth et compagnie, ils sont matériels même si c'est une matière un peu bizarre. C'est une matière qu'on comprend pas. Mais c'est des dieux dans le sens qu'ils sont priés par des gens en fait, tout simplement. Et c'est en ce sens-là qu'ils les appellent des dieux. Et ils ont des adeptes. Ils ont des adeptes et ils ont une puissance divine. Mais c'est pas forcément des dieux qui n'existent pas ou qui sont immatériels ou transcendants. Enfin, c'est encore une catégorie humaine. Ouais, mais ils sont même pas transcendants. Mais... ils sont juste pas dans notre espace-temps. Ils transcendent même pas le monde. Ils nous calculent pas, ouais, c'est ça. Ouais. Et il reste un dernier type. Non, mais je pense important. C'est important à préciser que c'est pas des. Bah, on va pouvoir en parler de son matérialisme. Dieu judéo-chrétien, en fait. Enfin, tu vois que c'est pas cette conception-là que Lovecraft a quand il crée ses. Oui, c'est vrai. Et pour finir sur le bestiaire, parce qu'après c'est chiant, il reste Nyarlathotep, qui est. Nyarlathotep, c'est le chaos rampant, c'est le messager des dieux, en fait. Il y a Astur aussi, qui est le demi-frère de Cthulhu. Ouais, et aussi, c'est un étage en dessous. Je bois. Ouais, Nyarlathotep, c'est l'incarnation humaine des dieux extérieurs, en gros. En gros, il va dans les villes, c'est une sorte de forain. Il dit, vous connaissez Azathoth ? Non, bah je vais vous montrer. Et il rend les gens fous. Voilà. C'est le témoin de Jéhovah de Cthulhu. Exactement. Tu bois. Avez-vous entendu parler de notre maître ? C'est marrant parce qu'on a parlé, quand on parlait du bestiaire de Cthulhu, on a dit beaucoup qu'il y avait un bestiaire qui était complètement différent du bestiaire traditionnel de la fin du fantastique. Ouais. Et en même temps, j'aimerais rajouter que souvent, ils utilisent aussi... un bestiaire qui fait partie du fantastique, genre des ghouls, des loups-garous, etc. Mais il les remet dans son mythe. C'est de la même manière qu'il a tendance à remettre l'histoire et la faire marcher dans son mythe. Il va aussi remettre tout un bestiaire du fantastique traditionnel et il va le remettre dans son mythe en faisant juste des espèces d'engeances en fait de sa mythologie à lui. Quoi. Genre, je suis pas super d'accord avec toi, principalement par rapport au fait que tu bois. D'accord. Donc on a fait en gros les figures types qu'on pourra lire dans toutes les nouvelles. Donc Yogg-Sothoth, Cthulhu, Nyarlathotep et Azathoth et compagnie. Maintenant on a vu le Necronomicon. Maintenant on a commencé à l'évoquer, le sujet du matérialisme et du cosmicisme. Ouais, je pense que toutes ces créatures précisément on tique sur le fait que ce soit des dieux, mais ça ressemble à des dieux. C'est le cœur de ce qu'on a appelé le cosmicisme de Lovecraft. Alors décrit, enfin défini plutôt. Alors le cosmicisme, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de... presque une pensée philosophique ou en tout cas une sorte d'idéologie qui est présente dans les œuvres de Lovecraft et que semble partager Lovecraft lui-même en tant que personne. C'est l'idée que il y a des puissances qui nous dépassent véritablement. et qui sont infiniment supérieurs à nous. Voilà, en gros, c'est ça. Donc on n'a pas, il n'y a pas un sens à l'existence de l'humanité, il n'y a pas une quête suprême à accomplir. Il y a des choses qui sont supérieures à nous et qui du coup créent une sorte de stupeur. En fait, c'est une sorte de problème d'échelle en fait presque. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que pour Lovecraft en tant que tel, il y a justement ce que tu dis, il y a forcément une question d'échelle, mais est-ce qu'il y a cette force supérieure, tu vois. Bah si, parce est-ce que c'est pas juste du point de vue de sa personne, hein, pas de ses écrits, mais est-ce que c'est pas juste moi je pense que nous les hommes on est rien, on est que poussière et on restera poussière. Oui, mais parce qu'il y a des trucs supérieurs. Alors il y a pas forcément Yogg-Sothoth, Shub-Niggurath et compagnie, mais à l'échelle de l'univers nous ne sommes rien. Je pense c'est là qu'il y a le cosmicisme vraiment. Au sens plutôt d'une idéologie plus que d'une catégorie esthétique, c'est que nous ne sommes rien et nous n'avons rien à faire. En cela, le cosmicisme, c'est une forme de nihilisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens. Il y a pas de. Et donc, Lovecraft, en fait, ajoute une espèce de surcouche explicative à cette théorie-là. Je ne sais pas si c'est une surcouche explicative ou si c'est une manière de le faire passer par le récit. Tu vois, c'est une manière de l'expliquer. C'est presque comme les paraboles dans la Bible. C'est des sortes de, on pourrait considérer ces nouvelles comme des paraboles du cosmicisme pour nous faire saisir cette infinité. En fait, la vanité, quoi. Enfin, c'est genre l'idée qu'il y a dans le puritanisme de l'espèce de vanité de l'humanité par rapport au dessein humain, enfin au dessein divin, pardon. C'est ça. Si vous voulez, j'ai un petit extrait où il parle des anciens. Lovecraft, et on voit ça illustre très bien le cosmicisme. Père Castor, je sais plus dans quelle nouvelle c'est. Raconte-nous, mais c'est pas grave. Père Castor. Alors, il ne faut point croire que l'homme soit le plus ancien ou le dernier des maîtres de la terre, ni que la masse commune de vie et de substance soit seule à fouler le sol. Les anciens ont été, les anciens sont encore, les anciens seront toujours. Non point dans les espaces connus de nous, mais entre ces espaces. Prince Dieu, sans dimension, puissant et serein. Voilà. Wow, très bel extrait. Bah ouais, le mec il a, en gros, c'est il a une nouvelle dit, ça. Je sais pas. Mais en gros, oui, ouais, c'est pour nous dire calmez-vous. On est en plus dans la mythologie lovecraftienne. Les anciens, ils ont créé la vie. En gros, vu qu'ils sont arrivés avant nous, tout le monde, ils se faisaient un peu chier. Tiens, c'est quoi ces petites cellules qui bougent? À la fois pour les divertir et pour se nourrir. Voilà. Donc en gros, la vie humaine, c'est une blague. On est leur bouffon et leur source de nourriture. Et c'est marrant parce que. C'est marrant parce que, comme je le disais en biographie, Lovecraft est pourtant issu d'une famille assez aristocratique et religieuse. Et du coup, pourtant, il s'oppose, lui, totalement à ce créationnisme chrétien auquel sa famille est pourtant issue, tu vois. Et pour lui, non, on n'est pas créé par Dieu, etc. On est. Justement, on est créé par, pas par un dieu, par des mecs, par des, ouais, par c'est des ça, aliens. C'est un matérialisme. Mais du coup, c'est en opposition au sens où nous, enfin dans la Bible, etc., on nous raconte que l'homme est, enfin Dieu crée l'homme à son image, etc. Alors que là, l'homme est au centre de la création. Voilà. Alors que là, c'est clairement pas le cas. On est une espèce de merde créée à l'autre bout de l'univers et on est des chiures de pour se marrer. D'ailleurs, pour aller manger, dans ce sens-là, j'ai du coup moi aussi une petite citation de Lovecraft et qui dit toutes mes histoires. Écrivait Lovecraft, même si elles n'ont aucun rapport entre elles, se rattachent à une tradition, à une légende fondamentale selon laquelle ce monde a été peuplé autrefois par des êtres d'une autre race, adeptes de la magie noire. Ils ont perdu leur emprise sur cet univers et ont été bannis, mais ils continuent à vivre dehors et sont toujours prêts à reprendre possession de la Terre. Donc c'est pas du tout l'extrait que je voulais lire. Pardon, je me suis menti. Excellent, bravo. Voilà, bravo. Mais du coup, c'est ça qu'on appelle le cosmicisme. En gros, c'est remettre les points sur les i. C'est-à-dire, calmez-vous, c'est vous n'êtes long, rien. Putain, ouais, c'est ça, mais c'est clairement ça. Il y a un truc un peu, pour ceux qui ont lu les philosophes du XVIIe siècle, un truc un peu pascalien. Ouais, c'est clairement. Le bluffeur de l'extrême, bien sûr. De Pascal, la torpeur. Les espaces infinis qui m'effraient. Voilà, les espaces infinis qui nous effraient. Le silence des espaces infinis m'effraie, ça c'est Pascal. Et c'est Lovecraft, c'est. Science des agneaux. Je cite la couleur tombée du ciel. Je me surpris à souhaiter vaguement la venue de quelques nuages, car le vide des abîmes célestes au-dessus de moi avait empli mon âme d'une bizarre inquiétude. Putain, c'est du Pascal. C'est carrément c'est du Pascal. Donc, j'ai retrouvé ma citation. Ah, super. Je possède un goût prononcé. Lovecraft y parle. Pour la logique et les sciences, et je ne crois aucunement au surnaturel. Ma position philosophique étant celle d'un matérialiste mécaniste dans la lignée de Leucippe, Démocrite, Épicure, Nietzsche et Haeckel. Ah. Et c'est là aussi où il s'éloigne j'aime beaucoup des ésotéristes qui étaient nombreux au début de ce XXe siècle. c'est que pour les ésotéristes, tout ce qui est, disons, fantastique, en fait, enfin, qui existe sur la planète, est créé aussi par des hommes. Alors que Lovecraft s'en éloigne parce que nous, on n'est pas issus des hommes, en fait, finalement. On est une création de, d'extraterrestres et voilà. Merci, Alexis. On parlait du matérialisme, mais on peut juste redire un mot dessus. C'est effectivement, pour les nous, on pourrait croire que c'est des dieux pour ou des démons. Nous. On pourrait croire que c'est des dieux, des démons et tout. Alors qu'en fait, c'est des aliens. Ils ont des lois, ils ont des matières, ils ont des trucs comme nous, sauf qu'on les comprend pas. C'est ça. Il y a aucun truc surnaturel dans Lovecraft. C'est pour ça qu'on pourrait dire que c'est la science de sens. C'est pour ça qu'on pourrait dire que c'est un peu la science-fiction. C'est pour ça que Pierre Berger disait que c'était un auteur réaliste. Alors, ouais, c'est ça. Sauf que Pierre Berger. Alors, qui est Pierre Berger? C'est pas Jacques Berger? C'est Jacques Berger. C'est Jacques. Pierre Berger, c'est le pote de Jacques, Paul, de Saint Laurent. Jacques Berger, il a un bâton. Oui, Jacques Berger. Bon, c'est une figure assez controversée. On en parlera en troisième partie. Très particulière. Bon, on peut en parler maintenant. C'est pas grave. Donc, qui est cet homme? C'est un auteur mythomane. Ouais, voilà. Ex-espion. C'est le premier traducteur de Lovecraft, surtout déjà. Oui, oui. Enfin, c'est celui qui a fait découvrir Lovecraft en France, quoi. Pas Jacques Papy. C'est lui qui a écrit le matin des magiciens avec Poel déjà. Et qui a relancé cette vague ésotérique en France, en Europe et en écrivant le matin des magiciens. Oui, c'est ce que je disais juste avant. Si t'écoutais un peu. Et effectivement, lui, il dit que Lovecraft est réaliste parce que tout ce que dit Lovecraft va entre guillemets se réaliser. Voilà. C'est-à-dire que Lovecraft parle à plusieurs reprises de la science ne permet pas aujourd'hui de tout expliquer parce qu'elle est séparée. Comme l'extrait qu'on a mis en intro de cet axe. Ouais. Mais un jour, la science pourra tout expliquer et on sera face à l'horreur en fait de la science. Il faut savoir que Berger, c'est aussi celui qui a prouvé qu'il y avait eu des extraterrestres sur la Terre parce qu'il a trouvé des tentacules sur les montagnes. Donc voilà, ouais, bien sûr. C'est un mec un petit peu Et surtout Berger, il était un peu dans le cadre. Enfin, je pense qu'il fait partie des gens qui parce qu'il y a aussi beaucoup les surréalistes qui ont découvert Lovecraft à cette époque dans les années 50. Et d'ailleurs, Cocteau l'avait lu en disant que c'était intéressant et qu'il gagnait à être traduit en français, et avant même les traductions. Et eux, ils le prenaient dans le sens d'un mysticisme, dans le sens complètement inverse de ce que Lovecraft voulait. C'est-à-dire, lui, il voulait être plutôt un rationaliste, comme on dit, un mécaniste et tout. Et eux, ils le prenaient comme un mystique. Et d'ailleurs, enfin, on en parlera, mais tout le côté mystique de Lovecraft a beaucoup joué sur son aura. Enfin, ça fait partie du personnage. Ouais. Oui. Et on a parlé du coup de son cosmétisme, de son matérialisme. On peut finir en parlant de son déclinisme. C'est quoi le déclinisme, Steven? Alors le déclinisme, c'est l'idée que c'est fini. On est sur la fin. Pour comprendre ce qu'est le déclinisme, on peut écouter Finkielkraut à la radio et lire les livres d'Éric Zemmour. Ouais. Ou écouter la Ou lire l'Apocalypse de Saint Jean. L'idée qu'on n'a plus d'emprise sur ce qui nous arrive, c'est ça? Ouais, en gros, c'est la fin de l'ethnocentrisme. La civilisation est décadente et on est sur la fin quoi. Donc Lovecraft, il est décliniste. C'est F. Cyril Hanouna. Alors, ouais. Est-ce qu'il est décliniste ou est-ce qu'il a une vision Parce que moi, tu vois, moi j'ai fait des études de sciences politiques et on m'a dit. Excusez-nous, la violence symbolique à son paroxysme. Non mais tu vois, on les vaches. On m'apprend dans mes cours du Rosel qui dit tout empire périra, tu vois. Et c'est vrai que oui, mais c'est un fait, tu vois. Mais l'empire, c'est la race humaine, du coup, c'est voilà. Non, chez Lovecraft, il y a et il y a aussi le fait que c'est une certaine classe sociale qui est en train de tout à fait. Mais est-ce que c'est pas, est-ce qu'il a pas de tort, enfin? Ah, peut-être. Ah. Mais c'est là où alors en fait, alors Finkielkraut ou non, mais au-delà d'aller dans effectivement. Non, l'idée du déclinisme, c'est dire il y aura la fin et la fin, c'est maintenant. Ouais. Et chez Lovecraft, c'est le suicide français d'Éric Zemmour. Voilà. Chez Lovecraft, le déclinisme, il est plutôt au niveau de sa classe sociale. Parce que c'était un puritain qui est un peu aristocratique. Qui se voulait complètement en tout cas même. Il est issu d'une famille aristocratique qui a colonisé le Massachusetts. Ouais, et surtout, c'est pas n'importe qui ces gens-là qui ont colonisé le Massachusetts, c'est justement des puritains. C'est des connards. Et les puritains, c'est quand même des gens qui ont une philosophie. White anglo-saxon. S'ils sont partis d'Europe, c'est parce qu'ils se battaient contre les catholiques, on sait, mais c'est surtout parce qu'eux pensaient vraiment qu'on n'a aucune prise sur ce que pense le divin. Enfin, je veux dire, Dieu a choisi déjà ses élus et quoi que tu fasses, tu peux pas t'en sortir. Ouais. Soit t'es un bon, soit t'es un mauvais et c'est fini quoi. C'est déjà tout écrit. C'est quand même des gens qui pensent ça à la base. Donc c'est un gars qui, quand même, il a quand même cet héritage, même s'il s'en défait. Et du coup, il est décliniste, il pense que l'Occident c'est de la merde et que c'est terminé. Et il le pense aussi parce qu'il est très raciste. Ah on oui. peut le dire. On peut le dire. Ce qui l'énerve le plus, Lovecraft, c'est le métissage. C'est ça. C'est le fait que le sang pur, eh ben, il commence à être un peu impur. Il y a des mulâtres partout. Ouais, c'est les mélanges, en fait, plus qu'autre chose. Est-ce qu'on est encore dans le mythe, là ? Bah, oui, parce que je pense que ça transparaît dans toute son œuvre, ouais, le racisme. Et que ça la nourrit. Je peux, si vous voulez, vous lire un petit extrait qui montre à quel point son racisme nourrit son œuvre. C'est une citation de Lovecraft qui écrit une lettre après avoir s'être baladé à New York dans le Lower East Side. Les choses organiques qui hantent cet affreux cloaque ne sauraient, même en se torturant l'imagination, être qualifiées d'humaines. Cette aide monstrueuse et nébuleuse esquisse du phytescanthrope et de l'amibe, vaguement modelée dans quelques limons puants et visqueux résultant de la corruption de la terre, rampant et suivant dans et sur les rues crasseuses, entrant et sortant des fenêtres et des portes d'une façon qui ne faisait penser à rien d'autre qu'à des vers envahissants, ou à des choses peu agréables issues des profondeurs de la mer. Ces choses, où la substance dégénérée en fermentation gélatineuse dont elles étaient composées, avaient l'air de suinter, de s'infiltrer et de couler à travers les crevasses béantes de ces horribles maisons. Et j'ai pensé à un alignement de cuves cyclopéennes et malsaines, pleines jusqu'à déborder d'ignominies gangrénées, sur le point de se déverser pour inonder le monde entier dans un cataclysme lépreux de pourriture à demi-liquide. Oh, il en reste encore un paragraphe, mais je vais m'arrêter là parce que c'est déjà beaucoup. Ceci dit, c'est quand même magnifiquement écrit. Ah ouais, mais j'ai plus envie de faire une émission sur Lovecraft là. Ouais, effectivement, c'est un peu beaucoup. Et il dit que ce dont il parle maintenant. Alexis Petit. Attention, là c'est la meilleure partie. Il dit que ce qu'il décrit là, c'est. Les italico-sémitico-mongoloïdes. Ouais, ça je l'avais. Ouais. Oui, voilà. Bah effectivement. Donc il était quand même raciste, je crois. Lovecraft étale un peu ses opinions racistes. Mais tu vois, dans la façon. Écrits, mais on. Bon, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais c'est pas dans son ensemble de son œuvre. Ouais, et il change dans sa vie. Justement, pour moi, au début, il est puritain, il connaît pas trop les Noirs et les Arabes parce qu'il y en a pas à Providence. Après, il va à New York. Là, tu parles de lui, du coup. Oui, après, il va à New York et il découvre, du coup, ce qu'on vient de lire. Mmh. Et la façon dont il écrit ça, c'est clairement le visqueux et le truc qu'on retrouve dans Cthulhu, toute son œuvre. Alors, la haine de Cthulhu, ça vient après son passage à New York. Oui. Parce que, du coup, il y a deux gros événements dans la nouvelle de l'appel de Cthulhu, dont un qui est donc le récit d'un enquêteur. Qui a vu un espèce de rituel vaudou, en tout cas dans de la Nouvelle-Orléans, dans le Bayou, où dont tous les protagonistes sont en fait des métis, sont des personnes de toute façon, Lovecraft, dès que l'atmosphère est bizarre, il y a des métis. Voilà, c'est marrant parce que ça devient un élément du fantastique, ça devient un élément de mal-être, d'avoir des personnes de sang mélangé, de race mélangée. Le 18e, pour Lovecraft, c'est chaud. Ouais, c'est ça. Ça fait peur. Ça fait peur à beaucoup de monde à part Lovecraft, ceci. Ouais, mais pour lui, c'est Cthulhu, quoi. Je bois. Ah, mais c'est assez intéressant parce que, enfin, là, on parle juste de la dimension narrative, justement, de ça. Mais ça donne juste, enfin, ça va dans son sens du fait que les anciens sont justement eux-mêmes des races qui étaient là avant la race humaine et tout. Et donc, il y a une espèce de, il faut pas trop peut-être insister sur le fait qu'il est réellement raciste. Ou plutôt sur la fonction, il l'est certainement, ça c'est sûr et certain. Il l'est. Non, bon, mais c'est sûr et certain. Il y a un passage qui montre qu'il est raciste. Impossible, c'est impossible de dire qu'il l'est pas. Mais il l'appuie dessus parce que ça sert. Pour moi, je veux que sa haine nourrit son écriture, c'est tout. Oui, mais du coup, il y a un antagoniste. Elle sent parce mal. Que déjà, bah dès, non, qu'on mais... a, dès qu'on a un métis, dès qu'on a ce qu'il appelle un mulâtre, des personnes d'autres races différentes. C'est du déclinisme. Déjà, on est dans l'intérêt antagoniste. On ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas quels sont leurs objectifs, mais c'est directement louche, c'est directement problématique. Mais il faut se rappeler de l'homme blanc. Il faut se rappeler de ce qu'il dit dans son texte sur la littérature. Il dit la plus grande peur, c'est la peur de l'autre, enfin de l'inconnu. Et donc effectivement, la forme de l'autre dans le métis, c'est la forme de l'autre. Et du coup, tu lis tout ça au déclinisme. Du coup, le sang pur est mélangé. Du coup, c'est sur le déclin. Et t'as le fond de sa pensée. Et même son déclinisme va tellement loin que même les anciens qui sont arrivés sur Terre dans les montagnes hallucinées, ils déclinent eux aussi. C'est-à-dire que même la race supérieure d'aliens qui est venue et qui nous a créés, au fil du temps, elle décline. Du coup, tout est amené à décliner, quoi. En même temps, tu vois, moi j'ai lu Lovecraft assez jeune, et quand il parle de maladies chopées en Orient, en Chine, je sais pas quoi, tu vois. Ça me parle. Non, mais effectivement, il y a un fond de racisme, mais quand t'es jeune, tu le vois pas, et quand t'as été nourri, je sais pas, des trucs genre Indiana Jones ou je sais pas quoi, tu vois, ça fait en même temps partie de ton imaginaire. L'exotisme, c'est aussi les MST. Bah non, mais c'est vrai que l'Orient, c'est un peu, Bah effectivement un peu différent entre guillemets c'est que ça, de nous parle, et que les singes verts. Non, il parle à des gens qui sont dans leur chambre et qui sont en train de lire et du coup qui tout le rapport à l'extérieur et même l'autre le faut rappeler qu'il a jamais voyagé part. Quasiment Lovecraft quoi. À part par épistolaire mais il a très peu voyagé parce qu'il était fauché. Bah ça se voit quand même hein. Quand il parle d'un autre territoire que la Nouvelle-Orléans. Il a pas eu son chemin pour revenir à la FK précédente. Pour son Chang. Ah oui, c'est vrai. Quand il vrai, parle de, je sais pas, par exemple dans la cité sans nom, il sait pas quoi faire. Hein. Voilà, c'est dans le désert quoi. Il a dit c'est dans le désert d'Arabie. Voilà. Ouais mais c'était un ailleurs tellement lointain que il a pas besoin d'y être allé quoi. Comme Jean-Jacques Goldman là-bas. Et donc d'ailleurs du coup pour rebondir sur les lieux chez Lovecraft. Voilà, la géographie. Ouais. On va terminer cette première partie. Je sais beau. Qu'elle est longue, mais sur la géographie chez Lovecraft, parce qu'il a quand même créé tout un tissu de lieux et d'endroits dans lesquels on revient souvent. Ouais. Et avant. Enfin, pour parler de ça, on peut commencer par dire que Lovecraft était passionné d'architecture et qu'il faisait ça. Il faisait des non mais ça, l'architecture chez Lovecraft pour de vrai. Oh là là, pour de vrai. Cyclopéen. Et dans sa vie, par exemple, il a vécu à New York. Contrairement à ce qu'on pense, Lovecraft avait beaucoup d'amis. Il faisait beaucoup de balades avec ses potes et il passait des heures à admirer les buildings avec les rails. Les buildings qui étaient autour d'eux, les bâtiments, etc. Et je pense il a dit dans une lettre qu'il avait failli s'évanouir d'exaltation esthétique en arrivant à New York. Ouais. Et je pense que effectivement, c'est ce qui se. En tant quand tu baisses pas. C'est ce qui se ressent en partie dans son œuvre, quoi. C'est qu'il a une il y a une place importante à l'architecture. En bah cas. Clairement toutes les cités. Ah bah, c'est très important. Donc il y a donc Kadath, Rliet, Irem, Sarnath et compagnie. Comment elle s'appelle la cité des montagnes hallucinées, la cité originelle? On sait pas. On sait pas. Okay. C'est la cité sans nom, j'ai. Non, c'est pas celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Non, non, c'est une autre. C'est une autre cité sans nom. Celle qui est dans l'Antarctique. Voilà, c'est la cité sans nom où il fait froid. C'est son nom où il fait chaud. Mais c'est ça. Mais du coup, effectivement, tous les édifices sont cyclopéens. Donc, cyclopéen, ça veut dire en même temps grand et en même temps des pierres assemblées sans mortier. Ah. En anglais. Merci. Ah oui, moi j'ai été voir sur Bois de Référence avant de venir. Putain, c'est tout au niveau des odeurs, quoi. Je vois. Du coup, effectivement, il a un attrait énorme pour l'architecture. Et pour, à chaque fois, toutes les cités dont il parle, Rliet et compagnie, c'est des angles impossibles, souvent. Oui. Ouais. Ouais. Du coup, c'est une autre architecture. Et en parlant des angles complexes, il parle généralement. C'est l'adjectif qui revient très souvent. Ouais. Parce qu'il est fan de mathématiques et du coup, c'est des angles bizarres. Parce qu'à l'époque, c'est la géométrie non euclidienne qui commençait à arriver. Du coup, il se dit, bah tiens, c'est non euclidien. Il est fan de mathématiques. Bah, ouais. Comme on peut être fan de mathématiques. Grande, apparemment, c'est une grande déception de sa vie de pas avoir réussi à en faire plus, mais il était passionné par ça. Et oui, notamment dans l'appel de Cthulhu, c'est assez impressionnant tout le rapport aux géométries non euclidiennes. Ouais. Ouais. C'est-à-dire les géométries qui se passent pas sur un plan comme parallèle. On le connaît, ou moi, ouais, c'est pas vraiment c'est ça, pas mais où les parallèles ne peuvent pas être parallèles. Oui, ouais, explique-nous Euclide. En gros, vous faites de la géométrie sur des sphères et non plus sur des plans, c'est ça. Sur des sphères ou sur des hyperboles. Ah, les hyperboles. Les angles ne sont plus des angles, il y a pas de parallèles. C'est quand c'est des gros bols, des saladiers. C'est ça. Des hyperboles. Il y a pas de parallèles et compagnie, et ça marque véritablement Lovecraft. C'est pour ça que son œuvre peut apparaître que au 19e siècle, au moment de la découverte. Au 20e, ouais. À la fin du. Enfin, début du 20e siècle. Que à partir du 19e siècle. Ouais. Voilà. Donc, que à partir de l'apparition des géométries non euclidiennes qui lui permettent de développer cet imaginaire qui, en fait, sont. C'est pareil, c'est des lois mathématiques, mais qui sont presque inaccessibles pour ses lecteurs, donc qui permettent un imaginaire assez puissant. Ouais. D'ailleurs, l'adjectif impossible revient souvent dans cette description, en fait, des lieux. Des angles impossibles, des géométries impossibles. Mais c'est là où on retrouve le côté un peu plus science-fiction de Lovecraft, parce que techniquement, c'est possible. C'est juste pas commun, c'est juste Et différent. Presque matérialiste, comme on le disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il dit pas n'importe quoi. C'est... Non, non. Et du coup, dans la géographie, il y a aussi deux endroits importants. Arkham, une ville imaginaire près de Boston, dans la Nouvelle-Angleterre. Parce où il y a l'université du Miskatonic. Voilà, et ça veut dire ça, l'université de Miskatonic. Et un asile de fous. Et un asile de fous. Dont viendra certainement... Le Joker. Oui, l'asile d'Arkham. Bah, ouais, super bien de sûr, balancer les axes 3. Ah bon, bah non, non, mais on peut le citer. Oui, on peut le dire, non, mais ça a influencé. Arkham Asylum, voilà. Ça vient de Lovecraft. Sûr. Voilà, on peut le dire maintenant. Et c'est l'université, un des. Ouais, Miskatonic, c'est tous les personnages viennent de son prof à l'université Miskatonic. Ouais. Cette université, elle a un Necronomicon. Quasiment. Et cette fac, elle a un Necronomicon, et voilà. Et Arkham, enfin, je sais pas, il a du coup voulu réinventer ce qui l'entourait en inventant des trucs. Bah, il y a toujours un. Il mêle toujours. la réalité et la fiction. Ouais. C'est ça qui donne une grande force en fait à son œuvre, c'est que au niveau de la géographie, il situe des villes imaginaires au sein d'un tissu. Ouais. Mais déjà toujours existant. Autour de effectivement même, la Nouvelle-Angleterre et ici de Providence et Boston. Mais après le reste des villes, il y a que Providence et Boston qui sont des villes réelles. Il y a Townsend oeuvre. Aussi peut-être. Je sais pas. Par contre, toutes les autres villes sont souvent des mixtes, même au niveau du nom. Entre des villes déjà existantes, Innsmouth, Dunwich, etc., sont des villes portuaires. Et, voilà, et même au niveau des livres, c'est-à-dire que quand il cite des livres dans son œuvre, il y en a un sur deux en général qui est vrai, l'autre qui est faux et inventé, et du coup qui prend la caution du livre qui est vrai, quoi, tu vois. Et du coup, toi, en tant que lecteur, tu dis ah oui, bah l'ensemble est réaliste, quoi. Ce qui ancre vraiment l'œuvre dans le fantastique, c'est-à-dire qu'on peut se raccrocher à chaque fois des éléments du réel pour expliquer et sa pour la géographie, pour terminer cette première partie, parce que ça on a marre. C'est quand il y en a marre. C'est vraiment moi ce qui m'a vraiment marqué dans votre phrase, ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'il parle des coins, des sortes des blancs de la carte, des coins sombres de la terre, dark corners of the earth. C'est des endroits qui sont pas sur la carte, mais qui sont là quand même. Et je trouve ça vraiment trop bien de sorte de rendre le monde un peu plus magique qu'il n'est. C'est-à-dire que si tu vas dans la forêt un peu trop loin, tu vas découvrir une sorte d'île avec des gens chelous. Ou alors si tu vas dans le bayou, si tu prends le mauvais côté de la route, là où c'est pas indiqué, tu vas tomber sur une île abandonnée parce que les gens sur une ville abandonnée, genre Innsmouth ou Dunwich. Et ça, je trouve vraiment cool. Dans les villes elles-mêmes, il suffit de prendre une petite ruelle sombre et hop. La musique d'Eric Zahn, il y a un mec qui habite dans une rue, qui retrouve pas après. Donc c'est vraiment, je trouve ça vraiment trop bien niveau géographie, qu'il arrive à enchanter un peu le monde qui nous entoure, surtout au 20e où ça commence à être vraiment cartographié de partout à part l'Antarctique. De trouver des espaces vierges et surtout, entre le maillage humain. Et surtout aux États-Unis où tout est cartographié, toutes les villes en tout cas ultra cartographiées. Et on trouve du coup du merveilleux ou du fantastique au sein même de ces villes. Grâce à Lovecraft, on peut avoir envie de se balader quelque part en se disant peut-être je vais tomber sur un truc bizarre. Voilà. Et ça, c'est cool. Et d'ailleurs, on voit l'influence de Jules Verne aussi. Ah ouais. On va en parler peut-être après pour Bon, en temps, on parlait maintenant. Parlé du fait que il s'est inspiré des expéditions à l'Antarctique ou qu'il parlait de la géométrie non euclidienne. Il a un rapport aux sciences qu'il utilise dans la fiction comme Jules Verne en gros. Il utilise les derniers trucs parus et sortis. Ouais, et surtout des coins un peu cachés que ça nous permet d'accéder. Ouais. Voilà. Mais il est moins enfantin que Jules Verne. Ah oui, ça oui. Oui, ça il fait un peu plus peur effectivement. On pourrait pas faire une adaptation de Jules Verne de Lovecraft avec Jackie Chan comme on a fait avec Jules Verne. Non. Non, c'est vrai que ça marcherait pas très bien. Ça marcherait bof. War and Smooth avec Jackie Chan, ce serait bizarre. Voilà, c'est sur cette phrase qui résume bien l'œuvre de Lovecraft qu'on peut arrêter la première partie. Le quiz. Moi, je crois que je vais perdre. Monsieur. Je t'ai pas dit ça, Jackie Chan. Je vais vous poser des questions. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Stop, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Mon émission passe tous les soirs à 18h35. Je pose des questions à des champions. Je suis. Tu es Julien Lepers, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. On se retrouve maintenant pour le quiz. Oui. Alors on l'a fait à deux en tandem avec Steven. Exactement. On était à vélo. Et voilà. Du coup, il y a Alexis, Zaza et JD qui jouent pour leur pomme. Alors on est chaud. Je vais prendre jouer pour ma banane. Tu notes les points, moi, Steven. Moi pour ma fraise. Merci de m'avoir suivi. C'est gentil. Je note les points. J'adore l'humour fruitier. Vous avez déjà moins un tous les deux. Je m'appelle Landros, hein, c'est pas pour rien. C'est vrai. C'est marrant. Alors, la première partie du quiz, c'est grand ancien ou groupe de black metal? On va vous donner des noms et il faut savoir si c'est des anciens ou des groupes de black metal. Alors, il faut savoir que pour les anciens, on a aussi pioché dans l'univers étendu, hein, dans les continuateurs de Lovecraft. D'accord. Okay. Est-ce que tout le monde a le droit de donner une réponse ou c'est le premier? Ouais. Ah, on n'a pas réfléchi à ça. C'est tout le monde. Tout le monde. Ok. Donc, chacun son tour, on donne notre réponse. Voilà. Okay. On commence par exemple, c'est Steven. Ok. Ouais. Avec Nyokta. Alors, comment tu l'écris? N-Y-O-G-T-H-A. Voyelle. Nyokta. Voyelle. Nyokta. C'est long. Moi je dis grand ancien. Moi je dis ancien. Ancien. Eh bien vous avez tous raison. C'est un ancien, Henry Kuttner, en 1937, dans The Salem Horror. Nyokta, c'est un des nombreux avatars de Nyarlathotep. Voilà. Et si je vous dis Densaltact? Comment tu l'écris? Oh, c'est vrai, chiant, on fait ça chaque fois quand même. N-S-A. Arrête de regarder, Alexis! K. Ah, il y a la réponse! L-D-T. E. C'est bien sûr la nouvelle épreuve de la... C'est la nouvelle épreuve de la dictée pivot, hein, bien sûr. Alors, ça. En vrai, j'ai rien vu. Hein. Ta réponse. C'est un groupe de black metal. Dan Saktad. Moi je dis groupe de black metal aussi. Un groupe de black metal. Ouais, vous faites tous les mêmes réponses. Putain, oui, ça. Vous avez pas envie de jouer en fait. C'est ça? C'est ça? Allez, non, mais on sait peut-être en allez, fait. Allez, bim. Peut-être qu'on sait. Super. Si on vous dit. Malocarpatan. Groupe de black metal. Metal. Metal? Oh, vous êtes chiants! La même chose. En vrai, quand t'as le même score, t'as plus de chances de dire. Enfin, t'as plus envie de gâcher c'est le quiz, c'est moche. Ça? C'est vraiment très donc sale. Le quiz n'est plus drôle. C'est ça, ouais. Il l'a jamais été. Alors, on a tort? Non, vous avez raison. Non, vous avez raison. Ah, bah alors, voilà, bah points. Attends. Eh, ils ont préparé quand même une. Eh. À toi, Steven. Si je vous dis Rogog. Rogog. Groupe de black metal. Non, moi je dis que c'est un ancien. Ouais, ancien aussi. Eh bien, c'est un ancien. Allez oh franchement, statistiquement, joueur. Après deux groupes de black metal. Non, parce qu'on est lié au hasard. Ouais, on n'a pas décidé d'ordre. Et c'est de Michal Saint-Paul en 91. C'est un apôtre. C'est le mec qui protège le sang. C'est le mec de la Star Academy, Michal. C'est le mec qui protège le sang de Cthulhu qui a été versé en Irlande quand il s'est battu avec son demi-frère Astur. Dans le Graal. Le sang dans le. Oui, bah sûrement, j'en sais rien. Pris pour. J'ai pas non plus la nouvelle, ça va, oui. Et si je vous dis. J'arrive pas à prononcer ce mot. Ofdrigja. Grand ancien. Metal. Metal, ouais. Eh bien, c'est un groupe de metal suédois. Oh, allez Zaza, il est 2 points derrière tout le monde. Et il reste la dernière question de sa première partie du quiz. Vulthum. Metal. Ancien. Metal. C'est un Nancy. Oh, allez, Zaza, il remonte. Ah non, il a dit métal. Il a dit métal. Non, il a dit ancien. Non, il a dit métal. Il a dit métal. Il a dit métal. Vous l'avez dit, tu l'as dit métal. Je suis le seul à avoir dit ancien. Mais non, non, non, non. Je suis le seul à avoir dit ancien. J'ai réécrit l'histoire. Non, non, non, non, non, non. T'as dit métal. T'as dit métal. Un point dans le doute. Non, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Même moi, je me souviens plus ce que j'ai dit. Un point dans le doute, c'est le nom de la sextape de Zaza. Non, non, non, non. Pour la première fois, je mène dans le quiz. Un point dans le doute. Non, mais n'importe quoi. Non, mais c'était le nom. C'était des bons à poids, c'était. Maintenant, deuxième partie du quiz. Synopsis de Lovecraft ou de Charles de Poule? Ah, pas mal. Alors, on va vous lire des petits synopsis et vous nous dites si c'est du Lovecraft ou du Charles de Poule. Le docteur Brunner est de plus en plus absorbé par son travail. Il se distancie de ses filles qu'il élève seul et semble se dévouer corps et âme aux mystérieuses plantes qu'il étudie. Alors. Charles de Poule. Charles de Poule. Tout le monde dit chair de poule. Ouais. Chair de poule. Eh bien, c'est chair de poule. Vous êtes bon, hein. Bah, distancie de ses filles, ça peut pas être Lovecraft. C'est vrai. Ah, super. Le mec, il a réfléchi et tout. Bravo. Le second synopsis. Un homme visite une grotte avec un groupe de touristes et se retrouve à errer seul dans la grotte jusqu'à s'y perdre et se retrouver en présence d'une mystérieuse créature. Lovecraft. Chair de poule. Alexis. Chair de poule. C'est Lovecraft. Et oui, c'est Lovecraft. Oui, c'est, Lovecraft. C'est la première nouvelle de Lovecraft qui est écrite à 14 ans. C'est pour moi. The Beast ah ouais, in the Cave. Mais voilà, voilà. Ah, on a oublié, un groupe ou un ancien dans la première partie. Bah super. C'était Grishka. C'est un groupe. Bogdanov. C'est un Bogdanov. C'est un groupe. Ouais, c'est un Bogdanov. C'était une petite plaisanterie. C'était on adore drôle. L'humour ici. Ça aurait été dommage que je la fasse pas quand même. Alors. Ou pas. Le narrateur et son oncle s'intéressent à une maison dans leur village, qui semble hantée. Ses occupants meurent mystérieusement et la végétation entourant l'édifice semble d'un autre monde. Alors ? Chair de poule. Chair de poule, ouais. Chair de poule. Eh bien, c'est Lovecraft. Ah, merde. La maison maudite. Ah, c'est la maison maudite. Eh oui. Je savais pas qu'il avait un nom. En 1924. Ensuite, on a un jeune homme se promène dans une ville et trouve dans une vieille boutique un bocal sur lequel il est écrit « sang de monstre ». Le vendeur lui affirme que la substance est périmée, mais il l'achète tout de même. Et chère le teste sur son chien qui se met à grossir mystérieusement. Chair de poule. Chair de poule. Chair de poule. Eh bien, c'est Lovecraft. Non, c'est... Non. Je l'avais, ce bouquin. Sang de monstre. En même temps, sang de monstre, ça pourrait être du Lovecraft. Par rapport au racisme. Il y a combien dans les scores, là? On verra après. Le protagoniste rend visite. Pourquoi tu prends ma clope? Il a cru que c'était le stylo. J'ai cru que c'était le stylo. Ah, bien sûr, l'alcool, on confond les vessies et les lanternes, les clopes et les stylos. Alors, le protagoniste rend visite à sa famille qui vit dans une maison isolée dans les marécages. Dès son arrivée, il entend des cris et des grognements, mais personne ne semble y prêter attention et sa famille lui interdit l'accès à une porte fermée à clé au troisième étage, d'où semblent pourtant sortir les hurlements monstrueux. Alors, Lovecraft ? Lovecraft. Chair de poule. Il faut répondre en fait. Lovecraft. Lovecraft. Eh bien. C'était chair de poule. Merde. Comment tu es un monstre, ça s'appelle. Ouais, comme quel... quoi hein. Lovecraft, chair de poule, c'est la un peu même pareil. Chose. C'est quoi les scores? Alors, Zassa a 5. J2 a 8. Ouh. Et Alexis a 7. J2 est en tête. C'est bien la première fois c'est de la FK. C'est moi, je on réponds stratégiquement, c'est nul. À la dernière partie du quiz, c'est une question de rapidité là. Ah oui, là c'est rapide. Merde, et il faut justifier sa réponse. Ok. Ah, c'est machin ou machin? Ou peut-être. Toulou, okay. Zemmour ou les deux? Est-ce qu'on boit à chaque fois qu'on donne une réponse? Bah si tu veux, tu peux boire, oui. Toulou, Zemmour ou les deux? Ok. Je suis chaud. On commence par. On peut le trouver en peluche. Les deux, Toulou, Toulou. Je dis d'abord Toulou. Alors, J2 a dit les deux. Ah oui, alors, il a dit les deux, il faut que tu as des peluches. Je suis sûr qu'il y a des peluches Zemmour quelque part. Moi, je pense pas. Genre sur dupontaignan.fr ou un truc. Sache que j'ai cherché et je n'ai pas trouvé de peluche Zemmour. Ah, j'ai dit que Toulou d'abord. Oui, mais tu bois trois fois déjà. Il y a deux points pour personne du coup. Putain. Ah, bah ouais. C'est un personnage de roman. Les deux. Oui, les deux, c'est vrai. Toulou. Non, les deux, c'est vrai. Alors. Ah ouais. C'est ça qu'il l'a dit en premier. C'est les deux. Ouais, oui, c'est vrai. Dans quoi et personnage de roman? Notamment dans un roman de Frédéric Delorier qui s'appelle Les 200 ans, ouais. Les 200 jours de Marine Le Pen. Exactement. Marine il est Le Pen premier ministre, c'est ça. Gagne l'élection et il est ministre de la culture et de la communication. Et il y a un autre truc où il un ministre de l'éducation. Un point pour moi. Un point pour Zassa. Putain le bâtard. Attention, le danger vient de la mer. Les deux. Les deux pour Zassa, évidemment. C'est une bonne réponse. Bah les étrangers. Ouais. Ou de la mère de Zemmour qui a fait que c'est... Ok, d'accord. Il provoque la haine. Les deux. Ah, t'as dit que Toulou, non? Ouais. Alors? Et bah ça tombe bien parce que c'est Zemmour. Bah ouais, c'est Zemmour. Que Toulou ne provoque pas la haine. Il provoque la peur. Alors que Zemmour, il a été condamné pour provocation à la haine. Les autres ont dit les deux. Donc ouais, ouais, y a pas de aucun point. Ah, vous êtes pas bon. Attention. Il vient de temps très ancien. Toulou. Les deux. Toulou. Bah non, les deux. Pas seulement Zemmour, il vient pas de temps très ancien. Bah si, on peut dire qu'il vit dans une époque très très lointaine. Bah c'est pas très très lointaine par rapport à Toulou. Toulou, c'est des millénaires. Ouais, d'accord, mais c'est quand même, il vient quand même d'attendre. Pourquoi c'est Mario? Par rapport à maintenant, c'est très lointain. Oui, pour Toulou, mais pas pour Zemmour. Zemmour, c'est des siècles. En histoire, tu vois, moi j'utilise l'histoire antique. Zemmour, c'est pas. Arrête de justifier, ça marche au niveau de la blague. T'as fait des études, je crois, c'est ça? Exactement, de sciences politiques, monsieur. Bah, c'est le point pour Gilles. Bah oui. Pourquoi? Bah les deux. Bah le mec qui écrit sur Napoléon en 2017. Bah c'est pas vieux, c'est pas vieux. Putain, vous êtes scandaleux, c'est scandaleux. On est d'accord. Certains humains dévoyés lui vouent un culte immémorial. Les deux. J'arrête de jouer. Ça a dit les deux. Il a gagné. Les deux, ce qu'on a trouvé un petit. Moi j'arrête de jouer, c'est nul. Ceuxquilaiment.blogspot.com. Du coup, il y a un culte de Zemmour, effectivement. Même des blogs. Il y a une araignée qui porte son nom. Toulou. Ouais, c'est Cthulhu. Mais je jouais même plus. Bah non, je joue plus, vous trichez depuis tout à l'heure, vous dites de la merde. Il y a vraiment une araignée qui porte son nom. C'est la Sperdonia Cthulhu. Bien sûr. Tu le savais. On la connaît. Alors, Nabila lui a demandé de ne plus prononcer son nom. Zemmour. Je sais pas qui l'a dit en fait. Je l'ai dit d'abord, putain. Je pense que c'était Alexis. C'est scandaleux. C'est Alexis. Bah, elle aurait pu peut-être demander pareil à Cthulhu si elle le connaissait. Peut-être. Il y a aussi. Il a une tête de sèche. Les deux. Les deux. Les deux. Les j'ai deux. Avant. Les deux. Ah, j'ai dit que Toulouse d'abord. J'ai dit avant les c'est deux. Ah, c'est les deux. Non, non, Zemmour a aussi une tête de sèche. Moi, Zemmour a une tête de sèche. C'est pour moi. Il a le crâne légèrement en ovale, arrondi sur la sommet de son crâne. La sommet. C'est vraiment un sur la sommet. C'est son la crâne. Sommet. C'est vraiment un milliard. On peut le trouver dans le Necronomicon. Les deux. Oh. Ya Zemmour. Effectivement, vous n'avez pas lu cette nouvelle. C'est la le musique, gazon maudit. La musique d'Éric Zemmour. Non, oui, c'est Cthulhu, effectivement. Voilà, il reste maintenant. C'est quoi les scores? Ah. Arrête de tricher, Zaza. Zaza à 9. JD à 9. Oh. Et Alexis à 10. Allez. Oh ouais, mais il a insulté le jeu en disant qu'on trichait. Moi, je lui enlèverais un point. C'est vrai. Juste pour que tout le monde soit à niveau. Ouais, moi, je suis d'accord. Moi, je lui enlèverais un point parce qu'il a craché sur les organisateurs. Quel bien, nous sommes d'accord avec ça. Allez, 9 partout. 9 partout, vous avez triché. Il reste 2 questions super banco. Oh. Bah, comment ça se passe? Eh bah, ça se passe pas. Ça, voilà. Ok, attends. Alors, la première question. Attends, c'est rapidité, la rapidité ou c'est pas quoi? C'est rapidité. Oh. Ok. Et ça, t'expliques les règles avant ou ça se passe comment? Alors, celle-ci, c'est une question qu'il faut répondre. Ok. Qu'est-ce qui est d'or et qui attend? J'attends tout. Alors, c'est de Toulouse. Si, c'est Toulouse qui dort et qui attend dans la cité de Harlem maudite. Et mais. Ouais, mais c'est pas Harlem. C'est pareil, c'est jeune. C'est que tout l'attend. Donc, personne n'a le point. Oh putain, il reste une deuxième super banco, c'est comme et ça que ça on aurait même dû dire que tout l'attend. Précisément. Du coup, il reste le super banco. Alors là, c'est, et là, c'est comment? C'est consécutif, hein. Ils font chacun ouais, leur chacun tour. Chacun fait son petit numéro et on voit qui est le plus fort. Est-ce qu'il s'agit d'invoquer que Toulouse? Ok. Oh, qui alors... le fera le mieux? Il gagnera le quiz. Alexis en premier. Pourquoi? Parce que. C'est horrible, c'est comme ça, c'est d'un point. Invoque que Toulouse. Invoque que nous impressionne. On dirait un truc de Naruto. Un film de Kurosawa. Ok, c'était pas mal. C'était mal. J2. On aurait dit la soupe au chou. Et enfin Zaza. Ya Ktuluf Tagne Rivien Glaue Rivien Glaf Tagne Raknong Ningstaraf Tagne Ktulu. C'est clairement Zaza qui gagne. Oh, allez bâtard. C'est vrai. Moi j'aurais dit Alexis, hein, il l'invoque toujours dans ses chiottes. Parce que c'est lui qui l'a fait en premier. C'est lui qui l'a fait en premier, c'est pas sûr que... Voilà, bref. Ah non, c'était trop beau. Merci. Bravo, ce serait la victoire. Dans une nouvelle offre. Bravo, ah, Zaza. C'était... un bon quiz. Putain, encore une gagne avec de la triche, quoi. Le mec a lu le t-shirt. Je gagne jamais les quiz, hein. On peut revenir sur tous les quiz de la FK, je ne gagne jamais. T'as lu le t-shirt. C'était malin. C'était Avro, un t-shirt avec l'invocation de Cthulhu écrite dessus. C'est vrai, c'était... C'était quand même assez évident de le faire. Et moi je l'ai lu. Mais moi je le vois pas de si près là. J'ai mon ordinateur. Mais pourtant l'interprétation, pourtant, ça venait du cœur. J'ai un ventre aussi gros que Orlier. T'aurais pu le lire. Mais sous il est cyclopéen mon bide. Il est un ventre non euclidien. Maintenant on peut passer à la seconde partie du podcast où on va parler du style de Howard Philippe Lovecraft. Bonsoir, bonsoir à tous. Après avoir parlé de ce qui constituait en gros le mythe, l'univers, les jalons de Lovecraft, on va pouvoir parler de comment il les utilise, de son style, de on sa plume. On va parler du mythe mais avec quelques trous. Trous de mythe. Ah. C'était tellement nu, je m'y attendais pas du tout. Je suis toujours là, on m'attend pas. Et ça c'est beau. Comme ta mythe justement. Ok. Allez, maintenant on va pouvoir ça, parler. C'est marrant parce que celle-là on l'attendait. Allez, on passe à la troisième partie. Alors, c'est bien parce que cette blague on l'a fait pas assez souvent. Du coup, le style de Lovecraft, qu'est-ce qui fonctionne dans sa façon d'écrire? Alors, déjà, on fait bien dire ou son style. Ou ne fonctionne pas. On fait bien dire son style parce qu'il en a un. Hein. Ah, ça, on peut dire qu'il a un notamment, style. Notamment, je pense, le truc pour lequel on peut commencer écoute qui est le plus marquant. Ce style. C'est le narrateur. C'est même la structure. La structure du récit, ouais. Ouais. Qui est quand même toujours la même, c'est toujours un témoignage. Ce qui fait que c'est chiant à préparer comme émission. En vrai, ouais, je pense que Lovecraft, quand on en bouffe comme ça, à l'appel, quand tu commences une... À l'appel de Toulouse. Tu bois. Ouais. Quand on commence une nouvelle, on se dit, allez, c'est reparti pour un tour. Il y a vraiment ce côté de... Je vais, bah comme l'intro alors, de Stavro. Faut expliquer ce que c'est. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un narrateur qui dit... Il m'est arrivé un truc démentiel. Dont je ne devrais pas parler. Je ne vais d'ailleurs pas vous en parler. Mais bon, puisque vous insistez pas trop. Non, puisqu'il faut que j'en parle. Voilà. je vais vous le raconter. Et du coup, il raconte son histoire. Ouais. Et ça termine, en gros, souvent dans les dernières lignes, par une révélation de toute l'intrigue. Alors, ceci dit, c'est vrai que c'est un peu redondant parce qu'il le fait tout le temps. Mais c'est un style, l'attaque en force, qui est vachement... différent des récits fantastiques habituels où généralement on a un récit par couche où on est dans une banalité, genre je pars un mec dans sa maison, j'en parle dans l'activity, où c'est ça devient de plus en plus chelou et à la fin on a une sorte de payoff global sur ah ok en fait c'était ça. C'est vrai. Lovecraft c'est dès le début, ok c'est méga chaud, chelou, voilà. C'est chaud et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, et du coup ça c'est, même si c'est redondant, c'est quand même assez novateur. Ouais, et puis je trouve que, enfin, j'ai l'impression que toi Steven ça avait l'air de te déplaire. Non mais c'est la répétition. Ça le saoule. Moi je trouve ça assez agréable au sens où tu vois tu lis Lovecraft, tu sais à quoi t'attendre. C'est une sorte de rituel. Ouais voilà c'est ça. Ouais, t'es dans ton truc, tu vois c'est cette forme un peu tout le temps la même. Voilà tu dis bon tu commences par ça etc. Et tu t'attends et je trouve que c'est justement un tour de force de sa part de à chaque fois avoir cette même structure et pourtant toujours te faire une révélation à chaque fois différente et d'inventer un truc. Non, mais je disais juste que quand on se les bouffe comme ça, comme on l'a fait pour l'AFK là, au bout d'un moment, tu dis bon, ça y est, c'est reparti. Voilà, c'est la répétition. Mais je pense que c'est un peu gênant. Bouffer comme ça en fait. Bah, je suis pas. Oui, mais moi je trouve que c'est plutôt, de mon point de vue, c'est très très personnel pour le coup, une faiblesse pour moi de Lovecraft parce que le fait de partir justement du fait que c'est incroyable et que c'est indicible et que c'est trop puissant pour que tu puisses le comprendre débouche quasiment systématiquement sur une déception. En fait, parce que je suis pas d'accord. Moi, ma perception de la chose, en fait, c'est que on te dit justement, on part du récit et c'est ça qui est novateur, effectivement, ce que tu disais Stavro et qui est intéressant dans la construction de Lovecraft, c'est qu'on te dit c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose de monstrueux dont je vais être obligé de parler et qu'on va te décanter ça au fil du récit et finalement on arrive à quelque chose ça commence quand même plus doucement, finalement peut être décrit et finalement peut être compris et que cette introduction est quasiment systématiquement débouche sur une déception. Mais je pense que moi je trouve que t'as plus de déception quand on te passe dans un récit fantastique classique, on passe son temps à te dire c'est chelou, qu'est-ce que c'est, et là tu vois ce que c'est, genre quand un film d'horreur classique où à la fin l'explication est nulle par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Alors que là, bah, vu que dès le début c'est que c'est chaud, on te dit c'est ouf, et en fait, ah ouais, bah. Oui, bah, mais justement, en fait, peut-être que l'effet de répétition il est intéressant dans le sens que, étant donné qu'il a créé un mythe et qu'on retrouve des personnages quand même qui reviennent dans certaines nouvelles et tout, quand on relit un truc, on se dit qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau maintenant, tu vois, sur l'univers et sur les anciens. Ouais. Mais pour moi, c'est un peu le même effet que quand il y a quelqu'un qui te dit ce film est génial, et quand tu vois le film, t'es systématiquement déçu, tu vois. T'as plus d'émotion à ressentir par rapport à ça, puisqu'on t'a déjà bassiné. Moi, ça m'a vraiment gâché Taxi. Hein. Non, mais c'est-à-dire que c'est quelque chose de tellement structurel qu'il y a des nouvelles, en fait, où chaque début de chapitre, mais vraiment chaque début de chapitre, et je pense que Les Montagnes Hallucinées est vraiment un cas d'école par rapport à ça, on a les 4-5 premières phrases de chaque chapitre qui sont « Je ne devrais pas parler de ça. Après c'est ça... tellement incroyable. Vous ne réitez pas prêt pour ce que je vais te dire. Vous n'êtes pas prêt. » Après, ça, ce qui joue aussi, c'est le rythme feuilletonnant parce qu'il s'était publié en chapitre dans Webtales, mois par mois. Du coup, il doit un ça, peu c'est revenir, important. Mais nous, du coup, on n'a pas cet effet-là quand on le lit. Ouais. Et il y a une lassitude, moi, qui vient me prendre dans certaines nouvelles par rapport à ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un quart du chapitre à chaque fois qui est consacré au fait qu'on ne devrait pas parler de ça, que c'est tellement incroyable, vous n'êtes pas prêts. Et ça fatigue, je trouve, à force. C'est comme les rappeurs qui parlent dans leur mixtape. Vous n'êtes pas prêts. Lorenzo. En même temps, je trouve que c'est un... Enfin, Lovecraft, en fait, pour cette préparation du vous n'êtes pas prêt, etc., te fait une montée en climax. Ça, je pense que personne ne peut le nier. En fait, il ajoute petit à petit de la tension pour arriver à un dénouement. Et effectivement, des fois, le dénouement n'est pas à la hauteur de ce que tu attends. Mais je pense que c'est encore le débat universel du voyage et de l'arrivée. Tu vois, je pense que ce que Lovecraft désirait faire avant tout, c'est justement cette montée en puissance, tu vois. Et pas forcément la révélation, tu vois. Ouais, mais alors, personnellement, ce que je trouve qui est problématique avec cette montée en puissance, c'est que la révélation, elle est quasiment systématiquement, quand t'as déjà lu du Lovecraft, prévisible. Et ça, c'est hyper gênant. Là, je suis pas d'accord. C'est tout le temps. Dans beaucoup de nouvelles, tu vois où il veut en venir largement avant qu'il en vienne là. Pourquoi... On peut parler par exemple de l'affaire de Charles Dexter Ward, qui est son seul roman, donc qui est et où dès en fait la moitié du roman, tu comprends que le Joseph Curwen, donc l'ancêtre du protagoniste, a pris possession du jeune Charles Dexter Ward. Et moi, ce que je trouve gênant, c'est, et on a ça aussi dans La Chose sur le Seuil, on a ça dans énormément de nouvelles où, en fait, une fois que t'as déjà lu du Lovecraft et que t'as compris les mécanismes par lesquels il fonctionne, tu peux déjà prédire alors, à l'avance ce qu'il essaye de te suggérer. Et ça, je trouve, ça gâche énormément du côté du fantastique où le principe qui fait que tu accroches, c'est que tu ne comprends pas ce qui se passe. Alors moi, je trouve que c'est vrai ce que tu dis quand il s'agit du mythe qu'il a créé de façon large, tu vois. De tout ce qui a trait aux anciens. Il faut déjà avoir lu du Lovecraft, on est d'accord. Oui, mais c'est vrai dans, quand il parle des anciens, ouais, des extraterrestres. En gros, c'est vrai. Mais quand il parle, il a plein d'autres nouvelles qui s'inscrivent pas trop dans cette histoire-là. Bah, toutes les nouvelles liées à la macabre. Oui, de genre air froid, etc. Tous ces trucs-là. Toutes les histoires macabres ou le cycle du rêve. À la fin, t'as quand même un cliffhanger assez impressionnant. Oui, mais en fait, impressionnant, j'ai l'impression que ce qui te déplaît à Alex, ça, tu peux le dire aussi de tout truc fantastique. Parce que tout truc fantastique, à la fin, la chute est décevante. Parce que c'est toujours un truc du type, ah ben, il a vu la mort en face, ou il a vu le rien. Mais tu le sais pas forcément, non? Ouais, mais si. Enfin, je veux dire, les fins de récits fantastiques sont à peu près toujours les mêmes. Ce qui compte, c'est effectivement le chemin, comme disait Alexis tout à l'heure. Et en fait, tout l'art de Lovecraft, enfin, et tout l'art d'un écrivain de fantastique, ça va être justement de faire monter la tension de telle manière que tu sois capté. Après, la chute est jamais très, très, très, très importante. C'est du fait que, comme le narrateur, tu te mets au niveau du narrateur. Et que du coup, c'est rédigé de façon à ce que tu ne comprennes pas ce qui se passe. Et que. Mais c'est rédigé comme ça. Mais ah non, ouais. Non, parce que sa connaissance de l'univers de Lovecraft fait que, au bout d'un moment, tu te dis, ok, c'est ça qui se passe. Ok. Après, c'est... tu le lis en 2017. T'as déjà lu beaucoup de pop culture. Mais voilà. Mais moi, c'est ça que je trouve gênant chez Lovecraft, c'est que comme il a un univers cohérent avec des ressorts qui reviennent systématiquement, une fois que t'es au deuxième ou au troisième chapitre, tu te dis, ok, c'est ça qui se passe, ok, c'est ça qui va me faire venir. Et du coup, ça gâche l'intérêt de la nouvelle, je trouve. Non, parce que ce qui est intéressant dans les constructions de nouvelles, c'est que c'est pas construit de façon chronologique. Ouais. C'est construit de révélation en révélation. Et Lovecraft le dit lui-même, il le théorise. En gros, j'écris ce qui se passe dans les événements. Et après, je modifie pour garder la révélution finale pour la fin. Voilà. Et ça, c'est assez cool. Donc tu la captes à l'avance. Il y a le schéma chronologique de l'histoire et il y a le temps du récit qui est différent. Ouais. Souvent, par exemple, dans les montagnes hallucinées, on sait qu'ils sont. Souvent, les personnages, on sait qu'ils s'en sortent parce qu'ils écrivent a posteriori. Mais on sait, il nous dit, bah là, je suis parti et tout. Et à la fin, il revient sur un truc pour dire, à ce moment-là, j'ai vu ça. Oui, mais c'est ça qui est chiant, c'est que dans les montagnes hallucinées, on prend cet exemple précis. Si tu veux, donc il y a un groupe de scientifiques qui est en contact avec les grands anciens et qui finit par se faire défoncer. Et on a le narrateur principal de l'histoire qui arrive après coup pour investiguer Non, il écrit pour que les gens retournent pas en Antarctique. Oui, on est d'accord, mais c'est-à-dire lui, on adopte son point de vue et on voit comment il découvre les événements, mais comme on connaît l'univers de Lovecraft, on sait ce qui s'est passé. On sait que les anciens les ont défoncés et ont été révélés. Et lui, de son point de vue, l'information arrive tellement de façon parcellaire et au fur et à mesure des chapitres. Et tu sais déjà ce qui s'est passé. Tu sais déjà que les anciens se sont réveillés et les ont défoncés. Que t'as 10 chapitres où le mec est là. Je ne pouvais pas croire ce qui s'était passé. Je ne pense pas que c'est ça. Et au bout de 10 chapitres, ah ouais, c'est quand même ça qui s'est passé. Mais toi, t'es déjà loin derrière. Mais est-ce que c'est ça l'intérêt de lire Lovecraft? Est-ce que l'intérêt de Lovecraft, c'est la révélation? Moi, je pense pas. Je pense que c'est son talent de description, son talent de mettre dans une ambiance, etc. Bah ouais. Et c'est justement plus le voyage que l'arrivée qui te fait plaisir dans Clairement, Lovecraft. Clairement, parce que tu parles des montagnes hallucinées, dans ce texte-là, certes, la fin, elle est prévisible, entre guillemets, mais entre-temps, t'as, trois chapitres de description de géographie de la ville des anciens. Ça, c'est intéressant. Et tout. Et du coup, il rajoute des trucs auxquels tu t'attends pas dans la description, dans l'atmosphère, dans l'ambiance. Et du coup, même si à la fin, tu dis, ok, je savais déjà, bah, entre-temps, il t'a surpris. Bah moi je me sens pas surpris quand je lis des romans de Lovecraft. Je trouve que justement ça gâche tout un côté du fantastique où tu n'es pas en train de t'interroger sur ce qui se passe. Oui, parce que t'es pas surpris par exactement les mêmes choses. Parce que t'as un niveau de compréhension qui est supérieur à celui du narrateur. Parce que t'es quelqu'un très intelligent, ça. Non. T'es un bon enquêteur. T'es le Sherlock Holmes de la fucking Kermesse. Vous êtes d'accord avec moi sur le fait que vous avez un niveau de compréhension de l'univers. Non, mais c'est juste que le plaisir. Moi, je suis d'accord avec toi. Si on dit que tout l'intérêt d'une nouvelle, c'est juste la révélation. Mais il y a aussi un intérêt qui est l'intérêt narratif. Et justement, là, puisqu'on parle du style de Lovecraft, ça serait intéressant de noter que il a un style justement qui est très, comme tu dis, explicatif. Lourd. C'est-à-dire, ouais, très lourd. Non, mais c'est vrai, mais lourd, mais dans le sens où il dit pas, il va pas forcément décrire. Il y a un mec qui disait, je sais pas qui c'était, qui disait le seul truc vraiment horrorifique chez Lovecraft, c'est son style. Ouais, bon. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais je pense on que peut parler du style. C'est un style à part entière. Et le style à part entière, c'est de dire souvent l'effet que ça fait. C'est-à-dire qu'en fait, comme il se met du point de vue du narrateur, il dit ouais, ça fait très peur. Ou ça, c'est un angle obtus, etc. Mais il va pas forcément, tu vois, c'est pas un grand écrivain dans le sens le mec qui va décrire l'angle, tu vois, ou qui va décrire l'effet que ça fait de la peur. Il va dire ça fait peur. Et il a un espèce, c'est en même temps cette écriture là qui est très un peu scientifique en fait. Et ben elle donne une tournure particulière au truc parce que en fait il nous convainc. Il y a une espèce de truc, moi je trouve, avec les nouvelles de Lovecraft, c'est genre une espèce de conviction, tu vois, genre tout au fur et à mesure. Et du coup, la narration n'est pas si importante que ça. Ce qui compte, c'est de rentrer dans une espèce de chemin, tu sais, genre, effectivement, où tu commences à te faire peur et tu joues avec tes peurs. Ouais, mais moi, je pense que pas m'identifier dans la mesure où ça. Je comprends plus que le narrateur. C'est ça qui me pose problème. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous prend un peu. Moi, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, le narrateur, à chaque fois. C'est un scientifique ou c'est quelqu'un qui a un esprit un plutôt rationnel, ah oui. Toujours, et qui va douter. Et en fait, il doute. Et ça, c'est vachement bien. Il doute à la place du lecteur. Moi, je sais que quand je lis du fantastique ou de la science-fiction, j'ai un peu ce truc de un peu rationaliste de me dire ouais, d'accord, mais bon, peut-être que. Il y a une explication. Le narrateur le fait. C'est-à-dire qu'il y a un énorme scepticisme dans les rationalisme, ouais. Rationalisme et un scepticisme qui est apporté par la science en fait. Et là, tout le rapport à la connaissance, il est hyper important dans la construction du récit. C'est-à-dire que peu à peu, le narrateur, il est obligé de céder à l'évidence. C'est-à-dire que l'évidence, c'est pas la science. Quoi. Certes, il met du temps, comme tu le dis, à comprendre. Parce qu'il remet tout en question, genre peut-être que je suis fou, peut-être que c'est un mirage, peut-être que nanana. Mais moi, je trouve que ça nous permet de nous mettre à la place du narrateur. Parce que vachement. On est maintenant en 2017 vachement sceptique. Et du coup, je trouve que c'est pour ça que Lovecraft traite actuel dans son style, c'est qu'il est aussi rationaliste que nous maintenant. C'est une écriture assez en fait scientifique et réaliste. Au sens où c'est pas un narrateur naïf qui se laisse porter par les événements, voilà, etc. Ouais. Tu vois. C'est ça. C'est là qu'on disait, on peut insister sur les professions exercées par les narrateurs qui justement participent de cette époque-là. T'as des psychiatres, t'as des scientifiques, des géologues de la musique catholique. Mais même au-delà de ça, je trouve que tous, tu vois, je crois que dans la musique d'Eric Zahn, c'est pas un mec particulièrement. C'est un étudiant en métaphysique, donc quand même. Ouais, quand même, tu vas te calmer. Étudiant métaphysique, c'est au-dessus de tout. Généralement, c'est quand même des gens ultra rationnels qui doutent de tout. Moi, on peut ramener ça au racisme, c'est toujours des blancs intelligents anglo-saxons. Comme Lovecraft, qui sont niqués par des trucs venus d'ailleurs. Voilà. Ah, en même temps, bon. Moi, je pense que son rapport à la connaissance, c'est un des trucs qui m'intéresse le plus chez Lovecraft. Il y a vraiment un rapport assez bizarre à la science. C'est-à-dire qu'en même temps, tout est explicable scientifiquement, et tout obéit à des lois, en tout cas, même si elles sont au-delà de notre compréhension. Tout à fait. Et en même temps, il y a une sorte de critique sous-jacente de la science, où ces personnages, il y a deux types de personnages, je pense. Il y a des esprits un peu scientifiques. Et il y a les pégus et ceux qui ont un peu de l'imagination. Et je peux faire une citation de La couleur tombée du ciel. Un jour, les savants rendirent visite à Nahum. Néanmoins, n'attachant aucune foi aux récits fantastiques et au folklore, ils se montrèrent très modérés dans leurs conclusions. Et souvent, on a ça. Et les scientifiques paraissent un peu aveugles face à ce qui se passe. Là. Parce qu'ils essaient de dire non, mais ça peut pas être bizarre. On a parlé dans l'appel de Cthulhu où le narrateur au début dit bon, je pense que mon oncle a posé les questions orientées pour avoir ces réponses là etc. Voilà. Et il croit pas en fait aux réponses. Et à chaque fois il y a ces deux types de personnages. Et les scientifiques en fait au final ils ont tort. Ceux qui ont raison c'est la sagesse populaire. C'est les gens qui comme le dit souvent Lovecraft ont de l'imagination en fait plus que de la raison. Mais c'est les gens en fait comme Lovecraft. C'est Lovecraft n'a jamais réussi à faire des études, a jamais été bon en maths, etc. Mais il y a une qualité qui est valorisée par Lovecraft. Il se met entre guillemets au nu. Et souvent même. C'est dans l'appel de Cthulhu, par exemple, la personne. Il y a deux événements, comme on en parlait tout à l'heure, mais la personne qui le sculpteur en fait, l'artiste qui a fait une première représentation sculpture de Cthulhu et d'un bas-relief justement par rapport au rêve qu'il a eu justement, est quelqu'un de doté d'une imagination débordante et qui est décrit comme un marginal et qui va pouvoir se représenter justement cette image-là. Et dans justement par opposition au psychiatre et à sa science. Dans l'appel de celui dont on ne peut pas prononcer le nom, Voldemort. Quand il y a une enquête qui est faite par le psychiatre sur les rêves, les réponses les plus positives, c'est les artistes et enfin les poètes et les sculpteurs et compagnie. C'est eux qui sont sensibles à Cthulhu. Ah, mais ils sont entre deux en fait. Ils sont pas exactement comme les scientifiques en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que eux, ils sont vecteurs effectivement. Enfin, l'artiste, etc., tel que Lovecraft en fait lui-même. Et ben, ils sont vecteurs de ce truc-là, de la connaissance et tout. Ouais. Mais c'est pas une vraie connaissance scientifique. Ouais. Ceux qui vont au bout de la connaissance scientifique, ils perdent la raison ou ça ils atteignent leur destruction. En général, après, t'as le peuple qui. Ouais, les artistes sont des messagers en fait, en quelque sorte. Mais chez Lovecraft, en général, l'imagination. C'est ce qui te rend sensible au monde. Et en même temps, quand t'en as pas, c'est ce qui te sauve aussi. Ouais. Il dit très souvent dans la couleur du ciel, il y a un vieux paysan qui a subi tous les événements, et Lovecraft dit ce qu'il a sauvé, c'est qu'il a pas beaucoup d'imagination. Voilà. Sinon, il serait devenu fou. L'imagination, c'est ce qui donne accès véritablement à la vraie connaissance. Et c'est pour ça que je trouve son rapport à la connaissance dans la construction de ces nouvelles assez intéressante, parce qu'à chaque fois, ces narrateurs, ils sont très sceptiques, mais ils finissent par céder à l'évidence, et ils se laissent prendre par l'imagination. Et c'est là que ça les détruit. C'est là qu'ils deviennent complètement. La science est une résistance finalement à l'univers de Lovecraft. En fait. Ouais. Et il tombe du coup dans la folie, qui est un thème ultra récurrent chez Lovecraft. Cette folie, elle vient précisément de quand tu cèdes. Quand tu abandonnes tes convictions. Voilà, c'est ça. Véritablement, quand tu abandonnes tes convictions et que tu retombes dans les trucs du folklore populaire. D'ailleurs, il y a souvent dans les nouvelles de Lovecraft un moment de basculement où les personnages marchent dans un tunnel pendant trop longtemps, descendent un truc et ils perdent tous leurs repères géographiques, sensoriels et tout. Il dit j'étais obligé de me rendre à l'évidence. Non, mais c'est pas ça, c'est juste qu'avant de se rendre à l'évidence, ils quittent le monde qu'on connaît. Et pendant 3 heures, ils marchent dans un tunnel, ils perdent la notion du temps, ils perdent la notion de l'espace. Et du coup, résistance, après, ils sont prêts. Il y a une espèce de coup de butoir, en fait, de l'univers de Lovecraft par rapport à la résistance scientifique du personnage. Moi, je voulais juste dire qu'il y avait toujours un moment où il y avait toujours une transition. Où il marche dans un tunnel, etc. C'est insidieux, c'est subtil, en fait. C'est pas d'un subtil, seul coup, c'est vraiment... Subtil, voilà. Non, mais je veux dire, c'est au fur et à mesure de la nouvelle, les résistances s'érodent petit à petit pour laisser passer l'univers. Ce qui est intéressant, justement, c'est que ça en dit long sur ce qu'il attend aussi du lecteur. Et je pense qu'on peut revenir sur toi, ce que t'aimes pas trop dans Lovecraft, mais je pense que ce qu'il attend du lecteur, et si t'es un lecteur bien disposé de Lovecraft, c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu fais exactement le même chemin par rapport à... tes convictions, etc. Tu te dis j'attends ça. Et en fait, il attend de toi effectivement aussi que tu te laisses porter en tant que lecteur par le truc et te laisses envahir par les peurs. Et encore plus fort que ça, c'est que en tant que lecteur, t'es mis dans la même position que de l'enquêteur du prof, parce que vu que c'est parcellaire et qu'il y a du mythe un peu partout, que Yog-Sothoth, Cthulhu y reviennent souvent, tu connais que les points. Tu connais que quelques points que tu rassembles au fur et à mesure de tes lectures de Lovecraft. Mmh. Et du coup, t'es mis dans la même position en lisant de Lovecraft que les personnages eux-mêmes. Et ça, c'est assez cool. Ouais, ça, c'est cool. Bravo. Et qu'est-ce que ça dit sur le style en fait? Enfin, on a parlé du style littéraire en lui-même, qui a souvent été critiqué parce qu'il est assez pompeux. Il y a beaucoup, on s'est souvent moqué des habits. Par rapport à la science, je trouve que c'est ça qui fait aussi parfois que c'est lourd. Je trouve que justement les montagnes hallucinées dont on parlait tout à l'heure, c'est des descriptions scientifiques sur la géologie. On va t'expliquer que les différentes strates de roches et les marques qui ont été faites sur les strates de roches qui sont cambriennes, précambriennes, etc. vont te permettre de t'expliquer le mythe. C'est pénible à lire. C'est pénible. Moi je trouve que ça rajoute une dimension. Ça rajoute crédibilité. C'est l'écriture seulement. C'est fatigant, putain. C'est l'écriture de l'excès, comme disaient certains critiques. Mais c'est pas seulement fatigant. Moi je trouve que ça participe aussi que quand t'es jeune et que tu lis ça, enfin je sais pas, moi j'ai découvert Lovecraft, j'avais 16-17 ans, et quand tu lis ça, etc., et que t'as pas des connaissances, tu sais pas ce que ça veut dire précambrien, etc. Ça rajoute pas seulement une crédibilité, mais ça rajoute un espèce de truc de ça donne peut-être de la vérité au fait que le Necronomicon existe. De crédibilité, c'est ça. Non, mais c'est pas. Une crédibilité, alors, d'accord. Je suis d'accord, le jargon scientifique, quand tu le connais pas, il rajoute à l'occulte. Parce qu'il est chelou. Mmh. Ouais. Mais en même temps, c'est chelou cette façon qu'elle a de te regarder. Merci. Ça n'en peut plus. Ça y est, on n'a pas fait la moitié de l'émission. En même temps, je trouve que on parle d'un style hyperbolique, etc. Mais le style est aussi assez différent parce que dans l'appel de Cthulhu, il cite aussi pas mal de coupures de presse. Et donc parfois, il adopte aussi un style. Je crois que ça, c'est le deuxième truc que j'adore chez Lovecraft, c'est l'introduction d'autres éléments que du pur récit. Des coupures de presse. En même temps, ça, c'est pas nouveau, ça date de l'époque romantique. Et là, il a fantastique, c'est déjà. Et là, il a un style très journalistique, très. Mais lui, il a vraiment un style très documentaire en fait, qui est assez exacerbé, aussi un peu dans l'excès parfois, mais. Qui marche pleinement avec ce qu'il fait. C'est ça qui est assez bon, c'est que comme tout est, comme on connaît rien, on chope des bribes par-ci par-là, et du coup, les personnages se documentent, et nous, on se documente par la même occasion. Il introduit beaucoup de sources non littéraires, c'est vachement bien, du coup, toi aussi, tu dois refaire le puzzle. Et en plus de ça, les narrateurs, ils sont pas fiables, et ça, c'est cool. Ouais. Parce que le fait est qu'ils connaissent pas grand-chose à ce qu'ils voient, et du coup... La non-fiabilité des narrateurs fait que toi aussi tu dois te poser des questions par rapport à ce qu'ils disent ou à ce qu'ils font, etc. Et ça, c'est pas mal. Mais dans Cthulhu, c'est vachement le cas. L'inspecteur, il connaît pas grand chose. On doit regarder, relire son récit à la lumière de ce que nous on a vu par rapport aux articles ou aux trucs d'avant, etc. Et du coup, la non-fiabilité du narrateur est vachement importante aussi. Mais à vrai dire, en fait, je pense que son style éclate et devient vraiment intéressant dans les descriptions de ce qu'il appelle lui-même indicible. Ah oui. C'est-à-dire, c'est le moment, en fait, effectivement, où il y a une espèce de truc un peu épars, hétéroclite. Il fait des descriptions des grands anciens, etc. Et là, quand il commence à essayer de décrire ce qu'il lui-même dit qui est indicible, c'est là que ça devient intéressant et qu'il atteint en fait une forme de poésie, quoi. Je suis sous, mais on a parlé vraiment de l'indicible. On a pas encore parlé, mais on va y arriver. Mais comme le dit JD, Lovecraft le fait lui-même. Il y a des moments dans les nouvelles où il part en vrille totale, où il va dans l'excès, où les adverbes, les adjectifs et tout sont beaucoup trop lourds. Et c'est vrai que c'est lourd et c'est pompeux et c'est peut-être, bah, on pourrait dire mal écrit parce que c'est kitsch presque en fait. C'est comme si c'était un film de genre où à un moment il y avait une scène hyper gore. Et à un moment il y a une description qui va aller beaucoup trop loin. Et même lui le dit qu'il faut que dans une nouvelle il y ait ces moments-là où tu pars totalement, où tu te lances dans la description, etc. Ouais, c'est des moments d'excès, quoi. Il ajoute indicible, innommable et compagnie. En soi, il dit toujours la même chose. Mmh. Ouais. Mais ça participe aussi de son style où on comprend que c'est parce que s'il dit juste c'était indicible, d'accord. Mmh. Mais il insiste tellement que c'est de là que vient l'horreur. C'est indicible, quoi. Il essaie de le dire quand même. Mais je trouve que c'est justement ça le propre de l'indicible, c'est que enfin là où métaphysiquement il y a un truc intéressant, c'est que ça peut être proche par exemple d'une métaphysique plotinienne où genre on dit qu'il y a on dit qu'il y a l'un, etc. Il faut absolument pas en parler. C'est ce dont on peut pas parler, mais n'empêche que tout tend vers le fait qu'on en parle, quoi. Et ça c'est super intéressant parce que en fait tout ce que tu construis par ailleurs sans en parler, et ben en fait tend à décrire quand même ce truc. Et ça, il y a ça quasiment dans toutes les nouvelles. On peut pas décrire les choses, c'est impossible. Et je crois qu'une des moments où ça marche le mieux, c'est encore une fois, je pense celle que je préfère, La couleur tombée du ciel, où cette couleur même, il peut pas la décrire. C'est hors du spectre. Et c'est presque pas une couleur. Il l'appelle couleur par analogie. C'est génial comme idée parce qu'en même temps. Et toi, en tant que lecteur, à chaque fois, t'essaies de te représenter les choses et il te met en échec. Il te dit de toute façon, tu y arriveras pas. Mais je vais t'en parler quand même. C'est comme quand il dit que les anciens ont des organes d'essence qu'on peut pas imaginer ou qu'on n'a pas. Ouais. Et là, quand tu commences à t'imaginer, t'as 16 ans, t'es dans ton bouquin et t'es dans ton livre, tu commences à penser ce truc-là. Qu'est-ce que ça peut être que des sens qui n'existent pas ? Franchement, c'est génial. C'est à la fois une sensation de une vraie découverte, un vrai rapport à la connaissance, et en même temps un truc terrifiant. Mmh. Et ça, il arrive à toucher ça. Je trouve que, on pose assez rapidement le fait que ce soit hyperbolique, indicible, qui répète sans cesse les mêmes choses, mais en même temps il le construit aussi par cette montée en puissance qu'on a dit auparavant, par le climax, tu vois. Et ça arrive au bout de cette montée, et moi ça me paraît totalement logique, tu vois, que. Ouais. Comme il dit, que ce soit pas forcément bien écrit, enfin comme le disait Stavro, que ce soit un peu trop fort, trop puissant, mais en même temps cette montée en puissance fait que au bout d'un moment, et c'est là t'as besoin de cette puissance, de cette montée. C'est là que la forme du témoignage marche. C'est comme quand tu bases et que tu jouis pas à la fin. Ouais, tout à fait. Non, mais bien sûr. Mais d'ailleurs, pour illustrer ce que tu dis, je trouve qu'une des meilleures nouvelles, c'est la nouvelle la musique d'Eric Zahn, où à la fin, je spoil un peu, mais il ouvre la fenêtre. Rendez-vous dans 2 minutes. Il ouvre la fenêtre et il y a juste rien. 6 minutes, c'est JD. Il y a juste rien. Et en fait, quand il dit il y a rien, et tu te dis putain, c'est génial, quoi, parce que tu t'attendais à qu'il fasse une description, un truc comme ça, et en fait, ce rien devient génial avec toute la montée qu'il a fait. Je peux vous lire un extrait justement sur la description d'un son. Par rapport à l'indicible que je trouvais, pas mal. Allez-y. Alors, Jean, allez-y. C'est quel dans le Charles Dexter Ward. Ouais. Et je trouve que la Formule 1, j'adore ça. Ça résume assez bien. Vroom vroom vroom. Oui, Willett avait compté 30 marches quand il entendit un faible bruit qui lui enleva toute envie de continuer à compter. C'était un de ces sons impies, abominables, que rien ne saurait décrire. Parler d'un gémissement morne et sans âme, d'un hurlement d'épouvante poussé par un cœur de damné, ne suffirait pas à exprimer sa hideur quintessentielle. Étienne Dao. Il provenait d'un point indéterminé et il continua à se faire entendre lorsque Willett atteignit au bas de l'escalier un couloir aux dimensions cyclopéennes dont les parois étaient percées de nombreux passages voûtés. Et je trouve que... Ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à décrire sur trois phrases un son qui n'est pas descriptible en tant que tel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est tous ces adjectifs qui sont utilisés pour décrire quelque chose qui n'est pas descriptible. On parle d'une horreur indescriptible, pourtant toute l'horreur de Lovecraft, vu qu'il est matérialiste, elle s'est basée que sur les sensations. Les personnages, on a dit, ils sont interchangeables, il n'y a quasiment aucune psychologie, et en fait c'est quasiment que des sens en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est comment il retranscrit quelque chose qui n'est pas, qui est indicible. Ouais, et clairement il le retranscrit grâce au toucher, au son, à la vue, et c'est pour ça qu'il y a autant... Une sorte de synesthésie en soi. Ouais, il y a une sorte d'importance énorme sur le graphe du visqueux, du gluant, de la matière en fait. C'est là, ça. C'est là qu'on retrouve l'incompréhensible tout en restant dans le matérialisme et c'est ça, dans la matière. C'est trop fort, il y a sans tomber dans le sens naturel. C'est on comprend pas, mais en même temps on peut le toucher. Et un peu comme moi. Personne n'a essayé. Grâce à la littérature, c'est ça qui est important. Et surtout, je trouve que ça renoue vraiment avec l'idée du monstre. Parce que le monstre, attention, on va parler latin. Étymologiquement, le monstre, c'est ce qu'on montre parce qu'on ne peut pas le dire. Et je monstrare. Pense, monstrare, ouais. Ça veut dire montrer. C'est ce qui est hors de toute catégorie que tu peux. C'est pour ça aussi qu'il y a un côté positif. On apprend des trucs à l'AFK. Genre les monstres. C'est écrit dans le livre en latin. Jean-Claude l'avait dit. En latin. En latin. Quand on parle même des monstres sacrés d'Hollywood, par exemple, ou je sais pas quoi, c'est parce qu'ils sont hors catégorie. Ils par exemple, Hugh Hefner. Par exemple. Et donc du coup, il on renoue avec ça. Toucher. Il a beaucoup de tentacules, lui. Non ça consonne avec ce qu'on disait tout à l'heure sur. Ça consonne. Ouais. Ce qui raconte. Voyelle. Attention, modus et bouche cousue. Ce qu'il disait dans son essai, c'est-à-dire que on a trop de. T'es chiant. Boule noire. Oh. Ok, d'accord. Je me mets dans ton émission. Oh la bite, c'est rigolo. Boule métis. Vas-y, Steven. Boule bulâtre. Monstre. C'est tout ce que je voulais dire. Ah oui, il disait les monstres, en gros, les vampires, les loups-garous et tout ça, on les connaît trop. C'est devenu des catégories. C'est plus des monstres. Ah, ouais. Alors que les monstres de Lovecraft, c'est des monstres. On peut que les montrer et dire, on peut pas le dire. Bah, et d'ailleurs, lui-même se moque un peu de son écriture dans une nouvelle qui est. S'appelle L'Indicible. Assez bonne, qui s'appelle L'Indicible, où il met en scène un personnage qui est un écrivain qui discute avec quelqu'un qui lui reproche un peu son style et il dit. De plus, avait-il ajouté, ma préoccupation constante de ce que j'appelais les choses innommables et indicibles trahissait en moi un esprit fort puéril, non sans rapport avec ma réussite plus que relative dans le métier d'écrivain que je m'étais choisi. Et après la suite. La suite. J'aimais trop terminer mes histoires sur des spectacles ou des bruits qui paralysaient les facultés de mes héros et leur enlevaient toujours le courage, les moyens ou la force de raconter ce par quoi ils étaient passés. Comme quoi, il est assez conscient des limites de ce qu'il fait, mais bien il aime bien. Ouais, c'est ça. Si vous avez entendu un gros bruit, c'est normal, c'est ça, a niqué son appartement en se déplaçant. Il y a Yoxotot qui a débarqué, quoi. Non, t'as pas. On dirait que tu parles breton. C'est vrai. Grimo qui m'ont influencé. Ce qu'il y a aussi d'intéressant dans son style. C'est son conducteur. Que, certes, on a parlé du point de vue qui était toujours un peu le même et qui était un peu redondant, mais il a quand même affiné son point de vue. Parce qu'au début, par exemple, dans Dagon, le mec écrit. Ah ouais, non, mais Dagon, c'est ses premiers récits. Ouais, aussi. Mais le mec écrit écrit sa nouvelle. Écrit pas en latin, c'est pas Jean-Jacques Goldman. Il écrit à la fin, genre, merci. Le monstre, il est là. La fenêtre. Genre en mode, il va suicider, mais il écrit quand même sur son petit carnet. Et donc, ça, c'est un peu le style Lovecraft poussé à l'extrême. Et mais il est jeune encore, tu vois. Ouais, il est... Non, mais bien sûr, il c'est quoi, c'est Dagon? Ouais, c'est juste pour dire qu'il s'est quand même amélioré dans sa façon, dans son point de vue narratif, son chemin narratif. Heureusement, enfin. On peut dire que c'est redondant, mais c'était quand même pire avant. Voilà, mais ça s'est affiné. Mais il y a quand même l'aspect. C'est comme du bon fromage. Il y a quand même l'aspect recette qui fait que au bout d'un moment, c'est un peu chiant, quoi. Bah c'est chiant parce qu'on prépare une escalade, on en lit 15 en une semaine. Ouais, c'est ça. C'est à dire que si tu le lis un à un, tu vois, ta meuf, elle suce toujours pareil. Super, mais c'est quand même bien. Putain, c'est vraiment pourri comme c'est un rituel. C'est vraiment nul. Non, c'est nul à chier. Moi, personnellement, quand j'ai commencé Lovecraft, franchement, j'ai tout lu d'une traite. J'ai pas arrêté. Ça m'a jamais fait cet effet-là. Mais bon. D'accord. Bon, très bien. Voilà. Ouais, moi non plus. Fin... Moi, ça me l'a fait. Mais en même temps, t'étais vraiment super malin, on peut le dire. Ouais. Et puis elle suce. Mais après, à mon avis, ça dépend. On embrasse, bien sûr. Ça dépend de l'âge à laquelle aussi tu commences à lire Lovecraft, je pense. Oui, c'est à dire. Bah, je sais pas pour vous, mais moi j'ai commencé en 6ème, 5ème. Ah, comme c'est pour ça tout à l'heure. Que tu es malsain aujourd'hui. Peut-être, il explique beaucoup de choses. Non, mais peut-être. D'où ton attrait pour Hitler. Alexis Beginnings. mais tu vois, tous ces clichés, tous ces formes redondantes, tu les vois pas forcément quand t'es en 6ème ou 5ème. Tu vois, tu lis tu lis une histoire, tu lis des nouvelles, bon. Et surtout, t'as l'impression que c'est vrai quand t'es enfant. T'as l'impression d'entrer dans un univers que dont le, enfin, y a que lui qui t'ouvre la porte et tu te dis, du coup, c'est pas chiant. Enfin, tu te dis l'amour de Dieu. Mais souvent, c'est comme t'as rarement lu en plus des trucs aussi aussi profonds quoi, qui te font mettre l'être humain et ce que t'es du coup à ta place finalement. Enfin, tu vois que. À part Houellebecq. Que t'es non mais en sixième ou cinquième, t'as pas lu Houellebecq, tu vois. T'es... Ah, pardon. Bah. Non mais c'est comme quand tu dis Tolkien, t'es pas saoulé que le mec te fasse les généalogies des elfes, etc. Pendant 100 pages, moi pas. C'est pas intéressant. Moi, ça me faisait pas chier. On peut le dire. Et après, ce qui est aussi marrant, c'est que Lovecraft, il est facile. On a souvent essayé de l'imiter. On pourra en parler après, comme moi je l'ai fait dans l'introduction, parce qu'il a un style un peu pompeux avec les mêmes adjectifs qui reviennent souvent. Souvent imité, jamais égalé. Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on se dit, t'as son style, ok, il y a cyclopéen, indicible, innommable, je vais faire pareil, ça va marcher. Et en fait, ça marche pas. Bah non. C'est ça qui est assez fou dans son style, c'est que effectivement, c'est un peu pompeux, effectivement, c'est un peu ancien. Et pourtant, ouais, il arrive à le faire et ça marche. Mais comme on le disait tout à l'heure en parlant, enfin, Steven en parlait des chimères, etc. Et moi, j'en parlais en biographie. Lovecraft, c'est un mec qui avait beaucoup été élevé par son grand-père, qui était un gros lecteur, qui avait une énorme biographie. Ouais, bien sûr. Et qui avait une énorme bibliothèque et qui a lu énormément d'ouvrages classiques et qui a une énorme culture quand même classique, etc. Ouais, scientifique et tout. Et je pense que ça se ressent, enfin tu vois, c'est pas... Évidemment, son style est un peu pompeux et facile à imiter. Pompeux parce qu'il est puritain, pour lui, le 19e siècle, ça n'a pas existé. Donc, voilà, mais tout le monde n'a pas la culture de Lovecraft non plus. Enfin, mais c'est pas qu'une question de culture, je pense qu'il a un truc proprement à lui, et peut-être que ça vient... Alors la thèse de Houellebecq, par exemple, c'est que ça vient de sa haine de la vie. Enfin, il écrit contre le monde. Oui, parce contre le monde. Que mais... la vie c'est nul. Mais je pense qu'effectivement, du coup, on sent faire un truc une autre comme vie, ça. Un autre monde. Il y a une pugnacité chez Lovecraft. D'un autre monde. Jean-Louis Aubert, Lovecraft, c'est pareil. Non, mais il y a une pugnacité. Il y a un espèce de truc. Tu sens que le mec, il refait la même histoire, etc. Il va dans... et à chaque fois, il réexplique son truc. Et ben ça, je pense que c'est quelque chose qui se ressent. Justement, j'ai un extrait où il parle du réalisme, Lovecraft. Alors attention, ça vient d'une lettre. En un mot, mon enfant, je considère ce genre d'écrit comme une recherche indiscrète de ce qu'il y a de plus bas dans la vie et comme la transcription servile d'événements vulgaires avec les sentiments grossiers d'un concierge ou d'un marinier. Dieu sait, nous pouvons voir assez de bêtes dans n'importe quelle basse-cour et observer tous les mystères du sexe dans l'accouplement des vaches et des pouliches. Quand je regarde l'homme, je désire regarder les caractéristiques qui l'élèvent à l'état d'être humain. On dirait du Star Wars. Et les ornements qui donnent à ses actions la symétrie et la beauté créatrice. Ce n'est pas que je désire lui voir prêter à la manière victorienne des pensées et des mobiles faux et pompeux, mais je désire voir son comportement apprécié avec justesse, en mettant l'accent sur les qualités qui lui sont propres, et sans que ce soit stupidement mis en évidence ses particularités bestiales qu'il a en commun avec le premier Vera ou Bouc venu. Et il a dit, le réalisme c'est pas n'est jamais beau. Faux. Quoi ? Le réalisme n'est jamais beau. Donc en gros, il a dit, la vie, on connaît, c'est chiant, on va faire autre chose. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant et assez grisant. Et je pense que sa soupe particulière, c'est d'être, de ne pas vouloir faire du réalisme tout en faisant du matérialisme. C'est ça ouais, qui c'est est ça. C'est un, ça, c'est un mec matérialiste qui a voulu s'extraire de la vie. Ouais, du coup, c'est assez classe. Ouais, c'est parce classe. Que ça reste quand même pas un truc ésotérique ou mystique ou chrétien ou religieux. C'est un mec qui lisait des sciences, qui était au taquet sur les dernières sorties scientifiques, mais qui pourtant aimait pas. En plus, il était un peu aristocrate, du coup, il aimait pas la démocratie, il aimait pas la plèbe, mais il voulait quand même pas en sortir trop et pas devenir mystique. Du coup, ça un entre-deux assez bizarre, mais qui marche vachement bien. Mais là, et en fait, on a perdu Azasa. Moi, je suis là. Il arrive à faire du mystique dans le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est classe. Ça, c'est bon. C'est un peu Dieu à côté de chez vous. Voilà. Voilà. Mais Zaza vient de découvrir qu'il n'aimait plus Lovecraft. Après nous avoir cassé les couilles pour faire une émission sur Lovecraft. Mais pas du tout. Bien sûr que si. Mais bien sûr que bien non. Bien sûr que si. Tu mens. Ah, ah. Tu dis, ouais, moi j'adore World of Lovecraft, c'est trop bien. Mais pour. Enfin, je sais pas si on a un peu terminé sur la forme. Bah on a bientôt terminé. C'est long. Moi je. Enfin, en tout cas, je sais pas pour vous, mais en préparant ce podcast, j'ai écouté plus de livres audio. Moi aussi. De Lovecraft. Et je trouve que c'est impressionnant comment son style passe hyper bien en livre audio c'est vrai, hyper vivant. Quoi. Et je pense que c'est pas donné à n'importe quel auteur. Il y a des super lectures sur YouTube. Ouais, ouais. Et je pense que c'est pas. En VO comme en VF d'ailleurs. Ouais, ouais. Et je pense que c'est pas donné à n'importe quel auteur d'être aussi bien transcriptible, enfin tu vois, dans, et surtout, en audio, quoi. Surtout Charles Dexter Ward, en le premier lien qui vient en VF. Mais c'est génial. L'appel de Cthulhu est vachement bien en VF aussi. C'est vraiment des super lectures. C'est le lecteur de Littérature Audio, qui est un très bon site où il y a une multitude de livres. Et ce lecteur-là est excellent pour Lovecraft. C'est celui qu'on entend dans l'introduction à l'axe 1 que j'ai mis. D'accord. C'est vrai qu'il a une belle voix. Tu as écouté les lectures de France Culture? C'est bien ou pas? Ouais, c'est bien. C'est une sorte de mise en théâtre, entre guillemets. C'est un peu plus un feuilleton radiophonique. Et c'est vachement bien. Genre, Innsmouth, j'ai écouté un petit peu. Il y a plusieurs nouvelles qui sont. Ça permet un peu de casser aussi le. Justement, si vous êtes comme Zaza et moi, sensible à le côté un peu redondant. Les pièces radiophoniques ça me choque moins à l'oral complètement. Franchement tu fumes un spliff, tu t'écoutes ça, non mais tu voles, tu fumes un spliff, non mais c'est vachement bien. Moi j'écoute ça avant de dormir et c'est vrai que c'est sympa. C'est vrai que c'est sympa, mais personnellement, pour avoir lu beaucoup de Lovecraft pendant un mois, ça te peuple l'imagination de ouf. Moi, ça me restait vraiment en tête tout ce qui se passait. Je rêvais d'angle cyclopéen. Non, mais vraiment, moi, je préfère la lecture, compagnie, vous avez en tête pendant assez longtemps, quoi. Ça vraiment, ça te mange le truc. Et justement, Lovecraft, on a dit qu'il était puritain, il aimait pas la vie. Et c'est deux seuls trucs qu'il voulait faire, c'était pas du réalisme, c'était de la peur et de l'émerveillement. C'est-à-dire de la fascination. Et c'est pour ça que, en le lisant, même si on sait que ça va faire peur, on est quand même un petit titillé, genre allez, j'ai pas envie de savoir, mais je veux savoir quand même, comme les personnages qui devraient partir direct alors qu'ils partent pas. Et nous, on est un peu pareil en lisant. Et c'est catégorie de fascination qui est super bien retranscrite. Pour être un peu pompeux, ces catégories de peur et de fascination, et ben en fait, c'est un petit peu ce qu'on ressent dans ce que Emmanuel Kant décrit dans Le Sublime. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose qu'il cherche en fait à décrire. Et enfin, on le voit quand il fait ses descriptions d'architecture, etc. Et avec ses tailles immenses, etc. Il essaie d'atteindre quelque chose de beau et en même temps qui nous fait peur par sa grandeur, en fait. Ouais, mais c'est ça. Et c'est ça qu'il cherche. Pour revenir un peu sur Le Sublime. Ouais, contrairement au Kant, il n'y a pas une idée d'utilité dans la beauté aussi. Non, justement, dans la beauté, mais pas dans Le Sublime. Le Sublime, justement, c'est ça, pas c'est la beauté. Plus dans la beauté. Bah si, il y a quand même il y a une, bon, on va pas faire une émission sur Kant, mais bref. En tout cas le sublime, c'est ce qui dépasse véritablement toute notre faculté d'appréhender les choses. Chez Kant, c'est vraiment ça. Le beau, c'est ce qu'on peut se représenter. Par contre, le sublime, en gros, bah oui, je vais reprendre l'exemple de la cathédrale Saint-Pierre de Rome. Quand on est loin, on trouve ça beau parce qu'on arrive à la totaliser. Quand on est au pied, on trouve ça sublime parce que ça nous dépasse complètement et ça nous terrifie. Donc le sublime, il y a ce côté-là. Et d'accord, chez Lovecraft, on est clairement dans le sublime. Il y a ce truc, et du coup, c'est innommable. On peut pas le dire, on peut pas le totaliser, en fait. Merci, Jamy. Et de rien, ça fait toujours plaisir. Comme quoi, on appréciait plus Lovecraft quand on a lu Kant. Exactement, c'est ça que je veux dire. Il faut commencer par Kant. On devrait faire tous les livres de Lovecraft avec des préfaces de Kant. Ça aurait été grave stylé. Mais d'ailleurs, Welbeck, il dit qu'ils ont une proximité. Ouais. Il dit que Kant et Lovecraft ont une proximité dans leur goût des sucreries et des goûts de la vie. Oui, super. Parce que Lovecraft ne mangeait que des glaces à la vanille. Pas que. Il n'avait pas d'argent. Pas que. Bah quasiment aussi. Non, c'est un mythe qu'on colporte sur lui. Laisse Stamo imaginer qu'il est comme Lovecraft. Oui, mais c'est pas vrai. J'ai le mont Kebab, il a le mont Agendas. On est pareil. Et j'écris aussi bien. On peut maintenant passer à la troisième partie. Mais avant ça, on va pas faire ça comme ça. On a une petite chronique de Ali Finkielkraut. Ça faisait très longtemps. Après le pont des Arts, en arrivant au quartier Saint-Germain, on passe un petit porche qui mène à la rue de l'Aigrette. À l'écart de l'éclat festif des grands axes, une petite ruelle sombre et sans nom conduit à une impasse. Là, cachée par la luxuriance d'une végétation qui a repris ses droits, se trouve une petite porte au bois vermoulu, ornée d'un frontispice où l'on peut encore lire cette inscription énigmatique « Académie 16 francs ». Derrière ce passage cadenassé par le temps, se trouve la tour d'ivoire du professeur fou Ali Al Finkielkraut, grand mage noir tentaculaire des anti-langages vernaculaires, haut protecteur des manières crépusculaires de grand-père et premier turiféraire de la langue de Molière. C'est le créateur du Necronomicon, Une sorte d'annuaire téléphonique pour les vieilles goules en son genre, dont le fameux Jean d'Or, mais son avis au Figaro nous intéresse toujours. Ou encore le célèbre Michel, on ferait bien de la fermer parfois quand on se prend pour l'intempestie de service, mais qu'on en fait la une du point toutes les deux semaines. Mais aussi Olivier Gisbert-Bien qu'il te l'a mis au fond depuis le temps que tu lui réclames. Mais que fait notre vénérable Ali dans son costume de vieille dentelle ? Dans ce terrier où l'on aperçoit pêle-mêle, entre deux fioles d'arsenic, les inavouables œuvres complètes d'Ibra TV et les huit tomes de la Pléiade Alain Soral. Que murmure-t-il donc entre les ombres ? Pfnglum, clanaftagn, ô grands anciens ! Qui ne sent pas la déliquescence de notre société ? Qui ne voit pas la dégénérescence des arts, des lettres et des mœurs ? Après l'énième retour du Big Testy, la multiplication des sauces aux noms exotiques dans les kebabs frites, avec des portions de plus en plus petites, des tranches de poisson sur les sushis qui de jour en jour s'amenuisent, les Porsche Cayenne qu'on stigmatise dans Paris, le goût du lucre et de l'onanisme plébiscité par le selfie, que dire du tout nouvel onglet Big Black Cock dans l'application Pornhub ? Toute cette engeance consumériste se gargarisant d'un signe de ralliement en effectuant un dab si tendancieux, tête baissée, qui fait semblant de ne rien y voir, mais main haute, hein, comme pour proclamer l'avènement de cette nouvelle race. Ô grands anciens, ancêtres bienveillants, gardiens de nos valeurs et de notre morale, vous seuls pouvez nous aider à contrer l'abattardissement de cette génération black jambon beurre. Inspirez nos discours, notre politique et notre stratégie. À moi, Jirakrat Ali, Yom Ratat, celui qui murmurait à l'oreille des mille chevreaux présidentiels. À moi, Christophe Barbier au large anus, père de multiples éons d'édito non éhontés. À moi, Édouard Philippe Pétain, Cthulhu Erail. À moi, Colonel Rayel, debout la France. À moi, Charles Martel et Dupont Nyan Nyan. Allez, la Francisque, Serge Ayoub et Serge Dassault, les manias paramilitaires et les parias du Poitou, que s'ouvrent les yeux d'osphère céleste. À moi, les Gaulois, les Gaullistes, les Goliots, écoutez mon incantation. Pour un discours pathétique qui passe pour véridique, faites comme Macron le vainqueur, parlez-leur avec le cœur. Un petit retour au Christ fait bouillir ces putes d'anarchistes. Et pour un peu plus de chance, faites des cadeaux à la finance. Non, on va en faire plein. Niquez ces emmerdeurs qui passent leur vie à footlocker et écoute du PNL. Faites baisser les APL. Quand on fait pas assez de fric avec une politique classique, le mieux c'est de les enculer en devenant un financier. Ah oui François, tu rendras jamais l'argent. Un bon placement islamique se fait sauter en place publique. Ça ne coûte rien à personne, les milliards de cette grosse pomme. Pour un peu de bonne conscience, dans l'égalité des chances, faites confiance aux hommes en bleu pour tuer un chinois ou deux. Ah bah tout le monde s'en fiche. Accueillir des réfugiés, c'est pas dans notre projet. Pour un vol charter au top, direction le futuroscope. Le pudding à l'ammoniaque, c'est la recette des réacs. Pour continuer à marteler qu'il faut niquer comme à Poitiers les Arabes. Que dans ton cœur, il change les rêves en cauchemar, il détruit tout. On passe maintenant à la l'ultime partie du podcast, la partie qui fait le plus peur, parce que c'est qu'on a la révélation finale sur le fait qu'on aime bien Lovecraft ou pas. Sur le fait de, j'ai pas mon conducteur. Influence et continuation. Influence et continuation. On va commencer par la continuation et les adaptations. Voilà, ce que Lovecraft, il est mort en 1937 d'un cancer du cul. Ah bon, on non, peut le dire. Non, des intestins, mais les intestins, c'est quand même un peu le cul. Genre, c'est quelque chose. À 46 ans, c'est jeune quand même. Ouais, c'est vrai, il est mort en 1937, ce pauvre homme. Et du coup, malgré. Alors, on peut le dire, de son vivant, il n'a jamais été édité en livre. Il a jamais seulement... connu la gloire d'Hitler. Et ouais, pour lui, c'est un drame. Ouais, pour lui, il a. Franchement, aujourd'hui, il se ferait à balle de bif, mais de ouf, quoi. Ouais, mais du coup, il a été publié dans Weird Tales, un magazine de pulp qui coûtait 25 centimes et qui publiait que des histoires un peu cheloues. Oui, de science-fiction Et son prix hein. Et il a été seulement édité en livre à partir dans un recueil aussi je crois avec d'autres nouvelles. Ouais mais bon jamais de livre de Lovecraft quoi. Jamais de lui même. Et il a été publié du coup à titre posthume par ses potes notamment Auguste Derleff qui a fondé Arkham House. Ça on va en parler. Seulement pour publier l'œuvre de Lovecraft. Du coup, cet homme qui a passé sa vie à faire des nouvelles pour être payé 200 balles et jamais revoir le succès. Et même parfois écrire pour d'autres gens. Oui, notamment. Oui, notamment, il a été nègre. pour lui, c'est quand même un comble. C'est quand même un comble. L'homme le plus raciste du monde a été un nègre. Et ouais. Et il s'est marié à une juive. Comme quoi, il a même pas réussi son racisme. Bravo. Bravo, Howard. Du coup, ce type qui est mort. Il pourrait avoir une award pour ça. Ce Howard. Ah oui. Ce type. Howard et Howard, c'est sympa. Oh my god. Et ce type qui aimait beaucoup le son s'appelait Philippe, comme Philips. Voilà, on a fait tout ce qu'on pouvait faire avec ce nom. C'est nul. Du coup, ce type qui n'a pas connu la gloire a pourtant inspiré beaucoup la pop culture. Et beaucoup ont voulu l'adapter. Exemple, vous me dites. Super les lancements. Bah, on parlait de Derleff. Moi, j'ai vu des films de merde, monsieur. Moi, j'ai souffert pendant cette préparation. Comme quoi, par exemple. Non, mais on va déjà parler effectivement de la continuation avec Derleff qui a commencé. Il casse nos transitions. C'est clair. Mais non, mais excuse-moi, mais avant. Sans transition. Avant de parler des films, etc., qui ont été influencés, même au niveau littéraire, il a influencé effectivement plein de gens qui ont essayé de le copier. On doit parler des adaptations directes avant de l'influence, donc tu fermes ta gueule. La continuation du mythe. Donc c'est vrai qu'il y a des auteurs qui continuent le mythe de Cthulhu. Ouais. Mais même de son vivant, en fait, parce que, vu qu'on l'a dit, il a écrit 100 000 lettres, il parlait à beaucoup d'auteurs, notamment Robert Howard, le mec qui a inventé Conan. Conan, qui s'est suicidé. Oui, après, et Lovecraft était la veille de la mort de sa mère. D'accord. Eh bien, merci. Du coup, il était dès l'époque. Clark Ashton Smith aussi. Qui voilà, aussi camarade, Robert Bloch et compagnie. Michel vraiment... Meichten. Exactement. Adolf Hitler. Une sorte de bloc vachement gros d'auteur. Qui... Un sacré bloc de l'Est. ça y est. Alexis est décédé. Ça y est, on a bu. Une sorte de cercle en fait d'auteurs qui correspondaient par lettres et qui dès le vision de Lovecraft s'échangeaient des trucs, réécrivaient leurs machins et tout. Du coup c'est très précis. Ah bah c'est indicible donc on peut pas trop dire. Des cercles qui s'échangeaient des machins et des trucs. On peut le dire du coup Lovecraft c'est un auteur vachement chelou parce que les gens non mais les gens s'échangeaient des trucs. Non mais et ça c'était pas piqué des hannetons parce que les machins étaient quand même des choses. Aujourd'hui quand tu cherches du Lovecraft en librairie, tu tombes sur pas mal de trucs inspirés de Lovecraft et il y a le nom de Lovecraft en gros et puis mais le nom de l'auteur en tout petit par Michel Houellebecq quoi. Non, pas du tout. Mais par exemple, Derleff, par exemple, qui a jamais écrit avec Lovecraft, a prétendu avoir écrit des nouvelles avec lui. Et souvent, on trouve dans l'édition Pocket, par exemple, des trucs de Lovecraft et Derleff avec des nouvelles en fait qui sont que de Derleff. Bah comme Berger, Albert Michel. Mais Berger prétend avoir l'avoir rencontré, avoir mais correspondu pas avoir écrit, avec lui. Mais là, vous parlez trop de choses qui sont différentes. Bah oui. Juste pour dire que Lovecraft, on a dit tout à l'heure, le mythe de Cthulhu, il l'a jamais fait. C'était incohérent. Il parlait de petits noms, Choubnigorath, compagnie, parce que c'était rigolo. Mais c'est pas super cohérent. Et c'est après sa mort que des mecs se sont dit ok on va continuer le mythe. C'est Derleff qui a inventé le nom de mythe de Cthulhu. Voilà, c'est Derleff. C'est lui qui a inventé alors que lui. Après la mort de Lovecraft, il a dit bah moi je vais continuer. Et c'est Lovecraft, c'est le seul auteur. On se dit tiens je vais continuer ce qu'il a fait. Proust on dit pas je vais continuer le Swan. Zola on dit pas je vais continuer les Rougon Macquart. C'est vraiment Astérix. Ouais, t'es vraiment sûr de ça. Mais en littérature. Non, en littérature c'est rare. C'est l'un des seuls mecs de qui on continue l'œuvre. Oui, pardon, ça tient quand même au fait que ça soit des nouvelles qui sont publiées et qu'au fur et à mesure, il a construit sa popularité et qu'il a correspondu tout de suite avec des lecteurs. Et que du coup, les gars lui posaient des questions, comment on fait pour écrire des nouvelles fantastiques, moi aussi je veux le faire et tout. Et que ça faisait partie de sa vie intellectuelle de créer c'est un espèce de truc. Est-ce que c'est parce qu'on a aujourd'hui des traces de ça que c'est le seul, tu vois? Qui a écrit du Zola après lui? Personne. Et Lovecraft, on a voulu faire du Lovecraft après lui. C'est pas parce que tu n'as pas pas de preuves et pas de textes que ça n'a pas existé, tu vois. Bah, non, peut-être non, que Poe, okay, bah, peut-être super que Poe, super le conspirationniste, c'est pas parce qu'on a mais pas non, de preuves que ça n'a pas existé. Peut-être que Poe, il y a plein de gens qui ont écrit ça, mais que ça n'a pas été publié. Peut-être que la Terre est plate. Alors Poe, il y a pas, tu peux être inspiré par Poe, écrire des trucs à la manière de Poe et compagnie, mais tu peux pas. Enfin, tu reprends pas un mythe parce qu'il y a pas vraiment Harry Potter, les fanfictions, etc. Ah, qu'est-ce les que c'est? Non, c'est pas exactement la même chose parce que quand même, enfin. Je suis d'accord, il y a quand même une similitude. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que l'époque de Lovecraft et le milieu dans lequel il était, c'est-à-dire de celui des lettres et tout, les mecs qui échangeaient vachement, ils écrivaient vachement et tout, peut ressembler effectivement à aujourd'hui, grâce à Internet, à les fanfictions qu'on peut faire. C'est vrai, d'une certaine manière, c'était son réseau social à lui. C'est-à-dire les mecs qui correspondaient via les magazines et tout, mais et via les lettres. Mais donc là, il y a peut-être une mais c'est le premier auteur littéraire entre guillemets de qui on a continué l'œuvre. C'est tout. Bah parce qu'on a des traces. Non mais. Mais tu nous fatigues. Bah non mais c'est vrai. Négationniste comme ça. Négationniste. Hitler. Historique. Bon. Peut-être qu'on a des traces de peau ou je sais pas quoi. Non mais ce qui est important c'est que là particulièrement ça a donné une nouvelle dimension à son œuvre. Avant il n'était pas connu. Ça c'est sûr. Et tout d'un coup c'est quand même Derleth et ses continuateurs qui l'ont fait connaître au grand public en installant un mythe autour. Et surtout ils ont continué les anciens, ils ont parlé de tout, ils ont parlé de tout ça, ils ont rajouté des anciens. Maintenant il y a 100 anciens, il y en a 10 qui ont été faits par Lovecraft et 90 par les autres connards. Et surtout, il faut rappeler que Lovecraft n'a pas gagné une thune avec ses écrits, quoi. Tu vois, que lui, de son vivant, a publié plein. Et qui refusait même plein de nouvelles. En tant que gentleman puritain, il voulait pas trop parler d'argent. Du coup, il voulait pas gagner de la thune avec la littérature. Ouais, il refusait de s'adapter et d'adapter certaines de ses nouvelles pour pas être publié. Oui et non. Au sens où, pour lui, le seul métier en même temps honorable, c'était d'être écrivain, tu vois. Oui, mais il a pu refuser. Ouais, il avait pas de gagner d'argent. Parce que c'est un puritain. Il fallait faire de l'art pour la beauté de l'art. Je pense qu'il aurait gagné des thunes avec ce roman, il n'aurait pas été con, tu vois. C'est plus une question plus journalistique, à mon avis. S'il n'avait pas dû transiger avec son style, il l'aurait fait. Mais comme il a dû forcément le faire, puisque les gens attendaient de l'action, etc. Et lui, je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'en a pas parlé dans le style, mais il n'y a quasiment jamais d'action mais au sens de bataille et tout. Moi, il ne se passe pas grand-chose. Ouais. On en parlera quand je parlerai du jeu de rôle. Ok. Et donc, en tout cas, moi, je pense que cette continuation du mythe de Lovecraft, je trouve qu'elle nique un peu le game, en fait. Parce que. Ce qui est plaisant chez Lovecraft, c'est précisément qu'on sache pas trop qui sont les anciens. Hyper d'accord avec ça. Ouais, et le problème, c'est que par exemple, c'est pour ça que Les Montagnes Hallucinées est une nouvelle particulièrement chiante. Parce que ça marche pas avec ce qu'il dit. Oui, mais si, un des intérêts principaux de Lovecraft, c'est justement que tu ne sais pas. Je trouve que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand tu sais, ça te gâche une partie. Justement, pour Lovecraft, c'est pas un mythe de Cthulhu, c'est une esthétique seulement. Ouais. C'est, il y a des noms chelous, mais il y a un truc bizarre, c'est cool. Je trouve que dès qu'il rentre dans la description du mythe, et du coup, c'est encore plus renforcé par le fait que les autres alimentent ce mythe. Bah, avec les autres, Cthulhu. Énormément de l'intérêt, parce que ce qui est intéressant, c'est le fait de ne pas savoir, c'est le fait de se dire, notre place dans l'univers, c'est celle de quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est horrible parce qu'avec le mythe, Cthulhu, ça devient le petit-fils de machin, demi-frère de machin, le grand-oncle de truc, on dirait Dallas. Donc ça devient nul. Le meilleur exemple de ça, c'est le Necronomicon. Ouais, que Lovecraft n'a jamais écrit, mais aujourd'hui tu peux acheter le Necronomicon. Tu peux acheter Rashdon, il est disponible. Charles, on t'embrasse, il a un Necronomicon chez lui. Et je trouve ça nul à chier. Alors à quel moment Il y a un Necronomicon qui vaut le coup, moi, à mon sens. Simon. Non, c'est celui de Hergiger. Parce que lui, il est arrivé, il avait dit. Necronomicon Bendit. Il a dit, c'est The qui. Donc de H.R. Giger, c'est le créateur d'Alien, il a dit, il a posé son truc en disant, c'est son premier truc qu'il a fait connaître, et c'est ça qui a fait que Ridley Scott s'est intéressé à lui pour Alien, entre autres, c'est qu'il a vu The Giger Necronomicon, et c'était effectivement que des illustrations, en fait, c'est pas des illustrations directement tirées de Lovecraft, mais c'est ses illustrations à lui, mais il dit juste qu'il est dans l'univers de Lovecraft, et franchement c'est assez bien. Ouais, mais il reprend le nom du coup, c'est pas une volonté de combler une sorte de manque chez Lovecraft. Ouais. C'est ça que je trouve assez dommage avec les continuations et compagnie, c'est qu'il y a une vraie volonté de combler des manques, alors que les manques font un peu le sel de l'œuvre. Moi je pense que ça dépend dans quel sens. Est-ce que c'est pas le propre place, de l'homme de combler des manques? Sinon. C'est vrai. Moi, je trouve que ça dépend dans quel sens ça se place. Il a parlé de ta mère. Genre, effectivement, il a raison. Les écrivains qui écrivent ça, effectivement, ils détruisent un petit peu de l'œuvre de Lovecraft, sa mythologie. Mais sauf que à cette époque-là, quand ils l'ont fait, c'était pas dans cette volonté-là. Ils pensaient bien faire. Bien sûr. Ah oui, non, mais d'accord. Et ça a été fait du vivant de Lovecraft, en plus. Mais il n'empêche que aujourd'hui, les rôlistes qui construisent pour leur jeu de rôle. Parlons-en. De l'appel de Cthulhu. Les rôlistes qui construisent aujourd'hui des Necronomicon, ouais, c'est dans une volonté de jeu, etc. Et c'est pas, tu vois, c'est pas. Oui, oui. Donc justement, l'appel de Cthulhu, c'est un jeu de rôle sur table, donc avec des dés et des papiers, qui a vraiment aidé à démocratiser Lovecraft dans beaucoup de gens qui l'ont jamais lu mais qui ont joué au jeu de rôle. Et moi, je trouve ça nul parce que d'un coup, Cthulhu, bah, il a plus de dés en force et 18 en charisme, et du coup, bah, ça ne fait plus Cthulhu, c'est un adversaire. Non. Non, non, c'est pas ça. C'est un peu la même chose dans le. Je suis pas d'accord. Aurore Arkham, où les grands anciens ont des caractéristiques physiques, ont des points de vie, et je trouve que ça casse un peu du mythe. Je suis assez d'accord avec Starro. Pour y avoir joué, ça fait pas cet effet-là. Bah, parlez-en, moi j'y ai pas joué. Bon, mais tant pis. Bon, je fais vite fait le point sur le jeu de rôle. Donc, l'appel de Cthulhu, ça a été créé en 1981 aux États-Unis. Jusqu'en 2005, ça a été publié par Descartes en France, et après 2008, ouais, toujours là. Après, à partir de 2008, par Sans Détour. On s'en bat les couilles, ça. Albin Michel. Qui est... Mais Albin Michel. On joue en gros dans les années 1890, 1920, et ça se détache. À l'époque où ça se crée, ça se détache des jeux de rôle habituels, qui sont très Donjons et Dragons, Tolkien, etc. Même si à la base, c'était une extension de Donjons et Dragons. Qui sont très orientés action, alors qu'à l'inverse, est un système assez compliqué, alors que l'appel de Cthulhu, c'est très simple, et ça change au point de, du point de vue où c'est assez peu fixé sur l'action, et c'est très enquête, intrigue, et ça la base du truc, c'est que chaque personnage a une santé mentale et qu'on peut devenir fou. C'est la même chose dans Horror Arkham, qui est vachement intéressant. C'est bien après. Mais c'est arrivé bien après. Et l'intérêt, comme le disait J2, de l'appel de Cthulhu, c'est que, enfin, moi j'y ai joué plusieurs fois. Elle arrive quand même. Jamais tu ne rencontres les grands anciens. Ouais. Quasiment jamais. Ouais. Et donc, du coup, contrairement à ce que tu dis, Cthulhu n'a pas plus d'eux en point de vie ou quoi que ce soit. C'est plus des petites incarnations de cette mythologie. Ouais, voilà. Ouais. Tu joues dans le background de Lovecraft, mais l'humain est dans le background des grands anciens. Finalement. Oui, mais tu joues, t'affrontes pas les grands anciens. Dans le background de ta mère. T'affrontes pas les grands anciens parce que forcément ça serait inégal, tu vois. Et c'est vrai que du coup la richesse du mythe que Lovecraft a créé permet à un jeu comme ce jeu-là, de Call of Cthulhu. Est-ce que dans l'appel de Cthulhu tu pioches? Oui, d'accord. Et pour vous dire à quel point l'appel de Cthulhu. Est-ce que dans la pioche de Cthulhu tu pelles? Pour vous dire à quel point l'appel de Cthulhu, enfin, et d'ailleurs Lovecraft est devenu un monument classique. Sans Détour a édité en 2016 la 7e édition de son jeu de rôle. Non, mais c'est important. C'est vrai que c'est important. Et ils ont fait. Attends, c'est pas la 37e édition. Non, la 7e édition. Non, c'est la 37e. En France, c'est la 7e. On s'en bat les couilles. Et ils ont fait un crowdfunding sur Ulule. Ils ont obtenu 400 000 euros. Ce qui est le plus grand apport crowdfunding en Europe. Après la fucking kermesse. Non, mais c'est pour vous dire à quel point Lovecraft aujourd'hui pèse. 400 000 Ouais, 400 000 euros pour 400 000 pour un jeu de rôle sur Lovecraft. 400 000 Non, mais qui moi, dit plus 3995 et Lovecraft est aujourd'hui du coup devenu presque un. On parlait au début de son aspect soit science-fiction, soit fantasy, etc. Et aujourd'hui c'est un auteur classique, quoi. Mais après. Et autre anecdote que j'ai apportée là-dessus, peut-être qu'on enchaînera, je sais pas. Mais moi j'ai fait mes études, cerveau, machin, vois encore. En sciences politiques à la Cato à Angers, donc une université plutôt catholique traditionnelle. Et pourtant, l'Institut de musicologie a fait en 2015 et 2014, je crois, ces deux exercices de fin d'année, enfin voilà, bref, sur écrire une composition sur Lovecraft. Et du coup, ils ont illustré deux fois le JDR, l'appel de Cthulhu, en faisant des musiques instrumentales sur le Cthulhu et Lovecraft. Et je trouve que ça prouve à quel point aujourd'hui l'université catholique est donc. À mon avis, des milieux un peu plus traditionnalistes s'ouvrent à Lovecraft. Et pour dire qu'il est prégnant dans la pop culture. Ouais, voilà, après, c'est ça. Et qu'aujourd'hui, on peut adapter Lovecraft comme on adapte Zola et quoi. On n'a pas parlé beaucoup des adaptations. Après, je voulais juste dire un truc avant qu'on parle d'adaptation avec Zassa, qui a l'air très enjoué. Pourquoi il y a autant de continuateurs du mythe et pourquoi il y a un JDR et pourquoi moi-même j'ai envie de jouer au JDR alors que je dis que c'est de la merde? Parce que Lovecraft, c'est le meilleur jeu de rôle. Non, mais j'ai dit c'est de la merde de donner plus de Cthulhu et tout. Malgré tout, vu qu'on a parlé des manques chez Lovecraft et de la fascination, une fois que tu le feras, t'as envie de savoir plus et d'en faire plus. Pour ça qu'il a autant imprégné la pop culture et qu'il y a autant d'adaptations. Ça laisse une liberté au maître du jeu L'univers de Cthulhu laisse une liberté de maître du jeu qui est incroyable. Parce que tu peux rentrer dans le grotesque, tu peux rentrer dans le comique, tu peux rentrer dans tout et n'importe quoi. Moi j'ai fait des parties où c'était très très comique, il y avait un hippopotame volant et ça, c'était cohérent avec l'univers de Lovecraft et pourtant. Ouais, donc c'est juste pour dire ça que l'œuvre de Lovecraft appelle elle-même des consommateurs et des adaptations. Des adaptations dont Zaza va nous parler maintenant par rapport à des films qu'il a vus et qui étaient nuls. Non mais c'est important de rentabiliser la préparation parce qu'on parle pas assez, on parle pas assez de la préparation. De la souffrance et indicible de l'AFK. Oui, c'est ça. Exactement. Parce que c'est vrai que parfois on mate des œuvres qui sont assez merdiques et dont on ne peut pas parler parce qu'elles n'ont rien d'intéressant à apporter. Mais du coup, moi, je profite de ce créneau et de cette fenêtre pour parler de l'adaptation c'est de Dagon, un film sorti en 2001. Qui adapte l'œuvre de la nouvelle de Lovecraft du même nom. C'est un tueur. Est-ce que c'est une gageure ou c'est pas une gageure? Ce qui est piégeux, c'est que Dagon adapte la nouvelle Le Cauchemar d'Innsmouth. Ah, c'est malin. Et c'est piégeux. Et donc elle première l'adapte subtilité. De façon assez littérale, mais de façon assez ridicule aussi. Et je trouve que c'est intéressant dans la représentation de Lovecraft quand même, parce que ça montre à quel point le style de Lovecraft et surtout cette partie indicible qui est vraiment adaptée par cette partie adjectivale où on nous explique en long et en large que c'est impossible de se représenter. Quand on est dans une représentation littérale cinématographique, comme dans ce film Dagon, C'est de la merde. Et bah, c'est de la merde. C'est de la merde parce que finalement, ce qui est intéressant chez Lovecraft, c'est le fait qu'on ne puisse pas se représenter les choses et le fait qu'on est en train de susciter notre imaginaire. Et finalement, quand on a une représentation physique des choses avec une interprétation du réalisateur de ces choses qu'on ne peut pas se représenter normalement, eh bien c'est merdique. C'est comme si vous voyez nos têtes dans l'AFK. Là, vous dites oh, Zaza, il est super beau, un peu ténébreux et tout ça. Et là, si vous avez raison. Si vous le voyez en vrai, vous seriez déçu. Et c'est pareil pour Lovecraft. Ou alors il faudrait des très bons réalisateurs pour faire ces films-là avec un vrai pouvoir. Il faudrait dire pour filmer Zaza. Il faudrait des réalisateurs qui ne nous montrent pas les choses. Voilà. Et c'est là où Dagon se perd. Et c'est là où Carpenter arrive à donner quelque chose. On va en parler peut-être après. Moi, dans l'inspiration, pas l'adaptation. Je pense que c'est peut-être l'apanage des grands auteurs, c'est-à-dire des gens qui sont en même temps inadaptables et en même temps qui produisent malgré eux ou par influence des choses qui sont de leur inspiration, mais une adaptation littérale, comme tu dis, dans Dagon, c'est un échec. Ça ne marche pas. Mais ça, c'est les grands auteurs. Ça ne marche pas. Si t'es un grand auteur en littérature, c'est difficile de t'adapter. Tolkien. Zola, ça va. Tolkien, ça marche. Tu fais des pauvres qu'on le seum et qui sont pauvres. Tolkien, parce qu'il faut le budget, etc. Tu vois. Comme on le disait, Lovecraft, c'est assez dur à adapter. Et pourtant, beaucoup de gens ont essayé. Notamment dans les années 90, des mecs qui faisaient des jeux vidéo sur Atari et sur Amstrad et compagnie. Il y a eu énormément de jeux d'aventure de Lovecraft. Je sais pas si vous avez déjà joué à ça, mais je pense pas, parce que c'est vieux et qu'on était pas nés. À part JDD. À part moi. Ouais, t'as joué à ça dans les taxiphones ou pas? J'ai joué à Alone in the Dark, mon pote. Non, bon, mais juste, bien alors, après qu'il soit sorti. Mais... Juste avant Alone in the Dark, il y a eu genre 2-3 jeux adaptés directement de Cthulhu, c'est pour ça qu'on en parle maintenant et pas plus tard pour les inspirations de jeux, comme Alone in the Dark. Mais les adaptations directes, c'était des jeux d'aventure, du coup des point and click. Vous voyez ce que c'est, genre Monkey Island et compagnie. Oui. Et en gros. Le meilleur des genres. Pourquoi ils ont voulu adapter Lovecraft? Parce que c'est une licence pas chère dans le domaine public, du coup c'est facile, c'est gratuit. C'est tombé totalement dans le domaine public. Oui, maintenant on trouve gratuitement ces nouvelles. Ouais. Aussi, le point et clic, c'est une action figée. C'est-à-dire que même si on reste face au monstre pendant des heures, il se passera rien parce qu'on doit cliquer sur. Comme dans une nouvelle de Lovecraft. Exactement. Ouais, mais c'est des vrais jeux d'investigation. C'est pour ça que Lovecraft. Ça permet de retranscrire du coup les actions des persos. C'est un tacle bas quoi. Mais après, le seul souci, c'est que même s'il y a l'inaction des persos et l'envie de trouver les énigmes et la vérité dans le jeu d'aventure, c'est une récompense. Ah, on a compris ce qui se passait parce qu'on a fini le jeu. Alors que dans Lovecraft, la vérité, c'est jamais une récompense. C'est plus le début de la folie. C'est une punition. Du coup, c'est pour ça que même les adaptations en point et clic qui pourraient être un genre qui marche, elles marchent pas parce que le rapport à la vérité, il est pas le même que dans une nouvelle de Lovecraft. Donc finalement, le genre qui pourrait le mieux adapter Lovecraft, il arrive même pas à l'adapter lui-même, comme vous disiez juste avant pour les films. D'accord. Et du coup, c'est assez malin d'avoir dit ça de ma part. Merci. Ouais, tout à fait. Merci moi. Merci. Peut-être que donc du coup les adaptations ne marchent pas, donc il faut des inspirations. Et c'est pour ça qu'on va parler avant d'inspiration d'un genre musical, le métal. Inspiré peut-être un peu trop par Lovecraft. Qu'est-ce que le métal? Exactement. C'est un acier très dur. Ça, c'est la chanson de Black Sabbath, Beyond the Wall of Sleep, dans le premier album de Black Sabbath. Ouais, autant dire 70. L'album qui invente le métal, quelque part. Parce qu'avant, il n'y en a pas vraiment. Du coup, c'est-à-dire que dès la création du métal, il y a du Lovecraft. Pourquoi? Pourquoi Steven? Pourquoi? Alors, bah, je pense qu'il y a, une influence directe parce que le métal récupère vraiment une sorte d'occultisme qui est présent chez Lovecraft, le culte de Cthulhu et compagnie, sans... Tu bois? Oui, je bois. Sans récupérer... Enfin, c'est pour des groupes surtout qui récupèrent pas trop le satanisme. Voilà, parce qu'en fait, il y a plein de groupes de métal qui sont satanistes. Satanistes. Satanistes. Et ceux qui le sont pas... Et bah, ils peuvent faire des trucs malsains et chelous en utilisant Lovecraft, ouais, sans parler de Satan. C'est très souvent les groupes qui ne versent pas dans le satanisme qui utilisent Lovecraft, tandis que les autres l'utilisent beaucoup moins. Bah oui, mais Metallica. Metallica sont pas vraiment on satanistes. On va parler justement comme ouais. Metallica. Ouais, comme Metallica, comme Cradle of Filth aussi, qui récupèrent beaucoup moins de satanisme que d'autres vrais groupes, récupèrent d'autres vrais groupes. Énormément de Lovecraft. C'est pas le cas, par exemple, de Dimmu Borgir ou Gorgoroth, pas vraiment. Ou compagnie, ou Burzum, qui eux, vu qu'ils aiment Satan, pas besoin de Cthulhu. Voilà. Et est-ce que ça permet pas aussi d'avoir des paroles, en fait, assez rapidement, en reprenant des trucs un peu de Lovecraft, des titres, etc. Comme, oui, comme il y a tout de suite un univers, etc., on peut mettre des paroles sur de la musique assez facilement, quoi. Ouais, oui, il y a ça aussi. Après, il y a aussi une autre tendance dans le métal, c'est que. Ils sont inspirés par tous les trucs d'horreur du 19e, du 20e. Du coup, Lovecraft en fait partie, simplement. C'est une référence horrifique parmi d'autres pour ouais. parler d'horreur. Il y a le premier album d'Iron Maiden, je crois, où il y a carrément une phrase de Lovecraft. C'est l'album, où c'est au moins le 10e ou 11e. Ah bon donc, c'est le premier. Non. C'est Live After Death, en 1914. Et du coup, le métal récupère vraiment beaucoup plus l'aspect démoniaque des créatures de Lovecraft et récupère pas vraiment la question des extraterrestres et de tout ce qui pourrait faire penser en fait à de la SF. Ça récupère plutôt l'occultisme et l'ésotérisme qu'une explication que rationnelle. De la SF, hein. Ouais. Donc voilà, on a vraiment toute cette influence qui marque vraiment le métal. On voulait juste en parler et diffuser quelques extraits, mais il y a des centaines de titres et même il y a même beaucoup trop de groupes qui font que du Lovecraft en métal. C'est comme assez hallucinant. The Great Old Ones, un groupe de black metal français. T'as un groupe qui s'appelle le Ticket from Innsmouth, je sais pas quoi. T'as Shub-Niggurath en Australie et compagnie. Ouais, ils font exclusivement du Lovecraft. T'as énormément de groupes qui font soit des albums, soit que du Lovecraft en métal. Est-ce que t'as des extraits de groupes qui sont inspirés de Lovecraft, par exemple? Ouais, j'ai un groupe qui est plutôt pas mal et que je vous fais écouter de suite. On dirait du Rammstein. Franchement, on dirait du Rammstein. Est-ce que vous avez reconnu le groupe? Du tout. Vous n'avez pensé à rien du tout? Ah, ça fait penser à Rammstein. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est Vision Bleak. Et pas du tout Rammstein. Mais bah c'est vrai oui. Que moi, je pensais que ça allait dire « C'est Rammstein! C'est Rammstein !» Et en fait, c'était pas Rammstein, du coup, moi, ça aurait été marrant. Je dis rien, moi. Le mec, il est fini. Zaza est au-delà du mur du sommeil. Tu vois, mais du coup, c'est un groupe... ça, c'est la chanson « Rlie », c'est ça? Erlai! Non, celle-là, c'est... Je ne sais plus. C'est pas grave, c'est une chanson, ils ont fait un album sur Lovecraft. C'est un album qui s'appelle Horror of Antarctica. Et le héros de l'album. Ah non, le titre de la chanson c'est ça, et l'album c'est Carpathian ou un truc comme ça. C'est marrant parce qu'il mêle un peu différents trucs. Du Lovecraft et du Dracula. Voilà. Le héros se rend dans la forêt des Carpates, et en fait il apprend que il est lié au culte de Cthulhu. Et il apprend même à la fin que c'est le fils de Cthulhu. Voilà. Ah, mauvaise wow. ambiance. Donc tout l'album. Ça, c'est le risque des naissances in vitro. C'est pas qu'il a mis son sperme. Ça peut être Cthulhu, ça peut être quelqu'un d'autre. Mauvaise blague. Il a mis son sperme. Dans un truc bien connu, forcément d'un peu tout le monde, effectivement, quand on pense à une musique qui évoquerait Lovecraft, on pense à Metallica, comme tu disais. Justement, on pense à Call of Cthulhu de Metallica. Qui est intéressant parce que plutôt que d'adapter Lovecraft, vous prendre le mais mythe, même Ride the Lightning, il y a des paroles. C'est une instru et ils font de l'ekphrasis. C'est un mot grec. Qu'est-ce que ça veut dire, Steven? Alors, l'ekphrasis, c'est un procédé artistique. C'est quand on essaie de transcrire une œuvre d'art dans un autre art. Par exemple, vous faites la description d'un tableau dans une œuvre. Et ben, c'est l'ekphrasis parce que vous passez d'un art à un art. Ekphrasis. Et Metallica dans Call of Cthulhu, c'est ce qu'ils font exactement. Parce qu'on a mis un extrait de Call of Cthulhu dans l'axe 2, je crois, dans le jingle. Et là, on va mettre un autre extrait de la fin de la chanson. qui clairement a rien à voir parce que ils essaient de retranscrire la montée progressive de la nouvelle avec au début il y a Cthulhu un peu malsain et à la fin il y a le boum boum boum de Cthulhu qui arrive et du coup ils ont vraiment voulu retranscrire l'effet de sensation. Voilà. On a déjà entendu les rites du début dans le jingle de l'Axe 2 qui était un peu plus angoissant. Là, c'est le côté vachement épique où Cthulhu est là et se dévoile. Et je trouve ça vraiment cool qu'il y ait une ekphrasis dans le métal qui veut le retranscrire à Lovecraft plutôt que juste un thème parmi d'autres. Ouais. Et il y a un genre qui n'est pas vraiment du métal, mais une sorte de musique Lovecraft avec plein de groupes genre Nox Arcana, Arkham Inmate, qui ont fait des chansons hyper malsaines avec des incantations, des instruits hyper chelous qui sont pas du métal, mais juste des trucs d'ambiance bizarre. C'est genre presque Lovecraft a fait un genre de musique en même temps qu'un genre littéraire. Quoi. Vous avez des extraits de ça? Non. Non, parce que là c'est sur le métal. Ouais. Et c'est vrai que la et musique. Je tiens à dire que ces genres-là sont souvent issus de l'extrême droite, malheureusement. Ah bon? Ah oui. Ouais, ouais, il y a. Ouais. J'ai. Bah, pas ancien... Metallica en l'occurrence. Un ancien prof qui est. L'extrême droite? Non, qui est pas d'extrême droite, mais qui est spécialisé sur l'extrême droite et qui a beaucoup écrit sur la musique de l'extrême droite et qui a beaucoup écrit sur comment Lovecraft a influencé l'extrême droite musicale européenne. Voilà. Bah, c'est vrai que quand il on s'appelle lit... Stéphane François, si vous voulez lire. Voilà, et bah, merci à toi, Steph. Et donc, ouais, je trouve que ça, le truc de Metallica, ça marche assez bien, cette ekphrasis de Lovecraft dans la musique, parce que dans le genre indicible, la musique, c'est vraiment ce qui ne dit pas, ce qui suggère, et ce qui, comment dire, nous transmet plutôt des émotions et des trucs comme ça. Ouais, contrairement au film nul que ça a vu. Vu qu'on voit pas le monstre et qu'on écoute plus un machin, et ben ça permet de rester un peu dans l'univers Lovecraftien. Voilà, et ouais. Ça c'est cool. Mais c'est vrai que quand on entend cet extrait-là, effectivement, peut-être que c'est plus discible par la musique. Ce qu'est Cthulhu que n'importe quelle description qu'on pourrait faire. T'es pas obligé de mettre des mots dessus, c'est des sensations comme ce que la musique t'évoque, donc ouais, c'est ça, pas mais besoin de le représenter de façon littérale. Du coup c'est vraiment le Cthulhu plutôt que un passage de Satan ou un thème horrifique parmi d'autres, c'est bien quand ça veut retranscrire ce que c'est ouais. Ça finalement pour ça qu'on Lovecraft, c'est des sensations. Voilà, c'est pour ça qu'on a voulu mettre ces chroniques au milieu des adaptations et des influences, parce que quand c'est influencé dans le métal, c'est bof, mais quand ça veut adapter, finalement, là, c'est bien. Ouais, c'est ouais. De la musique. Ouais, pas mal. Ouais, ouais. Bonne idée. Mais après, ça constitue quand même le terreau d'énormément de groupes. Oui. C'est pas toujours nul. Non, c'est pas toujours nul. Et il nous reste un dernier extrait assez incroyable. On va passer, on va en parler après. C'est la bande de Pixie. Alors c'est les Vampas. Alors imaginez Didier Vampas parler de Cthulhu. Mais il parle pas vraiment de Cthulhu, parce que si on écoute bien la chanson, il dit Cthulhu tellement bien qu'on dirait qu'il dit Thibaut. Donc attention, ne répondez jamais à l'appel de Thibaut. C'est très important. Jamais à l'appel de Thibaut. C'est dans l'album Chaud, sale et humide qui est sorti en 88. Et c'est assez surprenant. Et assez nul. Assez nul, ouais, on peut le dire. Mais entendre Didier Vampas parler de Cthulhu, enfin de Thibaut, je pensais pas entendre ça et ça m'a fait très plaisir. C'est peut-être son nom. Est-ce que ça vous a plu? C'est peut-être son nom secret. C'est peut-être quoi, t'as dit? Son nom secret dans le Necronomicon. Cthulhu alias Thibaut, qui habite à Montreuil. Voilà. Maintenant qu'on a fait un petit pont pour parler du genre musical petit pont. Le plus inspiré par Lovecraft, on va pouvoir parler non pas des adaptations, mais des influences. Ce qui a été influencé par Lovecraft. Et là, Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses et que vous allez pouvoir vous lâcher. C'est le fin de la mission, c'est le point d'orgue, le moment où tout est révélé. La révélation finale. Alors, de quoi qui veut parler? De qui quoi veut parler? De qui quoi veut parler? Exactement. Alexis veut parler. Alexis veut parler avec moi. Oui, tout à fait. Je pense que Zassin sera tout à fait d'accord avec moi pour parler de Mike Mignola. Ouais. Mignola. Et son œuvre dans les comics Hellboy. Je suis désolé, j'ai le OK. parce que je sais pas si vous connaissez Hellboy. Hellboy, c'est l'histoire d'un démon, d'un qui garçon est... de l'enfer, si je ne me trompe pas. Tout à fait, qui est un démon qui est appelé sur Terre en fait, qui est le fils de Satan. Non. Et en fait, il y a au-delà de ça une histoire plus profonde qui est que il y a des espèces de dieux dans l'espace qui vivent dans des espèces de prisons, ouais, en diamant ou trucs qui gravitent dans l'espace. qui sont des espèces de carbone. C'est l'Ogdru Jahad. Voilà, qui vivent, qui sont des énormes monstruosités et dont certains hommes appellent le retour sur Terre en disant. Ça m'appelle quelque chose. Voilà. En disant Amung Unrama, qui est le dragon à 7 têtes. Voilà. Et voilà. Cette tête blonde aux yeux bleus, je crois. Et Mac Mignola est parfaitement influencé par Lovecraft. Il a d'ailleurs fait plusieurs illustrations pour des bouquins de Lovecraft. On peut distinguer l'influence vraiment en deux points différents. T'as d'un point de vue le cosmicisme dont tu parlais juste avant, donc qui est vraiment intéressant parce que comme Lovecraft, on a justement cette image des dieux. Qui, avec des enjeux qui dépassent l'humanité et avec les humains qui se font les bolos, les cobayes, ils sont bolossés par les anciens. En fait, les anciens s'expriment à travers les humains et à travers les prophètes, notamment Rasputin, qui va permettre Rasputin, the sex machine. Ah putain, c'est dur. Voilà, qui va être la sex machine des dieux de l'Ogdru Jahad. Tout à fait. Et d'un point de vue aussi esthétique. Et c'est là où tu avais envie d'apporter un petit peu plus d'éléments, peut-être, où Mac Mignola va vraiment s'inspirer d'éléments du mythe de Cthulhu. C'est vrai que, je ne sais pas si vous avez déjà vu les œuvres de Mignola, mais c'est très sombre, c'est très contrasté, ça illustre parfaitement en fait, le mythe de Lovecraft. Le dialogue entre deux mecs bourrés, c'est compliqué. Non, mais... mais non, je vous conseille d'aller voir. Et même son mythe qu'il crée dans l'univers, etc. Le Amun, Rama, c'est le peuple aux sept... Le dragon aux sept têtes. On l'a déjà dit il y a 30 secondes. Hein. C'est bien que tu sois ivre. Oui, tout à fait. C'est clairement ce que nous, on représente un peu des mythes de Cthulhu, enfin moi je le vois comme ça en tout cas. Comme un dragon à sept têtes du coup, t'as mal lu le frappe. Non mais d'accord, il reprend toute la dimension incantation et dieu qui sont et cosmicisme, l'importance de ces êtres qui avec la représentation de l'univers. Tu disais qu'il y avait autre chose, il y avait une autre influence, c'était quoi? C'était l'influence visuelle du coup, c'est ça? Esthétique. Ah oui, esthétique. D'accord, ok. On a le côté très noir, fantastique. C'est marrant parce que vu qu'ils sont libres, on doit un peu retranscrire ce qu'ils disent comme Lovecraft. Ils parlent de contraste et c'est vachement important je pense parce qu'il y a énormément d'éléments qui sont justement représentés. C'est vrai que Lovecraft c'est imprimé en noir et blanc. Ils sont représentés justement dans l'espace par rapport à ce mythe-là et donc des éléments qui sont suggérés parfois et pas représentés dans leur totalité et ça c'est important. Il y a aussi l'influence du tentacule. On peut en parler. Je pense que clairement Lovecraft c'est une des meilleures influences qu'il y a Hellboy qui est une des meilleures influences qu'il y a de Lovecraft quoi. Enfin. Un des meilleurs influencé par Lovecraft. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que souvent on comprend pas. C'est vraiment digéré pour le coup. Souvent c'est un peu de la merde, on peut le dire. Donc c'est un grand lecteur. Mais là il se l'approprie et il l'avoue. Enfin, t'as lu des trucs dans lesquels il dit que. Oui, lui-même il a illustré des bouquins de Lovecraft en anglais. Tu vois, il a fait des couvertures et tout. Enfin, c'est un gros fan. Et il y a d'autres exemples dans l'œuvre en elle-même. On a vraiment cette idée d'enjeux qui dépasse l'humain, qui dépasse l'humanité. Hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais comme le tourner en rond, c'est ce que je veux dire. Comme le demandait J2, c'est un peu redondant comme du Lovecraft. Comme le demandait J2, est-ce qu'il y a d'autres œuvres dans le comics? Oui, il y a Alan Moore, qui est l'auteur de Watchmen, de V pour Vendetta, de From Hell, etc., qui est un des plus grands auteurs de comics de ce siècle, qui a écrit le Neonomicon, qui est une adaptation sexuel du Necronomicon. Ah oui, il y a pas du tout dans Lovecraft. Non, le sexe. Mais ils ont embrassé la première fois à 32 ans, rappelons. Ouais, il y a des affaires un peu sexuelles avec des monstres, etc. D'accord. Dans le Necronomicon. En même temps, c'est intéressant cette dimension sexuelle parce que c'est ce qu'il y a pas chez Lovecraft et en même temps, c'est ce qu'il pourrait y avoir tout le temps. On a l'impression que n'importe quel monstre, n'importe quelle femme, etc., pourrait se transformer en un truc sexuel. Et souvent, les gens qui sont inspirés c'est à cause de tes penchants chelous. Non, franchement, je pense que c'est. Enfin, ça sent que c'est refoulé chez Lovecraft, ce truc-là. Et les gens qui. Sur le yacht, ça. Non, mais les gens qui réadaptent en général Lovecraft, c'est le nom de l'émission. Ils mettent souvent une dimension sexuelle. Ils mettent souvent une dimension sexuelle. Au truc des tentacules, etc. Après, c'est peut-être sûr. Et malheureusement, le Necronomicon d'Alan Moore, c'est quand même une de ses œuvres les plus mauvaises. Et c'est bien de le dire. Mais c'est pour dire que ça a quand même influencé, tu vois, des grands auteurs des comics. Mais pour autant, ils ont fait de la merde, tu vois. Après, c'est quand même assez rare de faire un truc qualitatif. Enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi. Avec comme base Lovecraft, Il y a Mignola qui l'a fait bien dans Hellboy parce qu'il s'est Je crois qu'on l'a bien compris. C'est quand même assez rare, quoi. En gros, on pourrait dire que quand même Lovecraft, il a une influence énorme sur toute la pop culture que nous on connaît. Ah, par exemple, David Jones. Par exemple, David Jones. C'est Cthulhu. Il faut pas non plus à chaque fois qu'on voit un tentacule dire c'est Lovecraft. Non, mais là, c'est un mec qui est au fond de la mer qui dort. Je suis pas sûr. Bob l'éponge, c'est vrai qu'il a une gueule de Cthulhu quand même. Ah ouais, je sais pas. Il a une gueule de poule. Arrêtez de mettre Cthulhu n'importe où. On est d'accord, ils disent de la merde. Et alors, du coup, est-ce que vous serez d'accord avec ça? Dans Game of Thrones, les Greyjoy, le Kraken, What is Dead May Never Die. Mais non. Non. Non. Non, non, je pense pas. Bah, moi, je pense que oui. Ah, mais peut-être que c'est une référence cachée. C'est pas impossible. Si Clément ne meurt jamais, Par contre, Guillermo del Toro, Pacific Rim, je pense tout ça, ouais, carrément. T'es parti trop loin sur Cthulhu Airlines. Airlines? Guillermo del Toro, il le dit lui-même que c'est un gros fan de Lovecraft. D'ailleurs, il parle dans le documentaire Lovecraft Fear of the Unknown. Il y a beaucoup de del Toro, de Carpenter. Ouais. Mais je pense que Labyrinthe de Pan, ouais. Pacific Rim, etc. Et il devait adapter Les Montagnes Hallucinées d'ailleurs. Ouais, bah c'est un film porno, Pacific Rim. C'est des Chinois qui laissent des. Les Montagnes Hallucinées, c'est pas totalement abandonné. Hein. Je crois que c'est toujours plus ou moins d'actualité. Pas, hélas, ça serait bien. Mais... Moi, ce qui me surprend beaucoup dans la BD et dans le comics en général, c'est aussi la capacité à reprendre Lovecraft lui-même comme personnage dans des BD et en faire quelqu'un qui est lui-même objet de ses, c'est-à-dire on prend l'auteur et on lui-même objet de ses visions, etc., et on fait devenir l'auteur Lovecraft comme un des protagonistes de ces types de nouvelles. Parce qu'on peut le dire aussi dans le mythe Lovecraft souvent, à la pop culture, il y a aussi le mythe de lui-même, le personnage de Lovecraft. Le reclus de Providence, c'est ça. Et là on peut parler du racisme encore. Non, ça va jamais arrêter. Il y a un documentaire fiction sur lui qui personnifie assez bien justement ce mythe du personnage de Lovecraft, qui est assez nul en soi. Ah, moi, mais, j'ai pas tenu. H.P. Lovecraft Out of Mind, qui est trouvable sur YouTube et qui alimente assez ce fantasme de personnage fantasque, justement un peu perché, et où t'as des espèces de fausses interviews de Lovecraft où il est là. Où ils le font passer pour quelqu'un de complètement du père, en fait, qui n'arrive même pas à articuler des pensées cohérentes, qui est complètement en dehors de la société et qui alimente ce mythe du personnage de Lovecraft qui est comme un reclus. C'est vrai que ça fait le reclus de Providence est une expression qui revient très souvent quand on décrit. Même l'essai de Michel Houellebecq, il est basé sur le personnage de Lovecraft qui avait pas d'amis, qui était tout seul, qui aimait pas le monde et qui aimait pas la vie. Alors qu'en soi. C'est J2. Alors qu'en soi, c'était une erreur. L'essai a été écrit en 88. Et entre-temps, on a découvert que le mec, il a écrit 100 000 lettres. Du coup, quand t'écris 100 000 lettres à tout le monde tous les jours, est-ce que t'es vraiment reclus? T'es un peu dans un maillon social assez important. Puis on a plein de photos de lui à New York où il est avec ses potes, etc. Où il sourit. Ouais, voilà, il a quand même eu. Il est un peu moins reclus qu'on voulait faire croire. Ouais. Mais pendant très longtemps, c'est l'image qu'on a eu de lui, l'image qu'on a voulu véhiculer de cet homme. Il est reclus parce qu'il est pauvre, en fait. Et qu'il a pas les moyens de voyager. Et donc, il comble cette absence par les lettres et par les échanges. C'est vrai qu'il a pu avoir une période vraiment reclus, en fait, avant d'arriver à New York, mais une fois qu'il est revenu à Providence et tout, c'était pas du tout le cas. Il voyageait, il communiquait, etc. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il change. Il allait à l'Acrobranche tous les week-ends, au Center Park et compagnie, quoi. Non, mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il évolue même dans sa pensée, dans son idéologie, et qu'il devient. Plus en plus adepte du New Deal et qui devient presque socialiste. Enfin, oui, bon, c'est ça. Gens, c'est vraiment un socialiste qui dit le bel Adolphe. Un socialiste national. Non, mais national-socialiste. Moi, je suis pas d'accord. Non, avec pas ça, forcément, mais... parce qu'en fait, enfin, il y a quand même tout un. Enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent que effectivement, il aurait pu, s'il avait vécu plus vieux, il aurait peut-être changé complètement. Et quand même, on part du truc de base, qui est effectivement le mec, il est tout seul, il est reclus à Providence, machin, et il était conservateur. Il écrit même son journal, ça s'appelait The Conservative, donc ça c'est clair, il n'y a pas de souci. Il était raciste, conservateur, tout ce qu'on veut. Et effectivement, c'est vrai que ces différents voyages et le temps allant et les conversations avec d'autres gens lui ont ouvert l'esprit, et il a quand même beaucoup changé, et notamment par rapport au fascisme et au nazisme. Il a quand même. Dans des lettres à... Il dit 31 janvier 1937 à son ami Willis Conover, qui est producteur de jazz et donc qui produit malheureusement du jazz. Mais Willis Conover. Des artistes tout noirs, il faut bien le dire. Ah, bah, t'as dit malheureusement. il avoue avoir pris pour argent comptant les illusions et les préjugés traditionnels du milieu socialement et politiquement conservateur auquel il appartenait. Et voilà, je pense que ça dit bien, en 1937, bah oui. Quelques années de sa mort. À quelques mois de sa mort. Ouais, à quel point il avait changé et qu'il Non, il... je n'ai pas changé. Non, mais il comprenait à quel point. Quand t'es sur 10 à l'échelle du racisme et que tu passes à 6, t'es quand même raciste. Non, mais ça empêche pas qu'il était raciste. Mais je pense qu'à la fin de sa vie, il était pas plus raciste que la majorité des gens du pays. Peu, le y en a des biens de Lovecraft, quoi. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est ok, il est moins raciste à la fin. Mais il est quand même encore un peu raciste. Mais non, mais il faut le remettre dans son contexte aussi. Enfin, tu vois, je veux dire, je pardonne pas à Lovecraft d'avoir été raciste. Mais en même temps, il est élevé dans une famille traditionnelle WASP. Aristocratique qui dans les années 30 son enfance lui avant, dit alors. Ouais non 10, mais qui depuis 10, son enfance 10. Qui depuis son enfance lui dit que les blancs année. C'est supérieur aux noirs et que il y a oui, des races supérieures et des races inférieures mais enfin, par voilà. exemple y a, le mec il est issu de la culture il y a un exemple typique c'est quand il est revenu de New York il voulait revenir avec sa femme juive et c'est ses tantes. C'est relaté dans les lettres, c'est ses tantes qui refusaient d'avoir une juive. Kishoa et compagnie. Ouais, ses tantes chez qui il vivait. Kishoa Lovecraft. Ses deux parents étaient morts et il vivait donc chez ses tantes et qui ont refusé. Qui ont refusé en disant non, on n'accepte pas une juive chez non, nous. Non, mais il est marié. C'est pas lui qui. Il est marié à une juive. Il pousse des auteurs juifs à écrire lui-même. Enfin, eux-mêmes. Eux-mêmes, pardon. Et après, je pense que. Essayer. Enfin. Je trouve que c'est de plus en plus le cas. Enfin, moi, ça m'a surpris quand j'ai lu quand j'ai entendu des articles, des podcasts sur France Culture qui culpabilisaient les admirateurs et les lecteurs de Lovecraft en les pointant du doigt comme étant eux-mêmes racistes. Ouais, etc., voilà. Enfin, je veux dire. Je me suis senti visé. Mais non, mais jamais con, hein. Lovecraft n'est allé défendre l'arme à la main, le nazisme ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, il l'a fait la fleur au fil. Bah, il a jamais non, adhéré au parti. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Il a pourtant des partis aux États-Unis. Le mec est chez lui, il renie le nazisme dans les derniers mois de sa vie. Ah, bravo. Bah, non, mais. Bah, je suis d'accord avec Alexis. C'est juste qu'il faut pas. Enfin, je pense que c'est important de voir cette partie-là. Effectivement, c'est qu'il a été raciste, etc. Mais c'est toujours important de voir. Et aujourd'hui, la réalité est beaucoup plus subtile que et c'est. Et aujourd'hui, on ne vend pas les montagnes hallucinées en disant la plus grande œuvre de l'auteur antisémite du XXe siècle. Enfin voilà. Et aujourd'hui. C'est pas la même chose que Céline, c'est par exemple. Voilà, Céline, je suis désolé, effectivement, on peut l'accuser effectivement d'un antisémitisme qu'il a défendu jusqu'au bout. Il est parti à Sid Meieringen, etc. C'est vraiment un auteur, ouais, effectivement, lui, il a défendu son truc jusqu'au bout. Je pense que Lovecraft, c'est le genre de mec, s'il avait été confronté. Enfin, il aurait pu. Les années passant changer d'avis et pas juste parce qu'il était là, c'est juste parce que je pense que il avait les convictions de quelqu'un qui a des informations limitées, quoi. C'est tout. Ouais, je suis d'accord. Il a des connaissances limitées comme ces personnages. Pour moi, l'extrait qu'on a lu tout à l'heure, je sais pas, c'est quand même chaud. Mais c'est une licence poétique quand même, quoi. Je veux dire, tu peux évoluer dans ta vie. Oui, d'accord. Bon, bref. Il y a un auteur que j'ai découvert qui s'appelait Roland C. Wagner, qui est un auteur de science-fiction français qui est mort en 2008 dans un accident de voiture et que j'avais rencontré. Sur la 38, non, c'est pas très drôle. À 12h15, t'as un complot sanguin à plus. Pardon, c'est pas très très drôle, mais juste, moi je connaissais Lovecraft et j'avais correspondu avec lui sur le cafard cosmique, etc., et qui a un site internet de science-fiction. Et le mec, justement, c'est lui qui m'avait convaincu de dire non, Lovecraft, il n'est pas exactement ce qu'on pense, parce que moi, j'avais juste cette vision un peu propagée par Houellebecq et tout, du mec raciste, machin, qui n'aime pas la vie. Et lui, en fait, il a écrit un roman qui s'appelle HPL, c'est un petit roman de 30 pages, en fait, c'est une uchronie sur qu'est-ce que serait devenu Lovecraft s'il avait vécu jusqu'à 60 ans, et il en fait un espèce de communiste, etc., à la fin de sa vie. Et c'est intéressant, parce que lui, il avait tout un matériau technique. Et il s'appuyait sur le fait qu'en fait Lovecraft n'était pas si raciste que ça. Et c'était juste pour rendre hommage à ce grand auteur de science-fiction français qui est mort en 2008 et qui avait été beaucoup aimé et acclamé par la critique. Voilà, Roland C. Wagner. Kiss. Ok. Bah, donc on a vu. C'était pas leur dédicace maintenant, mais c'est bien de l'avoir fait. Big up à toi, Roland. Donc on a vu que Lovecraft était raciste, mais à part ça. Quel enculé. Il y a aussi du coup des grandes œuvres influencées par Lovecraft, notamment Carpenter, on peut en parler. Ah bah oui. In the Mouth of Madness. Alors In the Mouth of Madness, c'est l'antre de la folie en 94, où c'est l'histoire d'un écrivain fantastique, Sutter Kane, qui disparaît et qui clairement est un Lovecraft dont on ne dit pas le nom, avec des titres qu'il a écrit. Ou un Stephen King. Ouais, mais il a écrit des titres genre l'horreur de Hobbs Witch, de Hobbs End et tout, tu vois, c'est vrai. Parodie pas mal Lovecraft. Et ce film, est-ce qu'il est bien? On l'a vu hier avec Steven. Il est bien dans le sens où il veut retranscrire les impressions que font Lovecraft à la lecture. Ouais, c'est parce qu'on l'a dit, Lovecraft c'est surtout des sensations. Oui. Moi je trouve que ce qui est intéressant. C'est un film vachement bordélique. C'est absurde. Surtout la première partie. Parce que la première partie, elle est vachement dans ce qui se passe hors du cadre. On nous filme des choses qui n'ont pas de sens, mais dans toute la première partie du film, grâce à la bande-son notamment, et grâce à ce qui se passe hors cadre, on a une sensation de malaise que je trouve vachement intéressante, ouais, et où on nous représente pas les choses. Et je trouve que là où le film perd quelque chose, c'est à partir de la moitié du film où on commence à nous représenter les créatures, ouais, de façon complètement littérale. C'est-à-dire on les voit apparaître. On à les voit sur des points de 3 secondes, donc ça reste pas non plus ridicule. Et, ouais, si. Oui, si. Mais. On alors, se croirait dans Buffy. On est d'accord que c'est accentué par le fait que ça a mal vieilli, parce que c'est des représentations qui sont dépassées techniquement aujourd'hui. Carpenter, mais quoi. À partir du moment où on voit les choses à l'écran, on perd énormément de ces sensations justement de Lovecraft, de l'indicible. Ouais, mais pour moi, dans la seconde, il y a tellement de trucs absurdes et horrifiques où tu comprends pas du tout ce qui se passe, c'est tellement perdu et angoissé en même temps que ça retranscrit quand même assez bien le côté Lovecraftien. Ah, mais moi je trouve que c'est une bonne adaptation de Lovecraft. Moi j'ai ressenti les mêmes sensations. Et c'est une vraie adaptation. Qu'à la lecture des nouvelles, mais dans la première partie. Une bonne adaptation parce que ça veut pas adapter Lovecraft, mais seulement l'effet que. Ouais, c'est ça. D'accord. Et d'ailleurs, il y a le même schéma narratif où la fin c'est un peu le début. Enfin, Oui, où on nous explique qu'il y a quelque chose qui dépasse l'entendement dès le début, ouais. Parce qu'en fait, le personnage est dans un asile psychiatrique et va raconter sa perception des événements à son psychiatre. Donc c'est vraiment, effectivement, une construction purement Lovecraft. Et c'est le même personnage qui ne veut pas croire. Il pense que c'est une machination. Ouais, tout le monde dit, c'est pas vrai, vous me saoulez, vous racontez des bêtises. Vous êtes des bons acteurs et compagnie, mais voilà. La scène où il essaye de quitter la ville à répétition, d'ailleurs, où il revient systématiquement avec sa voiture est hyper représentative de ça. C'est vraiment le sceptique dont on parlait tout à l'heure. Oui, voilà, si vous voulez s'exprimer. Non, mais de ce point de vue, il y a un autre film qui me paraît. Carpenter aussi. Tu voulais nous chier dessus, pardon. Non. Ah, parce qu'il y a aussi The Thing quand même qui est pas inspiré de Lovecraft. Bah allez-y, Bah, je sais pas, The Thing c'est pas non plus du Lovecraft, mais c'est quand même vachement influencé par les montagnes. Bah, les montagnes hallucinées, ouais. Où t'as clairement l'horreur antarctique, l'alien et compagnie. Non, je l'ai pas vu, donc parlez-en mieux que moi. Non, mais je pense qu'il reprend quand même. Je pense qu'il a le même défaut que In the Mouth of Madness, les mêmes qualités, les mêmes défauts, c'est-à-dire que pendant toute une partie du film, on a cette horreur qui rampe et qui n'est pas représentée et qu'on retrouve aussi dans Alien. Elle devient humaine, ça marche dans les humains. Très bien au niveau des sensations jusqu'au moment où tu te la représentes vraiment visuellement, où tu as vraiment une représentation physique de la chose. Et là, on perd le sentiment de Lovecraft à ce moment-là, je trouve. D'ailleurs, je trouve que Alien est énormément influencé par Lovecraft. Et il y a tout un fond, on retrouve les créatures qui viennent de l'espace, qui sont monstrueuses. Bah, déjà, qui nous dépassent, et c'est assez, enfin ça continue aussi dans Prometheus. Dans Prometheus, on a une race d'anciens qui crée les êtres humains, qui crée aussi ces créatures bizarres. Il y a tout un truc qui dépasse, et la volonté de connaître des êtres humains va causer leur perte. Donc on a tout ce schéma Lovecraftien qui est vachement apparu de Lescott. Tout à fait. Et via Air Giger. Avec tout un tas de trucs qui font ça, mais Alien fait partie vraiment de ces influences Lovecraftiennes qui fait qu'aujourd'hui on semble connaître presque Lovecraft quand on le lit, quoi. Ouais. Et Alexis, le film dont tu voulais parler, c'est quoi ? C'est Cloverfield. C'est pas forcément un excellent film, mais je pense que ça reprend la façon dont Lovecraft écrit ses histoires, c'est-à-dire que on en a parlé Lovecraft. Donc Cloverfield reprend la même structure en fait que Lovecraft dans ses nouvelles, puisque Lovecraft part d'un témoignage et dans Cloverfield c'est la même chose. C'est un héros qui est dans New York si je ne m'abuse, filme en fait sa vie quotidienne avec son caméscope et qui en fait témoigne de l'attaque de New York par une entité supranaturelle extraterrestre qui ressemble beaucoup à Cthulhu. Et voilà, c'est l'équivalent Mais il manque l'attaque en force du début, on dit je vais raconter un truc. Bien sûr. Mais c'est une équivalence modernisée un petit peu de Lovecraft où on passe plus par l'écriture et par le journal, mais par la caméra vidéo, etc. Mais c'est vrai qu'on est dans une construction plus traditionnelle du fantastique, dans le sens où on ne sait pas ce qui se passe et petit à petit. Je suis d'accord que c'est pas le meilleur film d'inspiration. Il y a une Lovecraftienne, bonne influence. Je trouve qu'on ressent ça quand même en voyant. On montre pas le monde. L'indicible. Avec un petit bédo, c'est pas mal. Petit bédo, ouais. On a compris que tu t'es mis à la drogue, Alexis. Ça fait deux fois que t'en parles. Bravo, ça passe avec un bédo, frère. Tu as découvert la ganja à 25 ans. On est tous fiers de toi. Ça, c'est les étudiants. Ganja, c'est. On fait de la science politique au bout d'un moment. Pour vous, c'est quoi du coup la meilleure influence Lovecraftienne dans les œuvres? Oui, c'est un peu dur. Bah, c'est un peu tout, quoi. Parce pour que moi, je pense c'est que Amnesia, le jeu vidéo. Ah. Est-ce que vous y avez joué? Dark Descent. c'est un jeu qui est pas inspiré directement de Lovecraft, mais qui reprend tous les mécanismes. En gros, t'as une jauge de santé mentale. Si tu regardes des ennemis, les monstres, tu deviens fou. Du coup, tu dois toujours fuir, te cacher et ne pas regarder ce qui est en face de toi, sinon tu deviens fou. Et c'est une mécanique pas de jeu d'aventure, de point and click où t'es figé, mais où là t'es en FPS, où tu dois avancer et tout, mais qui pourtant reprend tous les codes de Lovecraft. C'était vraiment dans la peau d'un personnage qui doit tout le temps fuir et qui risque la folie à chaque détour de couloir s'il voit trop longtemps ce qui le pourchasse. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne adaptation de Lovecraft, ce truc-là. Moi, je trouve que Alan Wake en jeu vidéo, c'est aussi une bonne adaptation de Lovecraft. C'est plus Stephen King, je pense, mais... Ok, bah moi, ce que je trouvais intéressant dans le jeu Alan Wake, Stephen King est influencé par Lovecraft. C'est le côté... l'influence des rêves, en fait, que je trouve vachement intéressante, où t'as un personnage qui arrive pas à faire la distinction entre ses rêves et sa réalité, qui est dans une sorte d'angoisse permanente. Et je trouve que ça, de ce côté-là, le pouvoir de l'imaginaire justement et de l'indicible est extrêmement fort dans cette œuvre-là. Tu combats des ombres, donc oui, c'est des trucs qui sont pas vraiment matériels. Moi, ce que je retiens plus, comme qui crée un malaise général. Ouais. Et je trouve que dans cette œuvre-là, c'est vachement bien retranscrit. Et toi, JD ? Ce que je retiens de plus, c'est plus l'idée générale de point de santé mentale, en fait. Enfin, qui est infusé partout dans les jeux vidéo, dans les jeux de rôle, etc. Et la simple idée de santé mentale, je pense que c'est vraiment un truc qui vient de Lovecraft. Ça, je trouve. Oui, c'est clair que les personnages, plutôt que la mort, risquent la folie. C'est un truc vraiment très Lovecraftien. Ouais. Toi, Alexis, une œuvre influencée par Lovecraft qui t'a beaucoup marqué ? Hellboy, peut-être. Bah oui, en adaptation directe, je dirais l'appel de Cthulhu, le jeu de rôle. Mais oui, en influence, je dirais Hellboy, ouais, de Mike Mignola, qui est vraiment de son début jusqu'à sa fin, une œuvre magistrale et que je vous conseille de lire. Ouais. Et toi, Steven ? Oui. Pour moi, c'est Oui Oui dans La Cité sans nom. Yeah, c'est vraiment magistral. On voit Oui Oui s'extasier. Invoquer Yogg-Sothoth, c'est cool. Et tout ça avec un schéma narratif. Mais en vrai, si vous tapez Tintin, etc., il y a des couvertures de Tintin. Ah ouais, Tintin, elles sont excellentes. Tintin, Ice Wolf et tout, c'est assez rigolo. Et alors, quelles sont les œuvres, l'œuvre préférée de Lovecraft ? Non, mais en vrai, Steven, c'est quoi ton truc ? Je ne sais pas. Ah d'accord. L'œuvre préférée de chacun de Lovecraft, c'est pas mal. Ouais, vas-y. Oui, c'est ce que j'allais faire après. Ça y est, il l'a posé. Ouais, bah pardon. Excuse-moi, c'est pas moi. Ton texte préféré de Lovecraft, c'est quoi ? Bah, moi, je pense que c'est La couleur tombée du ciel. Exactement. Ouais. Parce qu'il a lu trois nouvelles et que celle-ci c'était la non, mienne. Déjà, j'en ai eu plus. Le cauchemar d'Innsmouth en ce qui me concerne. Bah, laisse-le parler de sa nouvelle. Ah, on en parle. Bah ouais, je pense que la couleur tombée du ciel, c'est, pour moi, c'est la meilleure parce que je trouve que tout est bien posé. L'ambiance est vraiment bien calée, le lieu est super bien décrit, on a envie de savoir ce qui se passe. Toutes les péripéties, pareil, elles passent super bien. Donc, ce schéma du témoignage. Je trouve que là, il est très bien géré. Il y a un truc que j'ai pas dit peut-être sur ce témoignage, c'est que parfois on se perd un peu chez Lovecraft sur à quel niveau de récit on est, quel personnage, machin. Là, c'est pas du tout le cas dans La couleur tombée du ciel. Voilà. Donc toi, j'ai dit, c'est le Innsmouth. Oui, Innsmouth. Bah, enfin, c'était la lecture, mais elle est plus marquée, surtout avec cette espèce de là, on voit vraiment le racisme de Lovecraft comme structure narrative. Enfin. Non, mais enfin, le déclinisme et le mélange du sang, quoi. Et c'est ça, et c'est assez, c'est vrai que ça m'a terrifié à l'époque. Moi, je me rappelle que j'avais lu ça à 16 ans et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait peur. Et le grand remplacement me fait peur. Non, mais c'était pas l'histoire de grand remplacement, c'était plus genre ces gens qui deviennent des espèces de créatures hybrides et tout, qui commencent à aller dans l'eau, machin. Et il y avait les migrants sur leur canot, sur la nage, ils arrivent. Non, mais peut-être que, enfin, ceci dit, c'est peut-être une parenthèse, mais ceci dit, c'est vrai que quand même Lovecraft est vachement. Enfin, est vachement sur un registre de la paranoïa. Et je pense que si ça marche toujours, en fait, c'est que Lovecraft, c'est, enfin, si aussi ça alimente des trucs d'extrême droite et tout, c'est que ça fonctionne un peu sur le truc du complotisme et de ce qui est organisé, enfin, des trucs qu'on comprend pas vraiment, mais qu'on relie tous dans un même mythe. C'est exactement le mouvement du complotisme. C'est ça. Moi, je dirais que c'est l'affaire de Charles Dexter Ward. Ah ouais. C'est le roman très long de Lovecraft. Ouais, je trouve que ce qui est bon, il y a un défaut dont j'avais déjà parlé, mais qui m'a un peu gêné dans l'œuvre, c'est vrai, mais qu'on retrouve souvent, c'est que tu vois la conclusion très longtemps à l'avance. Au chapitre 2 à peu près. Mais il y en a 5. ce que je trouve intéressant, c'est que comment dire, déjà l'histoire te fait même si c'est le psychiatre en fait qui raconte l'histoire pendant tout le en fait, c'est un narrateur externe, mais ouais. Ouais, c'est un narrateur externe, mais on est focalisé sur le psychiatre. Qui change, parce qu'au début, t'es concentré sur le Charles Dexter Ward, et après, t'es concentré sur le psychiatre et la vision qu'il a de ce personnage-là. Et je trouve que le changement de point de vue, justement, apporte un peu de fraîcheur dans le récit. C'est vrai. Et permet de changer, justement, la perception que t'en as. Ah ouais, c'est vrai. Et je trouve que c'est intéressant. Je trouve que l'aspect ésotérisme sort un tout petit peu du mythe de Lovecraft, c'est-à-dire qu'on évoque Yoxotot de façon un peu externe, ouais, y a son nom, quoi, c'est pas ce que c'est, qui est pas le centre de l'histoire. Et par contre, la description des horreurs qui sont liées à ça est beaucoup plus centrale que dans d'autres récits. Ouais. C'est-à-dire que aux deux tiers du récit, on a en fait le psychiatre qui va explorer et comprendre vraiment ce que Charles Dexter Ward était en train de faire et depuis tant de temps. Et donc t'as toute la description des sous-sols en fait du bungalow où il fait ses expériences, des puits où il y a les créatures qui sont, enfin il y a une part de l'horreur en fait qui est beaucoup plus importante que dans les autres nouvelles de Lovecraft, qui occupe quasiment un tiers du récit et que je trouve du coup assez fascinante par rapport au fait où dans les autres récits j'expliquais ce qui me gênait, c'est qu'il tease l'horreur qui finalement arrive sur les deux dernières pages alors que toi tu te la représentes déjà depuis la moitié du récit, et là vraiment il te tease le truc, mais comme ça change de point de vue, déjà ça reste frais, et en plus t'as vraiment un tiers de l'œuvre où c'est de plus en plus de révélations dans l'horreur et du coup qui te maintient vraiment en haleine. En fait, parce qu'il y a plusieurs trucs. Lovecraft, hein, mais bon, non, il y a vraiment énormément de couches dans ce récit. Ouais, c'est ça, ouais. Et il a le temps de les développer parce que c'est son seul roman. Et je trouve que là, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une œuvre qui m'a maintenu en haleine tout du long. C'est pas ce que je préfère. Moi, non. Alexis, c'est quoi ton œuvre préférée Lovecraft? Moi, j'ai découvert Lovecraft en 6e ou 5e. On a demandé de mon préféré, pas ta biographie quand même. Mon père était fan de Lovecraft et donc, du coup, il m'a fait rapidement lire l'ouvrage Je suis d'ailleurs, qui est chez Follow SF. Une compilation de nouvelles. Voilà. Et ma préférée, c'est Air froid. Donc, c'est plutôt dans Je suis d'ailleurs des nouvelles qui sont pas trop dans le mythe de Cthulhu. Non, c'est plus les histoires macabres. Ouais, voilà. Et moi, c'est. Sur l'invention de la climatisation. C'est la. C'est la partie que je préfère de Lovecraft. Et c'est de la SF alors. Et pourquoi j'aime ça? Parce que Air froid, c'est vraiment la nouvelle typique qui est pas trop longue, où t'as pas trop le temps de t'ennuyer, t'es vraiment dans le rythme. Et en même temps, la révélation se fait vraiment, dans ce cas-là, dans les deux dernières lignes. Mmh. Ça l'aurait deviné avant, bien sûr. Oui, bah oui. C'est là où Lovecraft montre son ingéniosité, tu vois. Où sur des récits longs, il construit plus sa révélation et ça prend du temps. Et alors que là, dans les petites nouvelles un peu anecdotiques qui sont à part de son imaginaire, il te balance comme ça la révélation assez rapidement et t'es vraiment surpris. Oui, la structure d'une nouvelle est basée sur la chute. Donc, mais je veux dire, c'est plus rapide que ces autres nouvelles plus longues. Parce que c'est plus long, c'est des nouvelles et pas des nouvelles. C'est ça. Et voilà, moi ça m'a beaucoup marqué et ça fait vraiment partie de mes nouvelles préférées. Moi j'avoue être un fan de Lovecraft. Donc, Ok. Moi j'aurais dit Innsmouth aussi, mais j'ai dit l'a dit, donc je vais dire celui qui chuchotait dans la nuit, ou chuchotement dans la nuit, enfin Whisperer in the Dark. Dans les ténèbres. Dans les français. Ténèbres, et ben, peu importe. Moi j'ai lu en anglais Lovecraft et je vous baise. C'est une nouvelle vachement science-fiction, mais qui m'a tenu en haleine parce qu'il y a beaucoup de trucs épistolaires dedans, et du coup tu t'es tenu en haleine par le rythme des lettres. Parce qu'il y a un mec en gros qui est dans la merde et qui écrit un prof de miscatonique. Et du coup, tu sais pas quelles nouvelles horreurs vont être amenées par la lettre. Ouais, tu veux avoir les réponses. Et quoi. Du coup, t'es là, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, il y a une progression vachement cool amenée de lettre en lettre qui, moi, m'a beaucoup plu jusqu'à la révélation finale qui est vraiment très très science-fiction parce que c'est une race d'aliens dont on n'a pas parlé. Les Migos qui viennent de Yogoth, donc Pluton et compagnie. Si, on en a parlé. Ça, on s'en fout. Mais c'est vraiment cool et voilà, c'est une nouvelle préférée avec Innsmouth. Et je trouve que ce dont tu parlais dans Charles Dexter Ward, le côté révélation dans l'horreur, pour moi c'est toujours ce que j'ai dans Lovecraft. C'est, il commence fort dès le début, genre c'est les choses ce dont je vais parler, mais moi je suis jamais déçu parce que il arrive toujours à aller plus loin dans l'imagination et il me surprend toujours parce dans l'horreur. T'as une imagination limitée. Peut-être. Ou alors plus débordante que la tienne, qui fait que tout au long du récit, eh ben, on est amené à imaginer des trucs et c'est ça qu'il veut. Et on traitera cette question dans la prochaine FK. Alors, maintenant on va parler de rien parce qu'on a parlé de beaucoup trop de choses. Ouais. Après ce petit passage Hit Machine, Charlie et Cthulhu, on va passer à la vie Patrick. La vie Patrick faite par Alexis sur l'armée. C'est intéressant. On est prêt ou pas? Allez, très bien. On a marre, hein. Putain, mais dédicace. quintessence du podcast, c'est à l'image. Des choses là. Non, il est juste un peu moins d'entrain. Allez. De pute. Alors, cher Patrick. La vie Patrick faite par Alexis sur l'armée. On Exactement. Écoute. Cher Patrick, entre tes championnats du monde de pétanque sur l'équipe 21 et les récentes annonces du crossover entre Joséphine Ange Gardien et Camping Paradise. C'est vrai en plus. Prenez ça dans votre gueule, les Defenders. J'imagine que tu n'as pu louper les derniers attentats en Espagne. Ah, ça c'est bien. Merci. Bon. Olé on a, pourquoi on a laissé Alexis ça Bon, après l'enregistrement de cet FK, tu penseras sûrement qu'il s'agit d'un coup des copains de Abdullah Lazred pour mettre fin au déclin de l'Occident si cher à Lovecraft et Bernard Onfray. Ah, c'est bien. Allez, c'est fini l'émission. Pour l'instant, c'est très bien. Lovecraft n'est pas très raciste, mais Alexis, par contre, c'est sûr. C'est pour ça qu'il trouve pas raciste. Il aime même faire sa chronie. Donc, Abdul, oui. Toi qui te trouves comme 10% des Français dans le même état professionnel que Stavro, je te propose de profiter de... Je te propose de participer, pardon, à la protection de tes concitoyens pour ne pas être comme le dernier des Mohicans dans le flunch des Beaubourg en intégrant l'armée. Ouais. Ah, imagine super. Ces plages de sable chaud, ces contrées exotiques que tu iras explorer et défendre. Merci Michel Sardou. Je pense évidemment à Châtelet ou la gare du Nord. Oh là là. Où tu te baladeras les yeux dans le vague entre le McDonald's et la brioche dorée. Bon, évidemment, l'armée, c'est un monde un peu à part, et moi qui y travaille depuis un an et demi, je vais aujourd'hui te donner quelques conseils pour t'intégrer en douceur. Aujourd'hui, tout d'abord, oublie tout ce que l'on t'a appris sur le monde qui t'entoure. Les premières semaines, tu auras l'impression que l'armée évolue dans un monde parallèle, où l'histoire est assez différente de la nôtre. Puis tu réaliseras qu'ils ont tout à fait raison, et que c'était nous qui avons tort. Par exemple, connais-tu le deuxième prénom d'Obama ? Un colonel m'a appris que c'était Hussein, car je cite, il n'y a pas de fumée sans feu. Oh là là. Oh, oui. On t'expliquera aussi qu'Alexandre le Grand, pour avoir les faveurs des populations d'Orient, avait souhaité se convertir à l'islam, bien qu'il a vécu 9 siècles avant la naissance du prophète Mahomet. Mais ça, c'est encore un complot médiatico-gauchiste. Bon, passons au second conseil. Pardon. Entraîne ton foie, Patrick. Ah, important. Chaque journée commence par le traditionnel jus galette. C'est-à-dire un café torboyau, littéralement infect, servi avec des biscuits que même les candidats de Koh-Lanta refuseraient. Ah. Ensuite, sur les coups de 11h, direction le mess, la cantine, quoi, si vous préférez. Côté Strasbourg. Alors là, c'est sûr, c'est pas cher. En général, tu t'en tires entre 1 et 2 euros le repas complet. Ah, bon plan, flunch. C'est un très bon plan. Mais pour une nourriture particulièrement fadasse et non diététique, recouverte de postillons du serveur qui t'a demandé ce que tu voulais avec ta bavette. Avec un peu de chance, tu auras aussi des départs à la retraite où l'alcool coule à flot. À côté des podcasts de l'AFK, c'est les communions de tout cousin. Là, je te parle de pot de départ avec une ou deux bouteilles d'alcool par personne que t'attaques souvent dès 11h le matin. Donc tout le monde est beurré. Et là, c'est le début des chants un peu nostalgique. Ah oui. Par exemple, sous le soleil brûlant de l'Algérie, notre étendard flottait calme et vainqueur. Oh là là. Ah, c'est ou bien. Encore, quand Jésus-Christ créa la coloniale, il décréta qu'il fallait des hommes costauds, n'ayant pas peur du feu, de la mitraille, et sachant boire le vin et le pernaud. Oh. Oh là là. Des poètes. Merci. Patrick, j'ai conscience que tous ces conseils ne sont pas forcément faciles. Et comme j'ai pas envie que tu forces trop sur le cerveau de peur de te faire recaler à l'entrée, je t'ai apporté un petit cadeau. La surprise. Ah. Alors, voici sous tes yeux ébahis mais surtout jaunis par le pastis, tu peux montrer Steven si tu veux, le recueil La vie militaire. Je peux montrer au micro bien sûr, oui. Qui va t'apprendre tous les secrets des armées. Commençons par les expressions. Est-ce que tu peux lire page 4, l'expression surlignée en jaune ? Mettre le carnet de tir à jour, ça veut dire rompre une longue période d'abstinence. Oh putain ! Voilà. C'est vrai que la mine de militaire en opération extérieure s'accompagne d'un certain manque. Mais il ne faut pas sous-estimer tes petits camarades, manque Patrick. De quoi? Ils ont la solution à tout. Est-ce que tu peux lire maintenant la page 3 et l'expression surlignée en vert? Ce soir, corvée de charbon. Ça veut dire, ce soir, nous allons faire l'amour avec des Africains. Oh putain. Oh. Voilà. Très bien. Donc, non, c'est chaque, pas bien. Chaque problème, c'est pas bien. Sa solution. Ah non, c'est pas bien ça. Tu trouveras également dans ce petit guide une liste de mots qui, je cite, « font intellectuel au cours supérieur d'état-major ». Tropisme, exégèse, chrominance de l'intervisibilité, bataille cognitive... Donc rassure-toi, tes collègues ne les comprennent pas non plus. Enfin, le guide te livre un petit résumé de la vie militaire autour des cinq sens. Le bruit du blaireau qui fait tomber son FAMAS, l'odeur des chiottes en régiment, fouiller de la main l'intérieur du cylindre blanc afin de trouver l'extrémité du rouleau de PQ, le goût de la gourde en fer quand on boit de l'eau, et la vue des photos de cul et des articles de l'équipe accrochés au mur dans le bureau des sports. Au vu de ces descriptions, je pense que Patrick, tu ne seras pas trop déboussolé par rapport au PMU. Je pense et j'espère que mes conseils t'auront bien aidé. Et qui sait, peut-être que tu retrouveras tes amis du Flunch. Ah, oh, merci. Alors, Alexis. Par contre, Alexis, on veut ton matricule. Maréchal, hein. Nous voilà. Alors, je tiens à préciser que l'ensemble des anecdotes que j'ai racontées dans cette histoire sont vraies et que le carnet de vie militaire que l'on m'a donné est un vrai carnet que, moi, que l'on mais m'a donné. Mais ça date de quand cette merde? Bah, de 2016. Hein. Ah ouais. Mais non. Bah ouais, c'est de corvée de charbon. On me l'a donné en 2016. Voilà. Et ben, comme quoi l'armée, ça fait passer Lovecraft. Pour un membre du NPA. Comme... Je vous l'offre, ce petit guide. Vous pouvez le passer. Bah, c'est gentil, disons. Moi, je le garde. C'est sympa. C'est pour moi. C'est pour moi. Ça fait plaisir. C'est cadeau. C'est pour moi. Comme quoi, je crois que Michel Sardou, il y a encore une... On se demandait qui l'écoutait. Je crois qu'on a trouvé. Et ben, ça... des colonies. Oui, voilà. Voilà. C'est le moment où on va arrêter la FK. Hein. Ouais. Il est définitivement. On vous embrasse. On vous fait des bisous. Et on se merci dit... à Alexis qui fait toujours un Aleps en plus de l'armée. Si un jour ils trouvent, ils vont peut-être te faire passer un sale quart d'heure. Ouais, c'est possible. Parce ouais. que c'est peut-être un bah, Aleps, ça va. Le fucking kermesse, c'est un peu plus possible. Ouais. JD, on te retrouve toujours bah, quelque part. Bah, je suis toujours là, quelque part. Entre les ombres. Et entre les espaces, comme les anciens. C'est ça. Exactement. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour une FK indéterminée. Exactement. On ne sait pas encore quel sujet. Et on se fait un bisou et on se quitte en invoquant, bien sûr, Yogg-Sothoth. Ya, ya, ya, Yogg-Sothoth.